salon des studios de Misère, vous écoutez l'épisode numéro 117 de la saison 2024-2025 de la soirée du podcast, édition spéciale du repêchage, mesdames et messieurs. Donc, l'alignement de départ pour le podcast spécial de ce soir, le numéro 31, JF Mallette, le numéro 37, Nick Chalifou, votre animateur, le numéro 75, JF Cromp, et notre invité spécial pour cet épisode, la vedette, le numéro 77, Dominique Bourret, a.k.a. Papa Cassette. Yo! Merci beaucoup, Jean-François. Très, très honoré d'être à ma première présence dans la soirée du podcast. Salut, JF. Ça fait plaisir de se voir en vrai. Ben oui, la légende Papa Cassette, ben, que j'apprécie énormément. C'est toi la légende, là. C'est quoi les gros muscles, là, la chaîne, il fait peur. Ah, je pensais comme un compliment. Donc, ouais, on est dans un épisode spécial aujourd'hui là, de couverture, comme on fait des fois, là, du repêchage. Donc, on va être live pendant 3 heures. Pendant qu'on a Zorgi 81 qui dit la bière coule déjà à flot. Effectivement, et je rote un petit burger en même temps. Oui, on rote les burgers, smash. On est, sur les chapeaux de roue, là, et ça a été un petit peu dans la minute. Fait qu'on commence ça comme ça. Fait qu'on va, vous présenter les picks. Puis on a chacun de nos choix. En fait, les trois gars ont les choix. On va les présenter vos picks, les gars, d'ailleurs, là, pour les gens qui sont en vidéo. On a Power Jeff qui dit c'est cool d'avoir Papa Cassette. Bonjour, les gars. Merci beaucoup. Donc, on a ici les choix. Donc, les gars, c'est les Sharks qui vont avoir le premier choix au repêchage. Et les trois, vous avez dit Macklin, Celebrini. Exact. Ouais. Mais exact. C'est à peu près ça, certain. C'est le seul pic qu'on est tous convaincus qu'il va se passer. C'est unanime. C'est unanime pour tout le monde sur la planète Terre. Yeah. Puis après ça, ça part dans tous les sens. Exact. Puis pour donner un petit peu de background aux gens, en ce moment, là, les Sharks sont on the clock. Ils ont pas encore appelé Celebrini, mais c'est là qu'on est en arrivant live là, maintenant. Là, on filme la télévision pour essayer d'éviter les strikes de copyright. On va vous le montrer quand ça va être les choix. On vous rappelle qu'ils sont dans la sphère à Las Vegas présentement, donc la grosse boule possiblement visible de l'espace. Cette boule-là, je peux pas croire que ça se voit pas, sinon... C'est clair, mais on va avoir un insider dans les prochains jours. Exact, on exact. On va en parler un petit peu plus. Je vais être là dans 2 semaines, je vais aller voir ça. J'irai voir le show dans la sphère, essayer de voir s'il n'y aura pas des traces de Marc Bergevin qui se cache derrière une plante, quelque chose. Des traces de pipe. Fait que, ouais, on est en finition de mangeage de burger, il y a d'autres bouffes, les gars, qui s'en viennent dans le fumoir tantôt. C'est ça, la beauté. Mike Greer se présente. Ouais, Mike Greer, donc c'est le pick is in pour... Puis la question importante, là, c'est qui le gars de 20 ans qui a plus de cheveux à côté de lui? Là? C'est-tu l'assistant du vice-président du club? C'est le Prince Harry, ça? Le Prince Harry. Attendez. Pas un très bon moment audio. Là, faut, non, mais dans le fond, on va pas c'est vrai, eux autres, ils l'entendent pas. Hein? Non, on n'a pas mis le son parce que là, on se ferait flaguer tout de suite. On va juste mettre le... Ceux qui se posent la question quel type de joueur qui est Celebrini, c'est pas Connor Bedard, c'est pas Sidney Crosby, c'est plus un Jonathan Toews, un centre responsable défensivement qui est capable de produire, mais ce ne sera pas le gars qui va nécessairement faire 100 points par saison. C'est un gars qui va pouvoir vraiment jouer des grosses minutes. C'est comme un genre de Andy Kopitar, un joueur défensif. Ouais. Peut-être un point par match, je serais surpris. Oh, Chris, c'est un revenant, ça. Oh, il invite Joe Thornton. Jimbo Joe. À venir se présenter le choix. Puis c'est une bonne affaire, tu sais. Je me souviens l'année passée que Carey Price était venu présenter le choix du Canadien de Montréal. Puis même lui. Puis il avait freezé. Pas capable de le dire. Il avait freezé. T'as pas capable de prononcer le mot non, mais de David. Il était en rehab, c'est sûr. Là. Ouais, ça a commencé. Les petites pilules. Fait que, tu sais, écoute, les Sharks ont fini dernier naturellement. Quand on regarde l'organisation, ils n'ont rien. Fait que le fait d'avoir un gars comme Celebrini qui va accompagner Will Smith sur le top 6 au centre, c'est déjà une bonne nouvelle pour eux autres. Ça commence bien. Puis même ce qu'on peut rajouter... Là, c'est fait, là, excusez. Il est sélectionné. C'est là. Il hug sa famille. Là. Le premier choix de 2024 est Macklin Celebrini. Et puis les Sharks aujourd'hui ont fait une transaction, hier plutôt, avec les Sabres de Buffalo pour aller avancer du 14e au 11e rang. Et puis, Continue. Ben, ce que j'allais dire, c'est que dans le fond, c'était le choix d'Eric Carlson en transaction avec les Pingouins qu'il doit regretter encore aujourd'hui. Puis oui, Dominique. Dave, je mélange avec les Dave a.k.a. Dominique. Oh my God, il y a des petites bonniches de Vegas là, qui ont des casques puis des jupes. OK. Ça aussi, je vais aller voir live ce qui se passe là. Mais ouais, il regrette ce choix-là. Oh, il regrette ce choix-là. Puis dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'ai perdu mon idée. Bon, le 11e choix, ils ont tradé. Ouais, ils ont tradé les Sharks pour avancer de seulement 3 positions. C'est d'habitude, tu fais ça pendant le draft parce que tu dis, ah si, le joueur que je veux, il est disponible, je le veux tout de suite. c'est un peu bizarre, mais d'après moi, ce qu'ils veulent s'assurer, c'est de ramasser peut-être... C'est un repêchage de défenseurs. Fait que je pense qu'ils veulent avoir un défenseur vraiment au côté, au 11e rang. Puis c'est peut-être la seule logique que je verrais pourquoi que Mike Greer, qui était un grinder des Sharks de San Jose à l'époque, aurait fait le move. Puis je comprends même pas pourquoi que Buffalo a fait ce move-là, premièrement. Là. Ouais. Tu sais, c'est d'avoir quoi? La quantité sur la qualité? Ben, exact. On va voir. Ça va bouger à soir, ouais. Les amis. Là, ben, le stress Buffalo, commence. Ça intelligent. Là, ils ont, pour trois minables ils ont rien à perdre. Sur rendu à, au-dessus de 10, là, ça va dans tous les sens. Exactement, ouais. Parce que tu peux avoir un joueur que tu voyais dans ton top 5 se ramasser au 14e rang. Ouais. Que mais ça, tout est possible. Quand on va revoir nos tops, là, à date, on est 100%, fait good job tout le monde. Mais moi, j'ai pris le bet hier soir en recevant, quand on a eu l'annonce du trade, je me suis dit qu'ils vont viser Yzerman pour peut-être avoir un centre avec son ailier productif, scoreur, ça pour repartir possible, leur franchise. C'est mon bet. Fait qu'on va voir, comme vous pouvez voir, je pense que j'ai mis Cole Yzerman 11e pour le choix des Sharks. Puis moi, je te dirais qu'il voulait se servir de ce choix-là pour ramasser peut-être un défenseur. Fait qu'on faux. Va voir. Pas faux. Mais là, la pression va commencer à monter parce que le Canadien de Montréal passe 5e. Puis moi, je rêve de tout cœur qu'on repêche un attaquant de talent. Puis mon joueur, je vais le dire tout de suite, là, c'est Ivan Demidov. Je rêve à ce gars-là. Mais c'est pas ça que t'as mis, par contre. C'est pas ça que j'ai mis parce que je pense que. Parce comme qu'on va sortir avant. On l'a tout mis avant. Oui, mais d'après moi, la raison pourquoi je ne l'ai pas mis, je suis allé avec ce que je pense qui va sortir selon la logique des choses. Mais ça fait 2 ans de suite que je suis déçu. La première année, je pensais qu'on aurait ramassé Shane Wright, on aurait ramassé Slavkovski. J'ai fait une t'es dépression. Déçu de Slavkovski? À l'époque, je à l'ai l'époque, parce que je me disais, on avait besoin d'un centre numéro 1. Fait que j'ai fait une dépression pendant la game de soccer, mon gars. Puis je criais dans mon char tout seul. J'ai que repose en paix, Jean-Guy, j'ai mon livreur qui est décédé il y a quelques mois qui m'avait appelé. Il m'a dit « Qu'est-ce qu'ils font là, tabarnak? » Fait que là, on était tous appuyés sur le Bluetooth de nos véhicules. Puis mon fils était sur le char à côté, puis il me regardait. Fait qu'il m'a dit « Baisse la fenêtre, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais? » Puis effectivement, la lumière était verte, il fallait que j'avance. Mais j'étais déçu, mais aujourd'hui, je dois admettre que, OK, on a fait le bon choix. Je pense que oui. Juste quoi que Shane Wright a une bonne saison quand même. Puis même que je pense que Shane Wright ne sera même pas prêt pour la Ligue nationale encore l'année prochaine. Fait que vraiment, full on a fait time, un bon choix. Ouais, ça aurait été le contraire. Montréal prend Shane Wright, puis Slavkovski devient ce qui est là présentement avec une autre équipe. On n'aurait pas dit de la merde sur l'organisation. Ah, ben on aurait envoyé... Ouais, c'est ça, totalement. Mais juste pour ramener la profession de Jean-Guy et confidentielle, tout le monde. Merci. Ouais. Puis... j'ai-tu dit l'hiver? Non, on dit dans le chat, est-ce que c'est Shea Weber? C'est Zorgi qui dit, est-ce que Shea Weber va présenter le pic du CH? Chris, j'espère que non. Mais non, parce que t'es en colère. Un Hall of Famer qui présenterait ça. Techniquement, il est avec Vegas. Il est pas avec. Non, non, il est pas rendu à Phoenix, lui? Il était à Phoenix, puis après ça, il est allé à Vegas ou le contraire. Ouais, c'est ça, je suis pas sûr. Moi, je serais insulté, man. T'es en colère contre Weber parce qu'il est parti? Ben, il est parti, man. Puis il se présente pas au moment important. Il s'en calisse de Montréal. Tu sais, ramener Plekanec, ce style. Ben oui. Plekanec qui le présente, le choix. Tout le monde en col roulé, là. Exactement, man. Si Kovalev présente le choix au repêchage, on repêche Demidov, je vous le dis tout de suite. Ah ouais, peut-être. Mais si Plekanec show up à soir, on s'en va se changer les boys, on met notre col roulé. Ouais, on finit le draft en col roulé. Ton frère va apparaître, style des toilettes, quelque chose comme ça. Ça se pourrait, il reste pas loin, on sait jamais ce qui peut se passer. Fait que là, l'année d'après, parlant de déception, je pensais que Canadien repêcherait Mishkov parce que je rêve qu'on ait une vedette à l'attaque. On n'a pas eu une vraie vedette, je te dirais, depuis Mats Naslund. Un gars de 100 points à Montréal. Le dernier, c'était Mats Naslund. Mais je peux te dire, Richer quand même avec ses 50 buts. Là. Ouais, mais il était attardé. Tu sais, Stéphane Richer, là, l'image que j'ai de lui, là, c'est Guillaume Lepage qui l'imitait à Rocky des oreilles avec des taches de spaghettis sur son chandail. Oh oui, c'était rose. C'est cette image-là que j'ai de Stéphane. Puis lui, à un moment donné, il était venu, je travaillais dans un magasin sport. Puis le gars, il est venu se magasiner des souliers de golf. Puis les souliers de golf qu'on vendait, c'était des souliers de golf pour des amateurs. C'était pas des gros souliers de golf, c'était pas un golf town où je travaillais, là. Puis sacrament, ouais. Il essayait les souliers, puis il dit « Ah, est-ce que ça fit? Est-ce que ça fit bien? Est-ce comme ma blonde? » Calisse, est-ce que Stéphane Richer, tabarnak, c'est des jeunes de 16 ans qui travaillent là, qui n'ont pas fini leur secondaire. Je suis d'accord, mais ça fait longtemps, lui, il a eu la réputation d'être le fuffi du Canadien. Peut-être qu'il peut-être qu'il sent encore le besoin de dire à tout le monde « Hey, comme ma blonde. » Peut-être. Mais ce soir-là, Stéphane j'ai été insulté que oui, je suis parti. Non, mais il n'est pas gay. Il y avait des rumeurs qu'il l'était. Ouais. Il y avait beaucoup de rumeurs dans le temps. Comme un peu Piqué Souban, mais... Ça, c'est nous autres qui est parti de rumeur, là. Ça n'a jamais sorti de ça. C'est quoi, c'est que sa blonde, là, celle qui fait du ski? Là. Lindsay Vonn, mais elle est peu avec. Là. Non, elle l'a moi, dans cette rumeur-là, je la persiste encore. Là. Je ne crois pas à Lindsay Vonn. Regardez ça. Les highest drafted players Monsieur de Boston Neveu, University. Monseigneur Neveu tellement. Après, Oleg c'est les Petrov qui Rick présente. Rick Pietro, Jack Eichel, Brady Tkachuk, all right. Scott Lachance. Qui? Les Islanders. On sait pas si... Écoute, en 1991. Je pense que j'avais sa carte Pro 7 à l'époque en double. Mais Rick DiPietro, ça a été un flop total. Ouais, Rick DiPietro. Aujourd'hui, il est encore payé par l'organisation. Je sais. Oui. D'ailleurs, je pense que dans toutes les projections de tout le monde, il n'y a aucun gardien dans la première vague. Non. Non, vraiment. Il n'y a pas de gardien cette année. Zéro. C'est fascinant, ça. Et puis, that's it. Fait qu'on est correct avec nos goalies, les gars. Vous êtes satisfaits à Montréal? Ben écoute, moi, je pense... Moi, non, je ne suis pas satisfait. Puis je pense que notre gardien de but numéro un, ça va être peut-être Jacob Fowler, qui a été repêché l'année passée. Parce que comme j'expliquais au dernier show, Montréal ne fera pas les séries l'année prochaine. Ça va être à cause de Motombo. Là, c'est Chicago. Motombo. Tu l'aimes avec tes écouteurs, Dom? Ah, j'ai juste du jus dans un bar, là, mais c'est correct. Tu peux pas les miens, si tu veux, au plus. Là, c'est bien important ce qui va se passer parce que Chicago va dicter le reste. C'est quoi qu'on a dit? Là, Mallet avait dit Artyom Levchinov. Bélorusse. Défenseur étoile. Ouais, Nick avait dit Sam Dickinson et puis Dom Ivan Demidov. Si on rappelle, si un attaquant sort, je commence à paniquer. Je le dis tout de suite là. Moi, je pense que le monde. Connor Bedard vient présenter. C'est comme il repêche encore Connor Bedard. Moi, je pense. Asti, il a pas le doigt. Moi, je pense que même si c'est une année de défenseur, le monde va se garocher ses attaquants plus vite qu'on pense. J'ai une stat, c'est important, dans le fond, Chicago, là, ils n'ont aucun prospect à bas de 23 ans qui est 6 pieds plus. Connor va dire le nom. Oh, ça commence, là! Tu vois, là? On va aller voir les picks qui avaient raison. C'est GF. GF avait raison. GF avait raison. Lev Shunov, ça, c'est le défenseur géant. Non, c'est pas lui. Lui, c'est un défenseur. Je mélange avec Slayev, en effet. Selon mes notes, là, il est comparé. Il creuse déjà, mais il a 18 ans, lui. Il est laid comme un singe. C'est les meilleurs. Bélorusse, ils n'ont pas vraiment les mêmes produits que nous autres pour des shampoings. Il y a un gros cul de femme. C'est un défenseur là, qui est bon sur toutes les sauces. Avantages numériques, désavantages numériques. Il est capable de produire. Pour les gens qui se demandent quel style, c'est Charlie McAvoy. Lui, c'est le général à Boston. Si Boston sont encore dans les tops présentement dans la ligue, malgré le fait qu'ils ont perdu Bergeron, ils ont perdu plusieurs joueurs les dernières années, McAvoy, il y en est pour beaucoup. Puis ce gars-là, Chicago, aucune profondeur à défense. Parlez-moi pas de Seth Jones. Ce gars-là, il est fini, malheureusement. Lui, il va pouvoir permettre d'équilibrer un peu les assets de Chicago. Fait que c'est une bonne affaire. Puis ce que je voulais dire tantôt, c'est que Chicago, ils n'ont aucun prospect de plus grand que 6 pieds. Oui, parce que leur bon défenseur, là, en ce moment, il y a Korchinski, c'est ça? Ouais, Korchinski, qui est offensivement talentueux, défensivement pas mal de faiblesses, puis il est pas gros. C'est ça, puis ce gars-là, c'est pas un défenseur numéro un. Puis en passant, ce gars-là, ils l'ont repêché absolument grâce à l'échange de Debrincat, qu'aujourd'hui, Pierre Dorion avec Ottawa a perdu sa job pour ça. Alors qu'on a vu la mère du repêché. C'est-tu la maman de Stifler? Où ça? On voyait sa mère tantôt. Je veux voir la reprise. On va voir. Là, la maman de Steve. C'est-tu le gars qui s'est fait rentrer dedans? Ah non, OK, c'est l'autre défenseur. Dans le chat, il y a un rayonnement fossile, excellent nom, qui dit « Weber est rendu avec Utah ». Donc, aucune chance c'est Utah. Mais c'est ça, un pic. Phoenix. Il dit « Il y a autant de chances que ce soit lui que ce soit Phil Dano. » On tient à mentionner que Shea Weber a été étronisé au Temple de la Renommée. Ouais, le bon chien. Il va sûrement avec Jeremy Roenick? Ouais, Jamie Roenick, puis les autres, je m'en souviens pas. J'ai oublié déjà. D'ailleurs, on va remercier aussi... pas une grosse cuvée. Mais monsieur Neveu, c'est un neveu d'Avers le Cher, de Marché Bonichois Neveu, qui nous fournit les Doritos aujourd'hui. Un gros merci. C'est super gentil. Fait partie de notre gros festin de viande et de pas de légumes. Ils sont délicieuses et croquantes. Oui. Il y en aura d'ailleurs tantôt sur les ailes. Les prochains on the clock, ça va être Anaheim. Anaheim, oui. Et puis Anaheim, dans le fond... Ils sont excellents. Logiquement, un attaquant. Je te dirais que non. C'est bien ça. Direct défenseur. Ils ont beaucoup de profondeur à l'attaque. Ils ont été chercher Cutter Gauthier pour un défenseur fragile. Ils ont Zegras, qui est dans les rumeurs, mais ça ne veut pas dire qu'il va partir. T'as Leo Carlson qui a repêché. C'est le gros. T'as ouais. Troy Terry ou Terry McTavish Ryan. McTavish aussi. McTavish, entre autres. Fait qu'ils ont vraiment. Je pense qu'ils ont à masse de stock à l'attaque. Mais à défense, ils n'ont pas d'os. Ils n'ont pas grand-chose. Fait que je pense qu'ils vont aller chercher un défenseur qui va être éventuellement numéro un, probablement. Ouais. Et puis là-dessus, là, moi, écoute, moi, j'ai décidé d'y aller avec le gros défenseur, Siliaev. Ah oh ouais, OK. Qui est comparé à un genre okay. Victor Hedman, un gros défenseur qui est capable de patiner. Écoute, il est 6 pieds 7, ce gars-là, je pense. Ah, il est géant, hein? Ah oh, oui. Fait que, on va voir. Ça peut être lui. Mais aujourd'hui, dans les rumeurs, il parlait de l'Américain Ziev Byum. Oui, Byum. Que ça a l'air que Madden Junior, le directeur de scouting à Anaheim, l'aimerait beaucoup. Fait que ça peut être okay. Ce gars-là, mais on va le savoir dans quelques instants. Yeah. Moi, mon pick, c'est Dimidov pour lui. Anaheim. Ah, non, il ne faut pas que ce soit lui. Oui, je sais, mais en tout cas, on va voir. Puis si je peux revenir à l'année passée, je parlais de Mishkov ouais, tantôt. Là, écoute, j'étais avec mon fils, on venait d'aménager dans une nouvelle maison, puis ma blonde a découvert mon côté obscur de sacrage à ce moment-là. Je rêvais qu'on repêche Mishkov parce que je voyais en lui un Pavel Bure. Ouais, c'est beau ça. Puis quand on a repêché un défenseur, puis c'était une année d'attaquant l'année passée, puis quand il repêchait un défenseur, j'étais comme tabarnak! Écoute, j'en ai pas dormi de la nuit. J'en revenais pas. Mais avec du recul, peur, je m'aperçois que. Tu sais, il y a eu une entrevue importante avec Jeff Gorton. C'était en début de saison, pas de l'année qui vient de passer, mais l'autre année d'avant avec Chris Nyland. Il avait dit. Chris Nyland a demandé qu'est-ce que Montréal aurait besoin pour aller à un autre niveau. Puis Jeff Gorton, il a dit écoute, ça nous prend un cheval, ça nous prend un défenseur. On n'a pas de défenseur numéro un présentement. Ça prend quelqu'un pour jouer des grosses minutes. Ouais. Il avait dit ça, puis il a dit ça prend un gardien de but. Puis il y avait Motambo dans l'alignement, là. Il avait dit ça prend un gardien de but. Fait que là, quand je regarde ça, je dis OK, les Canadiens suivent leur plan. Ils ont repêché Rainbacker. Des défenseurs comme ça, tu peux pas les avoir par transaction. Ça coûte très cher. Puis comme joueur autonome, mais tu sais, tu vas-tu signer un défenseur pour 8 ans à l'âge de 28-29 ans quand il va régresser à mi-chemin, puis que tu vas payer à peu près 10 millions par année, ça va être. C'est quelque chose qui peut te revenir dans la face. Fait qu'on va voir cette année, est-ce qu'ils vont repêcher le joueur que je rêve ou ils vont repêcher un joueur que je ne m'attendais pas, qui va faire que je vais peut-être être silencieux pendant quelques minutes ce soir à cause de ça. OK. Anaheim. On remercie notre commanditaire, le marché Bonichois, ouais, ça a été neveu callé. De Laverlechère. Ça a été déjà callé. OK, mon seigneur, il est là. On ne le calle jamais assez. Là, ouais. Alors voilà, oui, on se nourrit dans les Doritos. Non, il faut le mentionner tout le temps, monsieur neveu. Tout le temps. Puis, le plus possible. Comment on trouve le nouveau logo des Ducks? Ils sont venus avec... Ils sont venus avec le classique. C'est bien. Ouais. Ils ont rajouté un œil rouge dans... Ah, il parle de quelqu'un qui est mort. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Non. le gérant général, c'est Pat Verbeek, un ancien joueur que le gars... Les Whalers. Entre autres, oui. Entre autres. Les Whalers. Lui, il aime des gars travaillants. C'est un gars qui est un peu anti... Je ne pourrais pas dire anti-européen, là, mais il n'aime pas les joueurs... les étranges. De fantasy. Oui. C'est des joueurs qui font juste faire de la dentelle. Je ne sais pas si ça se dit comme terme de hockey, pour être honnête. Oh, Zeneca! Oh! C'est Zeneca qui sort. Zeneca? Il est surpris lui-même, il n'en revient pas. Toi, c'était ton pick pour le CH, GF. Oui, puis je suis content que ça soit lui qui risque de trou de cul. J'avais Zeneca 8, moi. Zeneca était 8 pour moi. Moi, je ne sais pas, je l'ai où. C'est un ça, c'est très surprenant. C'est un Kirby Puck. On se rapproche de Demidov. Mais oui! Ça s'en vient stressant, là. Il reste Columbus, puis je t'ai dit Columbus, j'ai l'impression qu'il va prendre Lidstrom. Toi avec tes Lidstrom? Ben moi, j'ai mis comme prédiction qu'il va prendre Demidov parce que Don Waddell, il avait dit qu'un défenseur, tu peux avoir ça facilement sur le marché des transactions, ce qui est le contraire, selon moi. Là. Ouais. Puis il avait dit, des attaquants, là, c'est très, très dur à trouver des gars de talent. Fait qu'il dit, nous autres, on va... C'est comme s'il allait sous-entendre qu'il allait repêcher un attaquant. Fait que je pense qu'ils vont aller avec ça. Là, lui... Zeneca était sorti. Il est comparé à... C'est un Kirby Doc, un gars qui a des bonnes mains. C'est un passeur. C'est pas un marqueur, c'est un passeur. Je suis surpris qu'ils prennent ce gars-là parce qu'ils sont vraiment, vraiment garnis à l'attaque, comme on disait tantôt. Fait que, est-ce que ça veut dire qu'ils vont... Il y a 12 ans aussi. Ouais, c'est ça. J'avoue. Ils vont-tu vraiment... Ça va-tu pousser Zegras à la porte puis aller chercher un défenseur à la place qui est déjà prêt pour la Ligue nationale? C'est possible. Il y a quand même une belle ressemblance avec Daryl Hall de Hall & Oates. À noter ici. Non, il y a personne qui connaît ça. Non, okay. Non. Shit. Hall & Oates. Out of Touch. Écoute, là, les gars, là, Man Eater. On peut s'assurer d'avoir Lidstrom ou Demidov. Ouais, c'est quasiment sûr qu'on va avoir ça. Si on n'a pas ça, je vais voir les... Demidov, ouais. Parce que ça serait vraiment une tragédie. Que... Pourquoi elle pleure, elle, tabarnak? Donc, personne de vous trois aviez choisi... Non, vraiment pas. Et puis là, si on dit les attaquants qui restent, Berkeley Catton, un centre, on le prendra pas parce qu'on a déjà deux centres. Après il est petit à tabarnak, si vous pas oublier ça. Exact. Cole Iserman, on ne le prendra pas parce que c'est un mange-marde. T.J. Ginn là. Là, Nick, si le Canadien veut pas de défenseur parce qu'ils sont pleins, là, c'est-tu, ils vont-tu prendre le meilleur joueur disponible? Le meilleur disponible. S'ils n'ont pas Demidov, s'ils sortent Demidov au prochain puis le Canadien ne l'a pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, selon moi, ils vont prendre le meilleur attaquant disponible, c'est Lidstrom, rendu là. Oui. Qui est parce un joueur de centre, puis ils vont trader. Joueur de centre de 6 pieds 3, 200 livres à 18 ans. Il peut jouer à l'aile. Oui, il peut jouer à l'aile. Il peut jouer à l'aile, puis ça a l'air que c'est un gars qui joue méchant. Il aime ça, là, jouer physique. Physique. Fait que, ah, ben là, tout le monde est bien heureux. Moi, ma blonde, elle aime ça regarder le repêchage pour voir les mères dans les estrades. Parce que moi, j'ai un garçon qui a joué au hockey. Mère gérante d'estrade. Non, mais tu sais, nous autres, on a fait un bout. Non, mais ces mères-là, man. C'est leur vie, là, ces enfants-là. Là. C'est comme leur, ils ont mis c'est du cash là-dedans. Comme toutes les mères. Non, mais encore plus, ils sont sur la route. Ils mettent des tonnes de cash dans ces enfants-là. Tout. Ça, c'est la culmination, man, de fucking là, 15 ans de grinding d'un jeune. Là. Puis là, il se fait drafter, tu sais, clairement, ces femmes-là et ces hommes-là, qui sont les pères aussi. Bravo. Ah, là, ça me rend émotif. Quand je vois une mère pleurer, je suis comme, oui. C'est pas trop demandé. Je m'envoie le copy link pour le podcast. Mon fils veut l'écouter. Twitch.tv/youngmedia. Je peux te l'envoyer sur... OK, t'as bien. Parce que là, moi, ça m'a emmené sur la page de login. Bien, soulignons l'apport essentiel des papas et des mamans lors de ce draft 2024. Je veux dire, tous les drafts précédents et... Avec les photos qu'on voit, je suis certain que le coach vidéo des Hawks l'aurait repêché. Check ça, toute la famille, la mère, le père. Eux autres, ils s'attendaient à se lever, genre, « Hey, regarde le père, man. » Ils font en larmes avec son petit gars. C'est-tu beau, ça? Moi qui me suis chicané avec mes deux enfants hier. Appelle-les tout de suite. Appelle-les tout de suite. Moi qui n'ai pas mon enfant aujourd'hui. Hey, mon plus vieux s'est fait taxer, man, dans les rues de Rosemont. Hein, t'es pas sérieux, ça, on va y aller. Pour se faire jumper ses souliers. Par des gars de quel âge, je pense, mettons? À peu près son âge. Là. Il y a un groupe de 5. Ils l'ont interpellé au coin d'une ruelle. Il s'en allait travailler. Puis là, il s'est sauvé. Il y en a un qui est parti après. Puis il l'a rattrapé. Ils se sont bousculés à terre puis tout. Puis bref, c'est ça. Il dit, c'est quoi tes souliers? Puis tout. Il vole les souliers. J'en viens pas. Ouais, encore, les jeunes se font jumper pour leurs souliers. Dans bon, mais on mais part là, une... ça, c'est pas, on part une Montréal, patrouille, non. Pour vrai. Là. On part une patrouille parce qu'on leur crisse une volée, au petit gars. C'est Rosemont. C'est le vieux Rosemont. Là, ouais, où les ruelles sont accueillantes. Eh ben oui, man. Où ce qu'il y a de... Mais, non, on gagne un peu, mais c'est pas drôle. Là. C'est vraiment pas drôle. Il est correct. Mm-hmm. Okay. Il s'est frotté à la tête sur l'asphalte, là. Il y a une coche dans le front. Là. Mais la police est venue hier soir chez nous à 10h30, porté plainte, tout le kit. Et puis, il y en a un autre jeune de ruelle qu'on connaît, des gens autour d'eux, que lui, il n'a pas réussi à sauver. Fait qu'il s'est fait prendre ses souliers et ses écouteurs. Chris, man. C'est écouteurs à Apple à 700$. Oui, genre, c'est Nike Air Max à fucking 2000. 8000. Des souliers à 8000. Bon, hey, je veux pas plomber l'atmosphère, guys. Ouais. Désolé, on parlait d'enfants. Fait que, mais ces enfants-là. Chris, on se rapproche d'un enfant russe, man. Moi, j'avoue que je serais excité aussi. Hey, ce segment. Il a parlé français hier à TVA Sport. Il a dit bonjour, esti. Il ressemble à Kovalev en jeune. Qui ça? Quand on regarde ça, Demidov. Demidov. Ah. Ok, y a-tu pas mal de monde bandé Demidov ici? Je pense que oui. Là. Hey, écoute, si on a ce gars-là, les boys, là, commencent à regarder vos sous-côtés pour pas les changer. Columbus s'avance. Le gros jambon Weddell, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, Jeff, t'avais dit Demidov, Nick, t'avais dit Caden Lindstrom, et puis Dom avait dit Caden. Catton. Berkeley Catton. Berkeley de Calis. Qui? Weddell. Hey, Rick Nash. Hey, c'est Rick Nash, est-ce qu'il a maigri? Ils vont choisir... Blablabla. Fait que c'est Rick Nash qui va le présenter. Ah, tu vois, il est grand. Il a monté le micro. Il va présenter Lidstrom. Oh! Yeah! Les gars, si on repêche pas demi-dove, je vous le dis tout de suite, là, je vais aller prendre une marche dehors, je reviens dans 10 minutes. J'en reviens dans 10 minutes. Tout le monde, on se rapproche d'Egan là, avec le Canadien. Let's go! L'affaire avec Egan là, Monique, là, c'est que il aurait été un bon choix si le Canadien aurait eu une meilleure saison. Parce que ce gars-là, c'est un Brandon Gallagher. Mais format gros, là, il est 6 pieds 2. Il est gros, mais il n'est pas talentueux offensivement comme on le pense. Il est all-around, vraiment responsable, c'est mature et tout. Puis ça fit pas... avec la mentalité canadienne, je trouve. Oui, mais il n'y a pas un gars de 100 points. C'est pas un gars de 100 points. Chez, mais on dirait que le Canadien s'en sac d'avoir 100 points. Ils veulent gagner. On va le savoir dans quelques minutes. Tout le monde dans le chat sont bandés Demidov. Là. Ah, mais ouais. Écoute, regarde, bien franchement, Demidov, je l'adore. Puis j'aimerais ça. Si on l'a, je vais être content. Ouais, tu comprends-tu? Peut-être qu'on va faire un trade pour Eginla parce que je dois t'admettre que je l'aime, Demidov. Eginla aussi, je l'aime. Il m'a séduit. Mais 5e, je trouve que c'est un petit peu trop haut. Mais je peux te dire, je suis content que Columbus prenne Lindstrom. Pas parce que ça me donne raison, mais plus parce que, tu sais, il y avait beaucoup de doutes qu'on a entendu les dernières semaines. Son dos, ses blessures, si ça. Là, ça règle le problème. On ne peut pas l'avoir, puis on ne l'aurait pas eu parce qu'il a été sélectionné mais avant nous. J'ai entendu aujourd'hui que la raison pourquoi ils ont sauté dessus, puis que les Flyers ont essayé de transiger pour monter en haut, je pensais que c'était pour Demidov, mais finalement, c'est parce que les Flyers n'ont rien au centre. Le centre numéro un des Flyers qui a fini la saison l'année passée, c'était Ryan Poehling en passant. Là. Lidstrom, son dossier médical, hey, que les équipes ont analysé tout ça, là, a été très positif. OK, OK. Fait mais gars, j'y souhaite pour vrai. Là. Mais tu sais, je sais pas si c'est vrai, si ça reste des rumeurs ou si c'est confirmé, mais l'hernie qu'on a entendu parler de la dernière semaine. Ça, c'est vrai. Ben, ça a l'air que c'est pas un problème. OK, parce qu'une hernie, sérieux. Hey, tabarnak, il porte des sujets de filles, est-ce-tu? Ah, il est chic, man. Ah, oh, il est. On a. À m'a mouillé dans le chat qui dit « Yeah, je suis bandé, là. » Il y a le nom qui va avec. Dom, il est bandé à côté de moi depuis tantôt, fait que vous êtes deux. Mais moi, c'est tout le temps, là. Dom, il ne dove pas. Puis, tu sais, Columbus, on a parlé de maman cassette tantôt. Ils n'ont pas vraiment de centre numéro un. Fait que c'est correct qu'ils fassent ce choix-là. C'est un bon choix exact. Pour ça aurait été un Columbus. Mauvais choix pour le Canadien, un autre centre, pour vrai, là, sauf pour trader. Mais là, tant qu'à y être, tu repiges de quoi que tu as besoin. Mais un gros joueur de même, talentueux offensivement. Tu piges le meilleur joueur disponible, puis tu figures les choses après pour faire des transactions. Comme qu'on a fait quand on a repêché Carey Price, quand Théodore était à son meilleur. Il venait de gagner le Vezina et le Hart à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai. Mais le meilleur joueur disponible de ces positions-là, c'est dur à gager aussi, tu sais. Ouais, tu vois... Lidstrom, je l'ai comparé à Pierre-Luc Dubois comme style de jeu, mais moins trou de cul. Puis on se rappelle tous une chose, Pierre-Luc Dubois a été échangé pour un gardien de but de 35 ans. Ouais, Kemper. C'est vrai. Puis là, dans le Puis il a été encore échangé, d'ailleurs, Dubois. Non, c'est ça que je disais. Il a été échangé contre un gardien de but de 35 ans. Contre Darcy Kemper. Puis ça, ce que ça veut dire, là, puis là, on a vu Bergevin tantôt avec son petit kit en bleu poudre. Là. Il était caché derrière une plante en plastique. Écoute. Les Kings ont donné beaucoup pour Dubois. Ils ont donné Villardi. Des très bons joueurs. Un bon centre. C'est comme si on avait donné, nous autres, de notre côté, Kirby Doc. Ben là, ils ont échangé Dubois pour un gardien de but de 35 ans. Mm-hmm. Fait que ça veut dire qu'on s'en débarrasse de ça. C'est comme si on aurait donné Kirby Doc, puis on aurait eu fuck all en retour. Mais je peux te dire, par contre, il y a un détail dans du contrat de Dubois qui a fait en sorte que c'est sûr qu'il n'allait pas avoir autant. Une clause de non-échange, si je me souviens bien, qui kickait in le 1er juillet. Ce qui fait en sorte que Washington va être pogné avec. Ouais. C'est pour ça que la valeur drop pas à peu près. Puis on s'entend que son mandat, ça va être de fider Ovechkin pour qu'il batte le record de Gretzky. Oui, absolument. Ben oui, complètement. Puis là, sont allés chercher un autre joueur aujourd'hui. C'est qui déjà? C'est Mangiapane. Comme la sauce. Ouais. écoute. Gros salaire, ce gars-là, avec. Il est quand même pas donné. Il est pas 5,5, quelque chose de même. Ouais, mais tu sais, c'est un gars de 30 buts à peu près par année. Ouais, mais ça reste pas un joueur. Mais ça me semble que c'est un joueur d'énergie que, tu sais, il a eu une bonne saison, il a eu son contrat. Puis le reste, il est dérangeant, mais tu sais, il est pas tant dominant. Mais il reste 2 ans. Mais tu sais, l'affaire que moi qui me préoccupe, c'est que là, ça montre que Calgary sont en train de tanker. Puis nous autres, on a leur choix de première ronde, mais il est protégé top 10. Fait qu'on va fort probablement s'amorcer avec le choix des Panthers l'année prochaine. Qui va être encore un choix, mettons, entre 20 et 30, fort probablement. Alors qu'on voit le chandail canadien. Là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Pour okay. Hey! Là, on voit tous nos... on voit nos boys. J'aime beaucoup la nouvelle administration. L'État-major. Le cavalier, il est là. Il y a Saint-Louis, évidemment. On a Hughes, on a Gorton. J'aimerais ça que Chantal soit sur le stage. Elle devrait être pas loin. Ça devrait être cool, là. Elle devrait être. Excuse, là. On est à Vegas pour l'appeler Chantal. Chantal. Ça fait beau, hein, le signe du Canadien dans la sphère. Ah, là, tu vois, ils sont tous crappés, ça tu vois, c'est des minutes. Ils sont-ils en train de dire. Oui, absolument, ils sont fourrés, les Kings. Il a l'air d'être souriant. Ah, ils sont. Gorton a la même face qu'il y a tout le temps. Ils font semblant, là. Tu sais, c'est genre, qu'est-ce que tu vas manger à soir? Ah, je sais pas. Ma côtelette de porc n'a pas passé. T'sais, c'est plus ça là, qui se parle en ce moment. Là. Ils font du temps juste pour dire. Y a-t-il Linda un est disponible à soir. Linda. Da. Hey, c'est immense pour Jeff Gorton, il ressemble à Hammerhead dans le jeu de Spider-Man. C'est bras bas, right? Ouais. Que tout le monde disait que c'était un pas bon, finalement, il est bon. T'étais en un pas bon. T'étais un écoute, pas bon. La première année, Brobov. C'est qui Brobov? C'est le recruteur en chef. Là. Ah, c'est le nouveau, c'est le nouveau en chef parce que oui. Martin Lapointe. Avec c'est Martin, l'autre. Exact. Ah, t'es mis. Tiens, il ressemble pas à un jeune cavalier, Vesti. Il est peigné pareil. Il a peut-être des cheveux un petit peu moins longs. Ah ouais, peut-être ouais. On va se gâter. Il est-tu beau? Hein? Il est beau. Vesti qui est beau. Écoute, il est fin. Il a rencontré Cat Hughes hier. Jeff Mawson, il est là. Il y a Zorgi dans le chat qui on dirait que Yoz a récupéré un peu de son coup. On voit Chantal en arrière, mais Chantal ne se présente pas sur le stage. C'est ça? Oui, mais elle est en arrière de moi, oui. Elle était debout. Elle est allée chercher les snacks. hey, les boys, c'est quand même hot, là. Okay. C'est quand même hot, là. Là, si c'est pas ça, je vous le dis tout de suite, je ferme mon micro, je vais en prendre une marche. Je vous le dis tout de suite, je me prépare. Bon, là, on va arrêter de parler, voir qu'est-ce qu'ils vont on dire. On va laisser si un gros, inviter un joueur un gros silence pendant que tout le monde qui nous écoute dans l'audio. Désolé. Je suis pas capable de faire des silences, je me rends nerveux. Oh, le micro à Kent. Y'a-tu eu Kent? Je pense qu'il fait wouh! Ah, il parle en français. C'est pour ça qu'il eut. Elle a plein mandon, il est bandé, ben reine. Ah. Céline présente Céline! Céline avec René Charles! C'est son fils! C'est son fils! Mais il est là, t'as de quoi? Chris, il ressemble pas à René. Elle dit « Our number one fan », mais dans les derniers mois, elle était allée à toutes les games de hockey possibles. Elle était à Boston, elle était à Pittsburgh ou je sais pas où. Elle était partout. Là. C'est le fils à René, ça? Hey, Chantal. C'est le neveu de Marc Dupré. Chantal a capoté. On vient de voir Chantal. C'est quoi? Elle a passé à côté de Chantal. Là. C'est cool. Ah, c'est hot, man. C'est vraiment hot. Pour vrai, let's go. Il a fait les cheveux longs, lui, t'as marqué. René Charles. C'est le neveu à Marc Dupré. Il a 21 ans en passant, là. De l'air de en avoir c'est 43. 21 ans. Non, je t'agresse, je plus vieux que ça. Comment faire? Ça a l'air d'en avoir 55. Non, mais oui, c'est glamour. Hey, quelqu'un googlez ça, l'âge au fils à René. Il est pas vieux. On va écouter le pic avant. Là. On check. Ah ouais, Céline. Come on, Céline. Yvan des pics. Yvan des souffleuses. Ah ouais, Céline. J'espère que tu l'es, sinon je me retiens. Bon, Céline est fière. Elle a passé une entrevue à TVA, elle t'a dit qu'elle était malade. Donne le pic! Ah ouais, Céline. C'est trop tabarnak. Long! Tabarnak! On a notre russe! On a notre vedette! Esti! Check les fans, Esti! Fuck you, Poutine, Esti! Ça revient à maison! On a notre russe! Puis moi, je t'en crée, j'ai pas moyen là! Kovalev va faire des cassettes, Esti, avec lui, là, sur comment. Il reste plein aux Renaissance des cassettes en plus de Kovalev. Je pense que Montréal va être heureux, là. Lui, sur le top 6 avec Slavkovski, Caulfield, Suzuki, Dak. Puis un choix peut-être qu'on va aller chercher plus tard ou un échange qu'on va faire. Hey, tabarnak, ça, c'est une belle journée, boys. Ah ouais, non, bon, ça... Je l'ai dit aujourd'hui sur mais peut-être X. Qu'il va être... En tout cas... Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, peut-être qu'il va être un mangement. Non! Il est russe. Non, à date, il y a une super bonne réputation. Non, mais il y a une super bonne réputation à date. Ouais. Regarde Martin, comment il est content. Ouais, c'est Demidov. Mon prochain projet. Dans le chat pour le monde qui... Dites le nom, Demidov. Ivan Demidov, on n'en revient pas personne que ça se soit rendu là. Blastman qui dit qu'il va améliorer l'avantage numérique. Il est mieux de mettre notre jersey, par exemple. Il va mettre le jersey, là, puis il va ressembler à Kovalev, esti. Ah. Quand je parle de Kovalev... Il va scorer podcast. Ça va être le Kovalev, mais pas qu'il joue une game sur 4. Le Kovalev de 83 points dans sa vie. Ouais. C'est arrivé une fois. Il va avoir une chaise. On espère qu'il va avoir sa chaise. C'est... Qu'est-ce qu'il fait avec un chandail de Jean-Jacques Desnieux? Non, c'était pas... C'était pas le dernier de Brière? Il y a ça. Hey, Brière. Il fait ça chez Target. Demi-dove numéro 24. Asti, man. Hey, il est plus grand que Saint-Louis, surprenant. Il est plus grand que Céline. Céline est grand, me paraît. Je me trompe pas, je pense que c'est 6 pieds, 6 pieds 1, 180. Ouais, quelque chose de même. C'est ouais, pas un petit monsieur. Puis il porte des bas, je suis fier de lui. Il n'y a pas des loafers, pas de bas. Il y a des rumeurs qu'il porte des 11. Ah, si. Fait descendre ses stats. C'est pas des 7 comme Kendrick. Kendrick Lamar. Ouais. Regardez ça. Les vidéos, là, si je vous invite fortement à aller voir les highlights de ce gars-là. Là. Il y a un lancer du poignet, du tonnerre. T'sais, ça, c'est le Kovalev, le podcast contre Boston en série qui marque du revers. Il n'y a pas un coup de patin hallucinant. Mais est-ce qu'il a des mains en or? C'est un artiste. Régent Tremblay, il est sûrement déjà en train d'écrire un texte négatif sur lui. Puis là, Dominique, il est sur Rosetta Stone en train d'apprendre le russe. Déjà. Non, en fait, je m'en allais googler l'âge de René Charles. Ah oui! Il était distrait. Ah, quelqu'un qui me dit le numéro du chandail, c'est pour l'année du repêchage. Excusez-moi. Ben oui, évidemment, mais oui. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit celui-là, il y aura le numéro 24, parce qu'il y avait le 24 dans le chandail. Ah! Excusez-moi, je suis à moitié en train de faire du fumoir dehors. Là. Il y a de la boucane dans le cours. Là, c'est... OK. Est... En 2001, il avait 23 ans. Mais non, voyons, là, qu'est-ce que tu fais là en 2001? Il est né en 2001, il a 23 ans. Dom. Il est né le 25 janvier 2001. Il a 23 ans. On parle de René Charles. C'est tout est écrit là. Oui, oui, il est né en... Excusez. Je l'attends. C'est ben, marqué il n'a pas gros. 23 ans, c'est le gars qu'on vient de voir à télé. Non, il a 18. Il n'a pas de l'air de ça. Ah, c'est non, il a changé, il est plus vieux, il commence à perdre ses cheveux. Là. Ben, ouais, mais... Plus vieux en ça, puis la relique hey, qu'on a vue à télé. C'est le fils la à qui? Quel pourcentage? C'est un bébé éprouvette à Angélil, c'est-tu? Non, lui, il n'était pas éprouvette, me semble. Mais non, oui, c'était le premier éprouvette, ça. Il était pas, c'était pas un expériment. C'est pas les jumeaux, les René Charles, c'est le fils aîné, a 23 ans. C'est un X-Men. Je pense que oui. Que ça n'a pas de sens de parler de moi. Il a 23 ans. On va regarder les. Il a l'air d'en avoir fucking 43, man. Je capote. Les gars, le prochain club qui repêche, c'est le nouveau club d'expansion, le Utah. Donc, les Mormons vont aller repêcher. Qui s'appelle l'équipe le Utah. Utah. Utah. C'est correct. Ça n'a pas de nom encore. Ça a, ça a les noms qui ont sorti, là, c'est dégueulasse. Là, ah ouais, c'est quoi, genre? Le Blizzard. Genre le Blizzard. Des estimes non bâtards, là, que genre, ça n'a aucun sens pour une équipe de hockey de s'appeler de même. Le là, Yeti. Mais... Donc, on pense voit que les choix. Hein. Ça avec une petite bière, je reviens. On voit les choix. Donc, GF Cole Iserman. Nick Zane Parek et Dom Artyom. Lev Shunov. Qui est déjà sorti. Qui est déjà sorti, alors, donc. Ça ne sera pas moi. C'est ça d'autre chose. On parle de Hawk Tua dans Hawk Uta. Hawk Tua. Il y a quelqu'un qui dit Hawk Uta. Oh yeah, ouais. Utah Hawks. Give me that old Hawk Uta. Avec le logo de la fille sur le chandail. Hey man, je viens de catcher. Là, je suis même mauvais. On demande dans le chat si vous savez s'il a le droit de venir cette année ou il va rester une saison dans KHL. Moi, je dis qu'il faut le ramener ici et qu'il joue à Laval. Possible, là. Il faut qu'il joue à Laval, absolument. Là. Non, non, il reste un an comme Amamouillé. Comment tu dis ça? Amamouillé. Amamouillé. Amamouillé. Amamouillé. Amamouillé, moi je dis. Amamouillé. Elle m'a mouillé. Elle m'a mouillé. Eh bien, oui, elle m'a mouillé. Mais, ah ouais, il est obligé de rester encore un an là-bas. Il va rester un an en Russie parce non, mais que je pense contrat... que contractuel, il faut qu'il finisse son stage ouais. là-bas. Puis il y a la rumeur comme quoi que les Russes, en général, ils finissent leur contrat russe avant de s'en venir en Amérique du Nord, en général. Puis, ouais, puis il était clair qu'il voulait venir en Amérique du Nord l'année prochaine. Fait que ça m'inquiète pas du tout. Puis peut-être même que s'il vient l'année prochaine, il y a des chances qu'il fasse le club en partant. C'est ça, ma prochaine question. Il serait-tu NHL ready tout de suite l'année prochaine? Il est tellement talentueux que ça pourrait être possible. Mais il ne faut pas s'attendre qu'il fasse, mettons, plein de points en partant. T'sais, on va aller graduellement, là, mais il est tellement talentueux là, qu'on pourrait parler d'un futur candidat au Trophée Calder. Ah ouais. Hein. Possible. Hmm. Écoute, c'est vraiment excitant ce qui se passe. Je te dis, ça va être le prochain joueur qui va faire 100 points à Montréal, ce gars-là. Il est capable de marquer des buts. Il est capable de faire des passes. C'est lui le Mormon? C'est qui ce monde-là? C'est une chanteuse. Ça va être le nouveau propriétaire, ça, d'après moi. Ouais, le gars qui est habillé comme un style qui va s'en prendre celui une celui qui est d'or, habillé là. Comme d'une conférence de Microsoft, là. Ouais. Pour les gamers, vous allez comprendre. Il y a un petit bomber jacket. Oh, tabarnak, ça a brassé cette bière-là. Oh, on enlève ça des fils, par exemple. shout out to all our fans. Le monde est bou. Espérons qu'il n'aille pas en Ukraine. On espère qu'il va rester dans, juste à jouer au hockey, puis se reposer, puis venir avec nous autres après. Oh! Ma boy s'en va à Utah. On voit Jérôme, là. On voit Jérôme qui est déçu parce qu'il sait que son gars va s'en va dans une franchise qui ira pas nulle part. Hey, c'est sorti haut, ça, Yen, là, man. Fucking haut. Tish, je t'adore, man. Fuck. Ouais. Ouais. Ouais. Mais Tish, un joueur complet, overall, responsable, je suis pas surpris. Hey, Jerome, quel joueur. Je m'ennuie de lui. Ah, il était hot, mais... J'ai failli mettre mon chandail des Flames à soir. Ah, j'aurais dû amener un chandail de hockey, j'y ai pas pensé. T'avais Paul Fee, j'avais Islanders, c'est ça, Bruins, Blues, puis le Junior de Montréal. Ah, t'aurais pu mettre le Junior. J'aurais pu mettre ça. Ouais. Bon, on va voir ça, ce chandail-là. Ah ouais, ouais. Ben là, ils ont combien de temps à se trouver un nom, cette gang-là? Là? C'est-tu pas... Oh, ça risque d'être Utah, puis l'année prochaine, pour ils vont changer. Là. Ben, Chris, ils sont capables de s'en trouver un maintenant, un nom, il me semble. Hey, Jerome, il n'a pas changé, il a la même face. Ah, il est pareil, pareil. On dirait qu'il pourrait jouer encore. Ouais, il voulait un gros nom à Utah, peut-être, c'est ça. Mais je pensais peut-être qu'il allait chercher aussi un Iserman ou quelque chose comme ça pour être flashy. Là. Moi, mais ouais. Écoute, Egan, là, il va être responsable. Là, fait que... On sait jamais. On sait jamais. Ça se peut, ça se peut. Tu sais, des fois, hein, quand ça commence à dégringoler, merci. Exemple, Shane Wright l'année passée, il n'est pas sorti deuxième, il est sorti comme cinquième, quatrième. Ouais. Fait que des fois, ça peut skipper vite, là, surtout quand tu n'es pas comme Iserman, il a droppé beaucoup de deuxième à, le monde le voit même jusqu'à quinzième, selon certains standings. Il a énormément droppé, oui. Parce que ça serait... Le gars, il attend la puck à la ligne bleue. Il fait la poule puis il faut pour faire des buts, mais c'est tout ce qu'il sait faire. On parle de qui, là? Il joue comme un novice, là. Un petit novice saineux, là. Qui ça? Iserman. Iserman. Fait que c'est peut-être ça que le monde... Mais tu sais, par contre, ça peut être un coup de circuit si tu le repêches dans le tard. Oui. Très tard. Moi, je le mettrais. Parce que le monde le compare à Cole, mais un peu plus grand. Ouais. Puis qui mieux qu'un gars comme Martin Saint-Louis pour éduquer un gars qui a un hockey IQ assez élevé? Mais tu sais, en fait... Il n'y a rien de mal à sélectionner un joueur qui est purement offensif, qui compte un marqueur. C'est difficile d'être un marqueur dans la ligue. Lui, il l'a, mais on a juste à l'entourer comme tel. Mais il ne faut pas qu'il devienne un... c'est qui le dude qu'on a avec le Canadien pendant une couple de saisons, là, qu'on a tradé ça à Florida, qu'on est allé chercher? Qu'on on s'en a est débarrassé farmé, l'année passée, là, le Hoffman. Ah, okay, Hoffman, ouais. C'est un marqueur, ce gars-là, mais il n'a jamais pris des bonnes habitudes. Défensivement, il a jamais toujours été paresseux. On a toujours douté de son de dedication puis tout ça. Fait que je me dis, si Iserman tombe dans ce type de joueur là, ça va être un bust. Mais peut-être pas un bust. Hoffman, il a quand même joué dans la ligue longtemps puis il a quand même compté des buts. Mais c'est pas ce qu'on va s'attendre de lui. Mais s'il est capable d'aller chercher une éthique de travail puis de la responsabilité défensivement, au moins checker ses gars, peut-être que ça va être quelqu'un qui va faire un 40 buts par année, mais qu'on va garder sur une première ou deuxième ligne parce qu'on va vouloir être capable de faire confiance. Là, ça peut être possible parce que dans le fond, tout va dépendre de l'équipe qui va le développer. C'est là que ça va jouer parce que je pense que Iserman va encore faire une année au collège, mais c'est possible aussi qu'il soit, mettons, qu'il fasse son année au complet au collège de 3 ans, je pense qu'il faut qu'il fasse pour avoir son diplôme universitaire, puis joindre l'équipe à l'âge de 22-23 ans. Fait que là, on écoute, dit dans le chat, Zorgi, regardez bien Ottawa faire. Je parlais dans ma bière. Regardez bien Ottawa faire. J'ai de quoi dans chaque main. On est excité. C'est demi-dôme. Regardez bien Ottawa faire la gaffe de la soirée. Donc, tu veux dire par gaffe Iserman, j'imagine. Ça peut être possible aussi là, que Ottawa, c'est les prochains qui parlent. Ouais. Fait que, écoute, Ottawa. Eux autres, faire un petit recap rapide, ils ont triché en faisant une transaction. Pierre Dorion, il n'a pas tout dit sur l'échange de Demidov à Vegas. Fait que ils ont une pénalité de perdre leur premier choix au total. Cette année, on décide de le garder. L'année prochaine, je pense qu'il faut qu'ils laissent aller parce qu'ils ont triché. Puis Ottawa, dans le fond, écoute, quand tu regardes le club au complet, ils ont vraiment besoin de défenseurs. Fait que s'ils repêchent un attaquant, je vais rire de... Qu'est-ce qu'il s'appelle le nouveau propriétaire? Là? Il y a un nom d'allemand. En tout cas, bref. S'ils ne repêchent pas un défenseur, je vous donne l'autorisation de les pointer du doigt puis rire en crisse parce qu'ils ont besoin de ça. Thomas Chabot, c'est pas un défenseur numéro un. Il est fragile. Non. Jake Sanderson, c'est un cheval, il est bon à l'attaque, mais un bon défenseur défensif. C'est pas le numéro 1 ou numéro 2. Ça prend un gars qui va jouer en désavantage numérique, qui va jouer contre des meilleurs trios, pas des passoires, ici. Parce que moi, je vais vous l'avouer, Erik Karlsson, je l'ai jamais trouvé bon défensivement. Mais non, il est pourri. Un bon défenseur pour moi, c'est Shea Weber, c'est Zdeno Chara, c'est pas Erik Karlsson. Erik Karlsson, il va faire 100 points, mais il va finir avec moins 200 dans la saison. Fait que c'est pas ça que ça prend. Ça prend vraiment un gars qui va t'amener loin en série puis que tu vas faire confiance quand il va rester 5 minutes dans la game puis tu prends déjà une avance. Ouais. Ça, c'est Steve Staios. Complément d'information, juste canadien, Monseigneur Neveu disait que, supposément que M. Hugues a dit comme quoi qu'une des meilleures entrevues qu'il a passées avec des joueurs dans sa vie, ça a été justement avec Demidov, selon Mathias Brunet. Voilà. Fait que M. Hugues. Mais très content. Higgins, là, je le comparais à un gars comme Chris Kreider, mais dans ses premières années. Pas le gars qui plonge, mais le gars qui va jouer la game dur, mais ça sera celui pas... Celui qui rentre dans les goalers. Ouais. Mais ça va être un gars qui va faire, écoute, dans ses peut-être comme 25 à 30 buts par année. Steve Staios. Alors qu'Ottawa va annoncer leur choix de... Ils sont en sixième maintenant? Septième. Yakimchuk. Ah ouais! Carter. Un défenseur. Ils sont allés chercher un défenseur. Hey, ouais, honnêtement, il y a des meilleurs défenseurs que ça. Là. Moi, je l'avais 14e, moi, dans mon deal. Alors, on va remettre nos Ouais, mais disons, Yakimchuk, je l'avais 9e. C'est un style comme Evan Bouchard. Ah, je l'avais 9e, moi aussi. C'est un gars qui est capable. Il est bon défensivement. Ouais, écoute, regarde. C'est un gars là, qui a une bonne shot, il est capable de poter. Mais c'est-tu vraiment le gars que ça prend pour... À travers jouer. Toutes les défenseurs qu'il y a, tout ce que ça serait pas le meilleur. Non. Pour le club. C'est bon. T'as Siljalev, t'as Ziumbium aussi qui est disponible, qu'on dirait un son de char. C'est Bayern, je pense. Dickinson, il était où, là? Dickinson, moi, j'ai mis Dickinson deuxième. Dickinson aussi, il est super bon. J'ai mis deuxième. Il est super bon. Puis ils ont pas mis ce gars-là. On peut-tu dire shout-out aux Hitmen de Calgary? Ils ont toujours eu un beau logo. Puis... C'était l'équipe à Brett the Hitman Hart. Ouais, mais j'aime pas le logo du taureau en feu, moi. Mais non, mais c'est pas ça. Là. Mais c'était le genre de masque qu'on voyait. Le Hitman, c'est le masque. Ah. Hey, les sénateurs, restent-y. Il y a Kim Chow. Je l'aime, ce jersey-là, des sénateurs. Les prochains à parler, c'est Seattle. Ouais. Et d'après moi, Seattle, là, je pense qu'ils vont repêcher un défenseur, eux autres aussi, parce qu'ils ont déjà leur... techniquement, leur deux Shane centres, Wright. Là. Il y a Shane Wright, puis l'autre qu'ils ont repêché l'année d'avant. Là, c'est Beniers. Qui? Mais Beniers, c'est leur gros joueur, leur meilleur joueur talentueux. Ouais, là. Il a gagné le Calder l'année passée. Ouais. Fait que là, tu sais, la logique, il n'y a pas vraiment l'année d'avant, en tout cas. De défenseur numéro un, genre un as. Ils n'ont pas ça pendant tout. Mais écoute, je suis surpris des sénateurs d'Ottawa qui ont pogné ça. J'ai comme l'impression que les sénateurs d'Ottawa, là, je le dis à tous les fans des sénateurs, là, je vous le dis avec plaisir, vous avez pogné le nouveau Zidina. Ils ont acheté un roux. Ils ont pogné un roux, pardon, pas acheté. Ils ont un peu acheté, en fait, un roux. Hey, écoute, man, je suis surpris qu'on pogné ce gars-là. Il y a tellement de défenseurs meilleurs que lui. Mais dans beaucoup de listes, il était bien classé. Mais plus proche du 10 que du 5, mettons, t'sais. Mais si, ouais. Mais je dis ça 5, je sais que c'est 6, là, mais en fait, c'est 7. Il y a une guédille ici, au-dessus de la lèvre? Il y a un bouton. OK, bah c'est ça. Hein, je l'ai dit, il est roux. Ça, c'est... Il vient de quel bout de pays, ce gars-là? Yakimchuk, mais c'est un Canadien, là. Ouais, effectivement. Effectivement, je sais pas quelle province? Là? Un vrai nom canadien. Un gars qui a fêté la fête du Canada. Qui s'en vient. Yakimchuk. N'oubliez pas, fête du Canada, 1er juillet. Ce gars-là, il y a une bonne shot. Mais est-ce que c'est le gars qui... Tu peux-tu le mettre dans le top 3 de Sanderson et Chabot? Je ne suis pas sûr de ça. Je suis vraiment surpris. Je vais aller voir ce que le monde sur X pense. Il y a le logo du Hitman. C'est hot, là. Ah, un gars qui a un masque de hockey avec un bâton dans les mains. C'est quand même assez cool. Il est comme actionnaire, ce club-là? Bret Hart? Mais il me semble que c'est lui qui était propriétaire quand c'est commencé, ce team-là, fin des années 90, si je ne me trompe pas. Parce que je me souviens, dans WCW, quand il a commencé à lutter là, il portait un chandail du Hitman, des fois. Fait que je sais pas, écoute, c'est-tu à cause que le team s'appelle le Hitman, puis il portait ça, ou ben non, il est vraiment propriétaire, ou il a été propriétaire. J'avoue que peut-être que je me trompe complètement. C'est parce que maintenant, tu peux pas prendre son nom à lui. C'est comme un trademark pour lui. Là. Qu'est-ce qu'il y a du Hitman là-dedans, Paul? Non, mais c'est peut-être moi qui se trompe complètement. C'est peut-être à cause qu'il y avait le même nom. Mais tu sais, un team qui s'appelle le Hitman, qui vient de Calgary... Non, mais je l'ai ici dans Wikipédia. Le nom de l'équipe vient de l'ancien lutteur qui était un des propriétaires de l'équipe à sa fondation en 1995. C'est ça. OK. Je me suis pas trompé, au moins. Ouais. Une franchise... Écoute, à date, là, sur X, là, le monde capote bien reine sur le choix de Montréal. Si la F jusqu'à 21, on ne sait pas, peut-être, on ne sait jamais. Ça, c'est un bet, parce qu'il y a du monde qui disent que ce gars-là, à grosseur qu'il y a, c'est un must qu'il fallait l'avoir. Mais d'un point de vue de talent, il n'est pas si hot. Mais à sa grandeur, on peut pas passer à côté. Pour sa grosseur, à date, il est super mobile. C'est ça qui est surprenant. Mais Mais on va voir, parce que c'est quand même pas surprenant qu'il ne soit pas sorti encore, d'après moi, parce qu'il y a quand même des gros défenseurs de talent qui sont sortis. Là, puis beaucoup de défenseurs qui étaient 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 3, quand même, là, me semble, qui sont sortis. Parce que moi, je l'avais mis à Ottawa comme un Chara, tu sais. OK, ouais, mais... Ouais, puis Chara, il y a quand même bien commencé. Moi, j'ai mis 15e dans ma liste. Les grands joueurs sont plus longs à développer parce que quand ils grandissent, ils ont de la misère à s'adapter avec leur nouveau corps. On l'a vu un peu avec Slavkovski sa première saison. Ouais. Peut-être que les équipes sont peut-être un petit peu pressées et qu'ils veulent quelqu'un qui va aller vite plus rapidement. Là, je dis ça de même, mais... Calice. Ottawa, là, d'après... Écoute, maintenant, on va reparler de ce repêchage-là dans 3, 4, 5 ans. Là. Ouais. Puis on va pouvoir voir les défenseurs qui ont été repêchés après s'ils vont être beaucoup mieux que ce que Yarkmoff a dit. Yakimchuk. C'est Ron Francis. Ron Francis, il me semble, il a toujours eu la même chevelure. Yakimchuk. Je l'aimais, lui, dans l'uniforme des Whalers. On parle beaucoup de Whalers ce soir. Je m'excuse. Je sais que Whalers, absolument, vous avez raison, les gars, mais pour moi, c'est quand il a gagné la Coupe avec Pittsburgh. Ouais. Quand il y avait les cheveux noirs. Deuxième sound avec Pittsburgh, c'est écœurant. Donc, le Kraken va parler. Moi, j'ai mis Cole Iserman. Allez chercher une autre. C'est Beniers. C'est lui, Beniers. J'espère pas me tromper en pesant sur Pix. Ouais, vas-y. Ouais. Voilà. Fait que tout le monde... OK. Sam Dickinson pour GF. Moi, j'ai Beckett Seneki, fait que je me trompe. Puis Cole Iserman pour Dom. Je vais commencer à effacer les choix qui ont été pris. Je pense que GF va l'avoir, pour vrai. Bertley Catton, le petit Catton. Wow! Ah, il est pas bien beau, hein? Mais c'est correct, il est plus riche que moi. Imagine, ça quand commence en plus. Man, les défenseurs qui sont côté haut, ils baissent. J'avais Catton à 13e, moi, avec Minnesota. Je l'avais haut, là. Oui, toi, tu l'avais 4e, ouais. On demande dans le chat si je suis correct avec le barbecue, oui. Hey, Jeff, tu sens le fumer, puis c'est merveilleux. Oui, c'est vrai, tu sens tellement. Ouais. J'ai juste de la fumée dans les yeux dehors, là. Mais je viens de mettre les ailes Doritos sur le charbon. Vous n'avez pas idée à quel point Jeff nous traite bien ce soir en fournissant la bouffe et le kit, c'est 40. Vous faites le contenu, je fais la bouffe, là. Mais Jeff, j'ai vu qu'il y a une bière, une IPA... avant-garde dans ta porte. Possible. Est-ce que je peux l'acquérir, c'est ça? C'est quoi le nom, là? De avant-garde. Fashionista. Ouais, ça se peut. C'est-tu vieux, ça? Je pense que oui, c'est ça. Je pense qu'elle a été oubliée dans le frigidaire. Parce que cette forme de bouteille n'existe plus, ouais. Ils font plus ça depuis. Il y a une coupe de bière, je pense, 7 ans, qui traînait dans le fond du frigidaire que j'avais juste oublié. On l'atteste-tu? Je sais pas, là. Ouvrable, c'est pas bon. Non, avez-vous goût de devenir aveugle? Je sais pas si on peut devenir aveugle, mais... Je saute, c'est bon. C'est une New England. C'est supposé avoir bien du houblon. puis tu sais, s'il y a une affaire qui passe vite, c'est le houblon. Ah non, ouais, ça, il y en a une coupe, il faut jouer. Le goût de houblon, je vais acheter. IPA, là, mais... Fait que moi, je drainerais ça. Mais deux choix, je pense qu'on pourrait dire de surprenant un peu. Ottawa et hein. Seattle. Ah. Oui. Oui, parce que. Ben même, je te dirais peut-être que Senecky, troisième, c'était surprenant aussi. Man, c'est... Oui, absolument. Mais ouais, le ouais, Snake, ouais. Il l'avait mis haut, man. Il l'avait mis quatrième. Je sais qu'il n'est pas un fan du Snake. Tu sais que le Snake a mis deuxième? Ouais, mais ça, c'est parce qu'il veut faire des artifices. Connery. Non, non, il n'a pas mis Jimmy Dove deuxième. Non, Connolly deuxième. Connolly. Il n'a pas changé d'idée à la fin. Parce que c'est son dernier podcast. C'est encore Connolly 2. Mais quand il a annoncé sa liste, il a mis Connolly. Le c'est que Trevor Connolly peut tomber 21e. Morel va parler. Ça, ouais, mais ils veulent ça encore avoir un autre problème? Ben, savez-vous, c'est quoi son problème? C'est qu'il y a le nazisme. Il n'a pas pissé dans les douches? Non. Non, mais il y a des rumeurs. En fait, il y a la rumeur que le signe nazi, quand il était plus jeune, mais après ça, il y a des rumeurs qu'il bouliait ses coéquipiers dans les douches. Ouais, ou il y a whatever, un assaut dans, ouais, chambre. Ben, c'est ça, c'est le gars. Puis un de ses chumés a fait un signe nazi, genre avec des bébelles. On se créait au web. Il a pris une photo, puis il a partagé ça sur les réseaux sociaux, sur Snapchat. Il s'est fait pogner, il s'est excusé, il a fait des travaux communautaires. Ils l'ont étiqueté automatiquement comme étant un raciste. Ouais. Ben, tu sais. Mais comme Mathias Brunet disait dans le podcast, tu sais, moi, j'en faisais pas des calls racistes, tu sais. Fait que, puis, si t'en fais, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Si t'en fais, t'en es un. Il y a des choses. Ben oui. Je veux dire, si t'en fais, c'est que t'as un fond de rigolade de ça puis que t'es mais pas si loin. Il y a un autre point aussi, c'est que moi, de nos jours... Je suis quand même un peu d'accord avec ça. De nos jours, la nouvelle génération est un petit peu plus sensible à ça. Puis si lui, il s'est permis de faire ces choses-là, ça signifie encore plus que nous autres, dans notre temps, des mots qu'on ne devrait pas dire, on en sortait tout le temps quand on voulait parler de quelqu'un qui était faible, disons. Je ne veux pas le nommer, ce mot-là, vous comprenez ce que je veux dire. Mais de nos jours, ils ne font plus nécessairement ça parce qu'ils sont sensibilisés beaucoup plus jeune, parce que c'est quelque chose qui se fait juste pas pour ces générations-là. Puis je comprends absolument, ils ont raison, mais il y a une différence que s'il fait ces gestes-là à l'âge qu'il a, sacrément. Moi, je trouve ça veut dire qu'il y a de quoi. C'est vraiment pas une bonne chose. Ça n'enlève rien sur son talent. À moi qui venais d'avoir écouté American Generation X, puis là, il était comme trop... Ouais. American History X. History X, ouais, avec Edward Norton et M. John Connor. Et qui s'est dit, waouh, quelle belle gang. Je vais devenir, moi aussi, un néo-nazi. Un modèle à suivre. Est-ce que c'était hot quand le gars s'est fait pétailler sur le bord du trottoir? Ouais, ouais, ça va être les Flames qui vont choisir en 9e. Les Flames sont probablement en dépression présente. Bon, on avait Yakim Chuck pour Dom et moi. Puis Higgin, là, fait que c'est sûr qu'on se trompe en 9e rang. Les sont tous sortis. Ben écoute, là, moi, mettons, j'ai encore Anton Tsiaev. J'ai manqué Tsiaev qui, c'est un pogné Higgin, là. Au 3e rang qui devrait... Higgin, là, c'est... Utah. C'est Utah. Ah ouais, OK. Ouais, ouais. J'étais dehors dans la fumée. Fait que, écoute... Monsieur Neveu confirme que c'est une vieille bouteille qui a même plus ça dans sa grande sœur. Je sais pas qui va prendre. Disponible selon ma liste personnelle. Je vous ai dit que le défenseur va sortir là. Bayem, 8. Parek, ouais. Eiserman. OK. Ouais, ouais. Snake. Je pense que c'est le temps d'un défenseur. Là. Parce que les Flames, écoute, sont après à faire une vente. Ah non, c'est de l'autre feu. Caméra dans le fond. C'est celle-là ici. Rends-toi là. Complète en bois. Ah, vas-y, ça va. Complète en bouteille. Va apporter, rendu là. Là. T'as au filage. Complète en bois. Il drop tout. Ouais. Il y a de plein content qu'on ait pogné des mineurs. Monseigneur Neveu, selon ton expertise, est-ce qu'on devrait l'ouvrir et l'essayer ou on est mieux de crisser ça au vidange? Moi, je pense qu'on va crisser ça sur la tête du gars qui a intimidé le fils à Dom dans la rue. Ah ouais, ben oui. Hey, on regarde ça de l'intimidateur. On va la boire avant, là, puis après ça, on va y aller. Hey, tant qu'à moi, c'est pas vrai qu'un bourré va se faire intimider. Okay? Ben, il a réussi à se défendre. Il y a un petit monsieur, hein? C'est Martin Short. Pas surprenant qu'Eloa s'organise. Il dit « Goûtez-y pour le show ». Non, mais j'en reviens pas, man. J'avais c'est un peu comme du Jameson, finalement. À l'époque, Avant-Garde ne faisait que ça. Ça fait longtemps. Là. Le bar venait d'ouvrir. Là. Ah, ça va genre 2004. Ça fait 7 ans. Là, 2004. Ça se peut, là. Yvan. Oh. Ah! Hey, c'est Craig Conroy. Craig Conroy. L'autre, ça va être un gars des pétroles, ça. Un gars des pétroles. Tout du monde lui dit ça. Qui? C'est qui, lui? On l'a pas entendu. Un chinois. Un asiatique. Yakim Chuck. Non, c'est pas Yakim Chuck. Non, il aurait été repêché à Ottawa. J'ai lui. Pas entendu, puis je connais pas le personnage. Sa mère, c'est Michel Young. Oh, Zach Parrick. OK. Qui est un Zane bon Parrick. Défenseur aussi. Oui, oui, oui, oui. C'est un bon choix pour Calgary. Zane Parrick, c'est lui qui a fait quoi, 96 points dans la Ligue de l'Ontario? Ouais, c'est ça. 96 points. C'est comme, dans le fond, pour les intimes, c'est un Quint Hughes, un gars qui va Zach Perk, je l'avais. Zane Perk, je l'avais 6e. Fait que. Je l'ai mis 12e pour les Flyers. Dom, tu l'avais où, toi, Zane Perk? Je l'avais. C'est la 12e. 12e. J'avais pas loin. 12. Avec les Flyers. Écoute, on est pas mal là. Plus ou moins. Never, il dit, elle est vraiment bonne, sa bière-là, quand elle est fraîche. La Land Shark, ça? Je pense qu'il parle de l'autre. Hey, on peut-tu. C'est une 2018. Sacrément, OK. On prend-tu un moment pour. Je suis surpris de ça. Elle a été oubliée. Ah non, c'est. Oui, c'est ça la date ici. C'est bien ça. 2018. Oui, 2018. Le ça 4 décembre si 2018. Je suis surpris. Je pensais six que ça ans quand même. Énormément plus longtemps que ça. Non, pas tout à fait, là, quand même. Ah, c'est ça vrai, fait je ne peux pas aller sourire ici. Ouais. Ça fera 6 ans. On va voir. Tantôt, peut-être qu'on va être chaud d'ail sur les hey, mais on peut-tu avoir ta critique de la Land Shark? Après 4. Ah, ça, goûte, 3, ça goûte à rien pendant tout. Là. C'est comme de l'eau. Ah, pour vrai? Oui, oui. Ben, vous aimez ça, vous autres, là? Vous buvez des, de la ouais, on recommence-tu le sujet, là? De la Michelob puis de la on petite On rembarque le sujet de la petite bière. La petite pisse, vous allez aimer ça. C'est 4.6, cette petite bière, là. Mais pour Creative vrai, weapon. Je cherche le goût, puis j'y... Tu sais, je hey, la brasse dans ma bouche. Je t'offre une magnifique Michelob Ultra, là. Ah, d'après moi, c'est égal. Il vend des mitas à Vesti. Hey, il va s'en vendre en Vesti Jersey. C'est un moment un peu. On attend, là, mais Demidov, ça va être excitant à Montréal. Ben oui. Ça va être cool, les boys. Là, c'est de savoir, dans le fond, le monde va commencer à savoir où c'est qu'il va jouer. On va lui laisser un an. On va lui laisser le temps de finir son contrat et d'arriver. À y penser. Puis après ça, on va voir selon. Parce que l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, il joue dans la Ligue de Russie, mais comme junior, genre, ou quelque ouais, chose comme ça. La division OB. C'est pas la KHL. Là. Non. Fait que ça fait en sorte que c'est une ligue pas mal inférieure. Pas mal inférieure. Avec le temps qui s'ajuste à une patinoire de la ligue, ouais, qui est plus petite. Puis qu'il se fasse à robustesse un peu des ligues nord-américaines. Peut-être qu'il va faire un an, on ne sait pas, avec le Rocket. Là. Ça va dépendre de son camp. Mais peu importe, soyons patients comme qu'on devrait toujours l'être. Puis je pense pas qu'il va être au camp des recrues. Il y a un camp des recrues dans 2 semaines. Je pense pas qu'il va ben être non, là. Non, s'il joue encore en Russie, il y a... Non, il y a pas y aura pas d'y assister comme... tu sais, les seuls joueurs... Mais, le camp d'entraînement, c'est sûr qu'il n'est pas là. Puis je pense pas qu'il va aller dans le camp des recrues parce que d'après moi, là, il a comme pas le doigt de pratiquer avec d'autres clubs tant qu'il est sous contrat avec la Russie. Fait que l'année prochaine, on verra bien, mais on va être patient. C'est sûr que si... Le monde va s'énerver en crise. Quand il va y aller au camp d'entraînement puis il va commencer à faire des points... Il va avoir du monde. Le monde, il va commencer... Yvan. Zane Parrock, je l'aime bien. Que le jersey de Calgary est tellement beau que... Neveu dit que Demidov voulait jouer avec le Canadien absolument en 2025-26. Il connaît Messard, Slafkovski, il a vu beaucoup de matchs canadiens, selon Mathias Brunet. Hey, Mathias, hein? Ça parle de dépressif. Pense de Mathias, ça va être le fun de suivre aussi le championnat du monde junior parce qu'il va être là pour la Russie. La Russie, on doit participer à ces tournois-là. C'est vrai. Ça va avoir un beau bassin de jeunes avec le Canadien. Officiellement, on voulait juste dire que les membres de la LSDP veulent s'organiser pour gagner un des repas avec le team de le team de processus pour aller super avec eux autres. Y a-t-il un concours pour ça? Mon ami Seb Tal a participé au concours, mais il n'a pas gagné. Mais il a dit que s'il gagnait, il m'invitait. C'est comme ah oui, c'est brutal! Ouais. On le salue. On le salue. C'est Seb qui m'a parlé du podcast, justement, le processus. Et puis, je me suis mis à écouter ça. Puis, bon, je sais que j'en parle beaucoup, mais c'est ma seule source. Mais, mais ça m'a permis de m'intéresser un peu plus aux jeunes et tout ça, au lieu de m'intéresser à ce qui se passe vraiment. Et puis, je me rends compte que c'est quasiment plus intéressant, ça. Les repêchages, les jeunes, le développement. C'est le futur. C'est le futur, mais c'est par là que tout se passe. Ouais. Non, mais c'est une nouvelle approche au hockey un petit peu. Ouais. On connaît un petit peu moins le côté repêchage amateur, disons, du hockey en général, parce que tous les podcasts ou les shows à Montréal, c'est souvent sur le Canadien en ce moment. Puis non, on n'est pas sur le Patreon. En tout cas, je pense, je vais parler pour nous autres. On n'est pas sur le Patreon de processus, mais non. Peut-être un jour. Power Jeff qui dit, c'est pas lui, Mathias, que vous disiez, mange mon pain brûlé avec de l'huile d'olive et du vinaigre. Non, c'était Benoît. Ben, non. Ça peut très bien être Mathias. On a dit ça à peu près à tout le monde au Québec. Là, en tant que fan, je suis d'accord avec toi, Power Jeff. Effectivement, j'ai déjà entendu ça, pas rien qu'une fois à LSDP. Je m'en souviens bipolaire plus. Je veux pas nommer de nom, mais si tu regardes la caméra en ce moment, tu vas t'en souvenir. Je m'en souviens plus. Moi, dans le temps des commentaires à Donolo, là, puis... Donolo! Tu veux-tu aller là? Ils diront voir les archives. Les défenses vont parler, là. New Jersey, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'elle allait changer leur choix pour de l'aide des médias. Ouais, on a mis quoi? Ouais. Ils repêchent. Ils n'ont pas fait de transaction. Berkeley Catton pour GF. Moi, j'avais Zeph Byam. Puis TJ Gill, là, pour toi, GF. Pour toi, Dom. Oh. Hey, Fatso! Monsieur nice. Qui Fatso. Couche avec la sœur jumelle de sa femme. Pas capable de parler en français, toi, Chris? C'est qui, lui, c'est-tu? Il a l'air d'un gars qui joue nom, dans non, comme d'habitude, on le dit... film d'armée avec Jake Il n'y a pas de blondes, il n'y a pas de mère, Steve. Il y a juste des hommes. Et là, je vais poser la question. Il y a dans sa vie. De quel Anton pays Slayev. Il est? Juste des hommes pour s'occuper de lui. C'est Slayev. Non, c'est pas Slayev, ça. Oh oui, c'est Slayev. Oh hey, shit. Okay. Écoute, ils ont déjà Semek. Hey, ils ont déjà go. Le Luke Hughes. Ils ont Doggy Hamilton. Là, ils pongent ce gars-là. Luke Hughes. C'est sur son nom, Luke Hughes. C'est Hughes. C'est un autre Hughes. J'aime mieux Hughes, oui. Puis, écoute, ils vont avoir une défensive de feu, les Devils. Ouais, ça va rappeler les bonnes vieilles époques des... Oui, puis là, ils ont pogné Mark Strom. Ils ont Jake Allen. Mais là, Jake Allen et Mark Strom, c'est des vieux goalers quand même. Fait que Slayev, le temps qu'il arrive dans la ligue et qu'il commence à être bon, ils vont à la fin de carrière. Là. Hey, 6 pieds 7, man. Ouais, c'est ça, c'est malade. Une machine. Écoute, ça va être parfait. Puis... On voit des highlights. Ici, le pire, c'est que je pense que ce gars-là serait peut-être même prêt pour la ligue. Regarde sa glace, c'est un géant là, comparé aux autres. Là. Il patine, il est capable de patiner. Ouais, c'est comme un Shara mobile. Puis le gars va grandir peut-être encore d'un autre pouce ou deux. C'est vrai, hein? C'est un enfant encore. Là. Il a l'air d'un enfant en plus. Il n'est pas costaud par contre. Non, il n'est pas. Mais en même temps, les joueurs de hockey ne sont pas si larges que ça pour vrai. Ils ont souvent des grosses jambes, mais d'un point de vue carreux, largeur, là, ils sont pas tant larges. Regarde. C'est Celebrini. Pas ouais. Gros, gars, lui non plus. Là. Hey, c'est bien. Gars, ouais. Lady Chum, il est 6 pieds 3. Il est pas large. Hein. Oui. Slav, mais c'est un. J'espère un qu'il est content d'Amidov, Esti, puis qu'il est pas comme tabarnak. C'est pas mon premier choix. Je suis vraiment pas content d'être là. J'aurais pas voulu. Mais le commentaire, regarde, le commentaire que Monseigneur Neveu disait tantôt à propos de ça, selon Mathias Brunet, il disait que d'Amidov voulait jouer avec le Canadien, puis il connaît Meshar, puis il connaît Slav. Okay. Fait que écoute, c'est vrai, en espérant que ça soit vrai, là, puis j'ai pas de doute que ce que tu dis, c'est pas de la merde, là, mais. On le croit, c'est un seigneur. c'est un monseigneur. C'est notre seigneur. Mais non, ça serait cœur. Mais hein, oui, tant mieux s'il connaît déjà des jeunes dans la chambre, là, ça c'est parfait, ça. Mais s'il y a une approche, tu sais, puis ce qu'on entendait hier, selon Jeff Gorton, quand ils ont eu l'entrevue avec eux autres, ils disaient que son anglais était bon. Ouais. Tant mieux, juste pour que ce soit plus facile pour pouvoir communiquer, tu sais, that's it. Moi, j'ai entendu des propos intéressants par rapport au souper, puis les entrevues, tu sais, puis tout ça. Puis que parfois, ça pouvait être utilisé pour faire un show de boucan. Ah, ben oui, absolument. Pour masquer ben oui. Ce que tu as envie de choisir, tu sais, par rapport aux autres. Eh hey, mais je vais amener un point à propos de ça. J'écoute le podcast de. Oh merde, c'est quoi son nom? Le Sick Podcast avec. L'Italien, là, je m'excuse, j'ai oublié son nom. Mais je l'écoutais à matin, puis il mentionnait justement que selon lui, quand il avait interviewé Gorton hier, puis c'était juste un petit feeling qu'il avait, il trouvait que Gorton avait été vite sur les questions de Demidov pour comme si il se disait qu'il essayait d'éviter le sujet un peu, pour pas trop montrer qu'il avait été impressionné par lui en disant oh, « on l'a rencontré, ouais, son anglais n'est pas mauvais, ok c'est bon, next ». Puis Tony Marinaro, merci beaucoup. Exactement, réellement facile, merci. Puis Tony, ce qu'il disait, puis ça tombe qu'il a eu raison parce qu'on l'a repêché. Je sais pas, c'est peut-être un addon, mais c'est hard quand même. Hmm. Le feeling qu'il a eu quand il était sur place en train d'interviewer Gorton. Fait que, malade. Yeah. Malade. Il fallait juste espérer qu'il tombe. Puis, tu sais, c'est. C'est le fun à chaque fois que Jeff il rentre. Il s'appelle une wave de boucan. Prochain coup, j'ai avec des wings puis des bacon rings. Fun bien, moi. Puis Demidov, là, les boys? Hey, des bacon rings. Pour le moment, je suis correct. C'est bon, OK. Demidov, c'est techniquement... Moi, je suis à ma quatrième, mais je t'en prendrai un autre. C'est correct, je chauffe pas. C'est l'attaquant le plus talentueux du frigo, draft après Celebrini, là, ce qu'on a repêché là. En haut, toi, hein? Je les ai descendus en bas. Tasse les bières qui datent de 10 ans et plus, là, tu vas pouvoir en changer. Donc, Austin Matthews, first pick 2016. Ouais. Hein? Ah, fuck, j'ai raté le reste. Là, le Canadien, son prochain pick, on dit qu'il est au 21. Ouais. C'est quand même excitant d'en avoir un autre, là, rapide. Ouais, pour vrai. C'est... Parce que là, on pourrait en avoir des bons joueurs droppés à leur rang, là. Oh, ouais, écoute, ouais. T'as encore Cole Iserman qui est disponible, Sam Dickinson, Trevor Connolly, le raciste qu'on ne sait pas trop s'il va être repêché, Ziv Bioum, qui est un excellent défenseur aussi. Oui. T'as Costa Hellenius. Tu sais, t'en as une coupe, puis il y avait des joueurs. Il y a même certaines personnes qui disaient que Sacha Boisvert pourrait joke, être considéré. Non, mais ouvre pas celle-là. Es-tu bonne la bière, Lanchard, finalement? Ouais, ouais. Prends l'autre, il t'en reste une. Ouvre-la. Ah, ben, prends celle-là. Merci, c'est gentil. Les Sharks. Les Sharks qui ont avancé pour ce choix-là, ils vont-tu repêcher le joueur qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils viennent de l'annoncer, on va vous le dire. Iserman? Non, c'est pas Iserman. Ah oui, c'est Iserman. C'est Iserman pour de vrai? C'est Iserman. C'est ça que t'as collé, mon Nick? Yeah, lui. Est-ce qu'il y a pas... Non, ah non, c'est Zach. Hey, man, il ressemble à Iserman. Ah, c'est-tu. Désolé, tout le monde, je capote. Bon, ben, c'était pas ça. Hey, tu imagines-tu si c'est nous autres qui repêchent Iserman? C'est quoi tu vas faire? Mettons, là, qu'on le repêche, là. Tu vas-tu faire de quoi doser? Hey, man, qu'est-ce que je fasse? Il m'a sorti dehors, je vais aller prendre une marche? Non, mais pour vrai... Mais non, tu partages tes émotions avec nous. Iserman, je suis pas... Mais parce que je l'aime pas tant. Non! Non, c'est ça? Non! C'est un poteau. Mais moi c'est lui que j'aurais aimé avoir. Personnellement, Dickinson, de ce qu'on entend parler, il était avec fucking London, la meilleure équipe junior de l'histoire du pays. Il est gaucher, par exemple. Ouais, il est gaucher. J'avoue que j'aime moins ça. Mais ce gars-là, j'avoue que je l'aurais aimé l'avoir en crise dans mon équipe. Il a de l'air d'être un hostie défenseur fiable, déjà super responsable, mature à son âge. Fait qu'écoute, puis il aime le honey, sriracha, whatever, chicken. C'est ça qu'on vient de lire. Tabois, ce gars-là, il est costaud. Ah, il est 6 pieds 3. On dirait qu'il joue des Sopranos. Je parlais du gros à droite. Ah, mais c'est Mike Greer. C'est le gars. Non, non, l'autre, là. C'est, c'est le gars qui joue des Sopranos. C'est ça. Hey, on dirait que c'est le Kingpin. Chris, c'est. Le gars, c'est un Fisk. Carré. Il est fait. C'est Norman Fisk. C'est un carré. Non, l'homme qui s'habille chez Morse. C'est quoi son prénom? C'est pas Norman, c'est. Wilson Fisk. Wilson Fisk. Wilson Fisk. Wilson Fisk. Il arrange tout. Dickinson est parti, on va l'effacer. Sam Dickinson. Dickinson, que je le comparais à un set de défenseurs comme Miro Heiskanen. C'est un gars de premier pair, ça. Premier pair. Heiskanen, c'est le. Fait que Cole Iserman. Le défenseur à Dallas. Plusieurs prédisaient que Cole Iserman allait dropper, sans nécessairement dire pourquoi. Il est encore sur le board. D'un défenseur top, il reste encore Ziv Bioum. Quand on essaie, mettons, on joue devinette, de quel pays devient Ziv Bioum? Ziv Bioum, c'est un Américain. Ouais, c'est ça. C'est un Américain. Ah, ouais. C'est le seul défenseur. Moi, je l'appellerais Ziv Bioum, ça devrait bien. Ben ouais, toi, on sait bien. T'as-tu Ziv Bioum? Il a chanté. Il y aurait un Cole Hudson. Il y a des rumeurs qui aiment bien Motambo. Le frère Alain. Motambo. Ouais, exact. Peut-être que le Canadien va s'essayer sur un Cole Hudson. L'affaire que j'aime moins de ce choix-là, c'est sûr que ça serait le fun. Oui, c'est qu'il, il a le même format que Cole, que Lane. Fait que, avoir deux petits défenseurs, ce serait pas l'idéal. Mais exact. Moi, je veux caler Sacha Boisvert. Copie carbone, là, les deux joueurs. Je casse Sacha Boisvert, moi. Let's go, un Québécois avec c'est même trop tôt, man. Connolly, man, ça serait peut-être fucking parce que Sacha Boisvert, ce que j'ai lu dans les rapports aujourd'hui, c'est que les Canadiens ont assisté à ses pratiques à Trois-Rivières la semaine passée. Il a passé en entrevue avec Nick Broboff, puis il était vraiment impressionné. C'est-tu le joueur convoité que le Canadien va repêcher au 21e? Peut-être, mais là, il y a des gros joueurs qui ne sont pas sortis encore. Oui, oui, il en reste encore. Oh, oui, absolument. Ça peut changer bien les affaires. Là, on peut voir le gars George McPhee à l'arrière de l'écran, là, pour ceux qui l'ont vu. Là, George McPhee, c'est le trou de cul des Knights de... J'ai dit les Knights de London. C'est le fameux meme... Du gars qui pète sa coche dans les loges quand Montréal a scoré le but en prolongation contre Vegas pendant le troisième match. Hey, je me suis il lance la bouteille d'eau, ça? Il fait non, comme... mais ça, c'est Zido. Ah, oui, ouais, okay. C'est Zido la semaine passée. Zido, est-ce Bill Zido, oui. Changer la couleur, on est rendu bleu. Mais pas de Québécois en première ronde. Écoute, je comprends, mais en même temps, si ça donne que c'est leur joueur, ça va être leur joueur, puis c'est tout. Là. Puis vu que c'est le deuxième joueur, tu sais, c'est notre. On va focusser sur Demidov plus que Sacha Boisvert. Mettons, on repêche Boisvert. On, fait que j'ai moins de peur à cause que c'est pas notre seul choix de première ronde. Fait que ça va peut-être l'aider un peu, mais écoute, on verra. Mais en même temps, Je pense que Boisvert, il joue même pas au Canada. Fait que le monde l'a pas vu, le monde n'en connaissait pas. Il joue aux États-Unis parce qu'il trouvait que la Ligue junior majeure du Québec, c'était une ligue de marbre. Écoute, ton point est valable, mais peut-être que bleu, ça va être moins pire. C'est Power Jeff qui dit qu'il a écouté le Snake et qu'il a convaincu de prendre le raciste Connolly. Le raciste Connolly, man, c'est qu'une question de racisme. Ben, c'est pour ça que je suis curieux de savoir. Le Boston. Montréal, là, ils ont. Non, non, mais talent. Le raciste Connolly, le seul problème, c'est le racisme. Le Chris. Ce que je veux dire, c'est ce gars-là, il a un talent absolument incroyable. Là, s'il n'est pas sorti, c'est à cause de ça. Là. Puis là, Logan Mayou. Est-ce que comme Logan Mayou. Mais Logan Mayou, il y a eu une rédemption de Logan Mayou. Montréal a réussi à le remettre au droit chemin. Oui, mais là, on ne peut pas devenir dépotoir à trouble. Oui, mais si ça fait. Oui, mais le temps passe. Logan Mayou, sauf on a pour oublié, Chris le temps, là. On a oublié ça. En un an, on n'y pensait plus. Mais là, c'est terminé. Pour toi, c'est là, mais là, que, si tu drafes un gars de même comme Connolly, tu perds ta job. T'sais. C'est ça un peu le problème. Tu drafes un fucking nazi. Puis la personne. Non, mais Chris. Hey, t'aides la situation, toi-là. Là. Dude, c'est le gars, il a du talent, là. Le gars, il est meilleur là, que les 8 derniers joueurs qui viennent de sortir. Ouais, mais il a tendance à se lever bras drette quand il score. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Calis? Ouais. Écoute, ben. Moi, j'aimerais ça voir, mettons, ses suggestions sur Netflix des films. Le documentaire d'Hitler. La guerre, c'est pas une raison, ça fait mal. Ouais, genre Inglourious Basterds. Ou, on va checker s'il lit le livre de Bruce Boudreau, au moins. Là. Je sais pas s'il l'aurait lu. Il y a juste Alex qui l'a lu. Il a peut-être brûlé son. On le salue. Galgator dans le chat qui demande, il est rendu où, Logan Mayou? Il est canadien. Il a joué quelques matchs à Montréal. Non, mais I guess que tu sais la réponse. Très peu de matchs. C'est-tu d'un point de vue de développement personnel qu'on trouve qui est bien correct maintenant? C'est-tu ça? Oui. Galgator, j'assume que c'est ça un peu ton commentaire, right? On en parle plus de ça. Il avait bien fait. Mais moi, je vais vous mettre un peu sur la sellette, les gars. La sellette. Entre ce que Logan Mayou a fait et ce que Connolly a fait, qu'est-ce que vous trouvez le pire? Logan Mayou. On peut-tu vraiment choisir entre les deux? Hein? C'est parce, ben, les deux, fait que toi, c'est parce que l'autre affaire... Il y a eu les autres races. Ça, c'est moins pire que, mettons, un gars mais est-ce que, comme mon qui couche avec une fille, il est fier, il montre ça à ses chums. Ouais, parce que mon père il m'a dit c'est toujours mieux d'écouter un film porno qu'un film de guerre. Mais... Oh, mais ton père, il mettait de la bière dans son jus de tomate, là aussi. Fait que c'est... Avec du céleri. C'est l'air du ciel un peu. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que Logan Mayou, c'est des gestes de jeu. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. Mayou, il n'a pas mis des photos en ligne. Il a partagé des photos. Il a partagé des photos photo à ses chummies. Sur Snapchat. Puis là, OK. Je vais être d'accord avec vous autres. Je vais être d'accord avec vous autres. C'est probablement pire, Mayou, effectivement. Parce que oui, nazi, c'est vraiment mal placé. Mais c'est vrai qu'il n'a pas entaché la vie de personne spécifiquement, disons, avec ses gestes. À part peut-être si on apprend dans deux semaines qu'il a fait énormément de bullying grave avec ses collègues, ses anciens teammates. Puis oui, je vais être l'avocat du diable. Vas-y, okay? Vas-y. Cette fille-là, là, peut-être que c'est une fille qui couche avec bien du monde dans le monde du hockey puis tout ça. Puis lui, il a comme fait « Yeah, les gars, j'ai enfin réussi à coucher avec elle. » Peut-être. Je pensais qu'elle a dit cette fille-là. Tu comprends? Son orgueil a pris un coup peut-être quand elle a peut-être que la fille, exact. Tu sais, le gars, il était peut-être comme « yes », il était fier. Puis, il n'y a pas, comment dire, il était fier d'avoir couché avec cette belle fille-là. Elle savait qu'elle s'était filmée. Puis, elle savait-tu? Ben sûrement. Elle savait pas où il a pris des photos en cachette. Ben, d'après mais moi, elle savait parce que, montrait ça à ses chums. La lumière du cellulaire quand tu filmes. Ouais. Ça allume, en effet. À moins qu'elle avait les yeux fermés. Peut-être qu'il faisait clair. Tu voudrais que j'écoute la vidéo. En tout cas, bref. Mais là, je suis pas en train de dire « il faut faire ça ». C'est pas ça du tout que je veux dire. Mais ça, pour moi... Cette affaire-là, c'est comme une gaffe de petit gars. Mais je vais en venir, c'est ça. Être un fucking nazi, c'est comme en tant que toi. Taillis. Mais quand tu fais une gaffe de petit gars, même taillis pas. Non, mais je pense qu'il a fait ça quand il avait 15 ans, par exemple. 16. Ben, y'a-tu vraiment? Mais je peux ben là, il y a quel âge? Il y a 17. Attends, mais je peux t'amener un point de vue, les boys? Je vais amener un autre point de vue. Je pense pas que ça va changer l'opinion en un ou l'autre. La seule affaire que je vais dire, c'est que ça a été médiatisé, leur crise de niaiserie, autant à Mayou qu'à Connolly. je suis prêt à gager que de 90 à 2005, il y a eu plein de jeunes qui ont fait ces mêmes conneries-là, qui ont été repêchés dans la ligue, ça ne s'est jamais su. Ah, la preuve, si tu regardes le Canada, Team Canada avec les juniors, qu'est-ce qui est arrivé avec les cas là, qui ont été annoncés, puis que les Carter Hart, le kit, ils se sont fait sortir de leur équipe. Ouais. Ça, c'était crissement bien pire, un viol collectif. Mais c'est drôle, dans le temps, ça n'a jamais sorti, puis ils étaient juniors. Ça a été sorti là, cette des dernières années. Fait que je suis prêt à gager que malheureusement, ça fait chier parce que c'est dégueulasse, peu importe un cas ou l'autre. Mais c'est arrivé dans le passé avant. Oh, trade alert, les puis boys! On l'a juste pas entendu. Ouais, trade alert. Trade alert! Là, check bien ça, ça va être un trade juste de pick. Ça change d'un rang. Ça, c'est des trades, je trouve, tellement poche à annoncer. Là. Ça veut dire que les Flyers sont convaincus que le joueur qu'ils veulent avoir va être encore disponible 14e. Puis ils ont été chercher un autre choix additionnel pour juste avoir de la quantité au lieu de la qualité. OK, fait qu'en gros, 12e, ce qui est arrivé, c'est que c'était à Philadelphie au 2e rang à choisir. Ils ont fait un trade avec Minnesota qui était 13e. Ils ont fait l'échange. Mais en plus de ça, Philadelphie va recevoir un choix de 3e ronde. Exactement. Pour juste reculer d'un rang. C'est ce qui se passe en ce moment. Exact. Juste d'un rang? Un rang. D'un rang. Incroyable. On va remettre les picks. Un choix de 3e ronde. Est-ce que les Flyers voulaient repêcher le joueur que Minnesota voulait avoir? Ben, maintenant, au 12e rang, je veux juste, les boys, je veux juste nommer nos rangs, ce qu'on avait dit. Fait qu'au 12e rang, on avait Philly. Maintenant, ça devient Minnesota. Fait que Jeff, il y avait Zane Parek. J'ai Trevor Connelly. Mais en fait, j'avais Trevor Connelly et Zane Parek aussi pour Dom. Ouais. C'est là qu'on en fait est. C'est terminé. Ouais, c'est pour ça. Nous. Moi, j'avais Ziv, Biom. Qu'est-ce qui reste? Non, t'avais Parek. Non, mais je veux dire, pour un move agressif de même, peut-être c'est Yzerman. Ouais. Parce que sinon, c'est quoi? C'est Cole Hodgson, un défenseur, ou Constant Hélénius, un centre. Bacha, c'est un peu tôt. Bacha, il est loin. Ouais. Je vois pas ben autre chose. Moi, j'avais pensé... Michael Brandzeg Nygaard, que je vois qu'il est sur des listes de ESPN et SportsCenter. Zeman, c'est Liam Grandtree. Je l'avais 6e, puis il est encore disponible au 12e. Le monde n'y croyait pas à ce gars-là, man. Avant que, je te dirais, peut-être quasiment un mois avant que le repêchage soit le players. Monde disait qu'il allait baisser. Brock Faber, oui. Brock Faber, c'est un défenseur qu'ils ont eu dans un échange avec Kevin Fiata. Fiala. Ouais. Puis, écoute, il a été nominé au Calder pour. Il y a eu une saison, ce gars-là. Oui, je suis d'accord. Une petite belle échange de Belguérin, ça, là. Oui, mais Fiala, il est bon. C'est un bon joueur, mais. Il est bon, mais c'est pas le. Tu sais, mettons un gars de 70 points, mais c'est pas le gars que tu as. Il va te rendre loin en saison régulière, mais en série, ça laisse à désirer. Mais c'était-tu trade? Minnesota, c'est quand. Parce que Fiala, il a commencé avec Nashville, il est allé à Minnesota, puis là, il est à Los Angeles, right? C'est ça? Je pense que oui. C'est ça l'ordre de sa carrière, hein? J'ai oublié. Je sais qu'il a fait ces trois équipes-là, mais dans l'ordre. Ouais, je sais qu'il est à Philly en ce moment. Il a baissé leur masse salariale parce qu'eux autres, il fallait qu'ils payent l'argent en mort sur les contrats de rachat de Ryan Suter et Zach Parise. Exact. Et Ryan Suter, aujourd'hui, a été racheté une autre fois par les Stars de Dallas. Ah ouais? Ouais. Okay. Oh. Il restait un an, 1,5, puis ils l'ont racheté. Hey, Bill Guerin, il ressemble à Grimace. Il ressemble à Grimace. Il a l'air d'un Ebron, esti. Oh, Zeb Byam. Byam, OK. C'est un excellent choix, honnêtement. Pour c'est un excellent choix, mais qui aurait sûrement été là au rang d'après. Le pire, c'est ça. Byam, j'avais dit que Byam passerait pour le Wild au 13e rang, c'est ça que j'avais dit. Hey, je l'avais-tu? Ah non, je l'avais pas. Un joueur moi, je l'avais mis au Minnesota. Ah non. Un gars qu'on compare à Chris Letang. Je l'avais mis au Minnesota pour le prochain round. Ça, c'est une... Ah, Chris, pas pire. Puis le pire, c'est que... En fait, non, je me suis trompé d'un. Oui, mais c'est si tu disais que Minnesota voulait ce joueur-là, tu l'as. Ouais. Tu comprends? Ça dépend. C'était quoi mais ta pensée? C'était ma pensée a des grosses analyses. Ta pensée, c'était Snake. Je regardais le Minnesota, puis j'ai lu beaucoup, puis... En passant maintenant, Dom, quand il évalue des cassettes, il se dit tout le temps qu'est-ce que Snake ferait. Exact. Comment Snake graderait ce jeu? Byam pourrait devenir le meilleur défenseur de la QV cette année. Oui. Il peut être facilement un candidat, en effet. Ben, bravo. Entre Dickinson, Leshchunov, Silaïev, pas de gardien avant Yakimchuk, c'est fou. Bayem, Parek. Il n'y a rien qui est sorti du point de vue goaler. Moi, c'est le grand slack. Le grand slack, j'y crois. Snake travaille chez Ouata, ça serait tellement. Silaïev. Ouais. Il est sorti. Non, il non, mais j'ai nommé tous les défenseurs. Croyez-moi, mais non, qu'il pourra percer. Il reste un Cole Hudson. Et c'est pas mal tout pour la première ronde des défenseurs, non? Ben moi, j'ai AJ Emery. OK. C'est vrai, toi, tu vas loin. J'ai Adam Jiříček, qui est le frère de David Jiříček. Ouais. Stian Solberg. Ensuite, j'ai Cole Hudson, que tu as nommé tantôt. Ouais. Leo Salin, Wallinius. C'est tout. Qu'est-ce que c'est? Hey, on a du filter. C'était qui ce rapper là? C'était une tonne de filter qui jouait à la fin. Ok, parce que ça, le gars, c'est un joueur de football, non? Ah, mais je regardais pas le gars, mais j'écoutais la musique. C'est Picture, j'ai oublié quoi, Picture de Filter, pour ceux qui s'en souviennent. Ça me dit rien pendant tout ton affaire. Le groupe Filter. Le ouais, c'est pas un groupe alternatif, ça. Un genre peu, là. Canadien. Un peu, là. Je sais pas si c'était canadien, c'était mais c'était alternatif. Ça. Ouais, c'était bon, je mets ça, moi, dans le temps, en 2002. Là. Ouais, c'est ça. Ça devait être sur un des nombreux Big Shiny Toons. C'est ça, je m'en ai dit. C'est sûr. Au Village des Valeurs, à côté du DVD de Kovalev. Fait que là, les prochains. Ben là, c'est Philadelphie. En effet. Ouais. Moi, je call Connolly. J'ai tellement honte de en voir fait, c'est qui mon call 12e pour Philly, puis mais là, moi, Philly, je vois Connolly. Puis là, on va pas parler. Ça serait tellement quand on drôle. Va entendre Connolly. Puis rien que pour voir si la foule va huer et qu'est-ce qui va se passer. Là. La foule de Philly va aimer ça. La foule de Philly est folle. C'est-tu. Ah ouais, c'est vrai. Toutes des racistes. Toutes des racistes. Ben, en même temps, il y a Wade Simmons qui a joué là un bout. Ouais. Qui était un homme de couleur. Il y a Amery qui a c'est joué vrai. Là, je me souviens bien. C'est vrai. Ils ont ben trop de noirs. Il y a Anson Carter a déjà joué à Philly, si je me trompe pas. Il a-tu joué là? Il a joué à Boston. Il a joué avec les Oilers. Il a joué avec les Sharks, je pense. Écoute, rendu là. Excuse, j'étais pogné dans la pub de Deadpool Wolverine. Ah, j'ai pas regardé. Ils ont-tu montré Sabretooth? Ça a l'air qu'on voyait. J'ai vu aujourd'hui une image de Sabretooth. J'ai pas regardé. C'est qui, acteur? C'est supposé être encore Liev Schreiber qui va jouer. Ah, ouais, ok. On voit des highlights de Bayum. Bayum, ouais. Un bien beau, bon jeune homme au hockey, là. Je regarde la date, voir ce qui se passe sur X par rapport à ça. Puis honnêtement, il n'y a pas grand rumeur qui circule présentement. On est rendu 13e. Oh my God, JF arrive avec la platée de Wings. Oh shit. Ouais. Ah, puis c'est ça, t'as fait des rondelles. C'est-tu littéralement juste des wings remplis avec des Doritos, ça? C'est des wings marinées portugaises que j'ai grindé du Doritos épicé par-dessus comme petite épice. Oh. Puis oui, ce que Dom dit, c'est des onion rings, mais au lieu d'être de la panure, c'est du bacon alentour d'une tranche de rondelles d'oignon. Donc. C'est insane. Voilà ce qu'il nous reste pour la soirée. Beaucoup d'ailes, puis ben des du bacon. Des rondelles. Des rondelles, des ailes, voilà. Un homme marié. Hey, le setup de barbecue à GF dehors, là, fou raide. T'as un genre de. T'as un smoker? J'ai trois smokers, en fait, là, qui ont chacun leur utilité et leur technique différente. Là. T'as, oui. Ouais, j'ai un fumoir au granule électrique, donc qui roule seul. J'ai un au charbon sur lequel j'ai fait les belles wings. Puis j'ai un double là, qui est offset au bois, puis il y a un barbecue au gaz dedans. Puis j'ai de la plancha, évidemment. Là. La plancha, of course. De course, ouais. Wow. Of course, de course. Of course, de course. Mais oui, c'est ma cuisine extérieure. Hey, sérieux, tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'appareils. je vais aller rechercher mon assiette. Question ouais. Devant le public. Oui. Pendant que tout le monde se lève. Il n'y a rien d'arraché de les wings. Là. Non. Avec les épices. Je peux aller vérifier si tu veux avant pour être sûr. Je vais aller m'en chercher. C'est où, je vais aller checker. Mais si voir sur le papier, t'as peur. OK. Sorry, je dois checker. Bon, mais... Non, GF, il est solide. On a la chance de l'avoir avec ses planches et toute l'équipe quand on fait des soirées ou des fins de semaine de gaming. Là. Il amène tout le temps plein de stock avec ça, du bacon ou whatever, puis on se gâte la fin de semaine, c'est cœur. En ça fait, une plancha, là, on a découvert ça toute la gang depuis une couple d'années, puis c'est pas mal rendu un must là, pour nos cours, mettons. Là. Fait que, si vous n'avez pas ça en ce moment, checkez, faites des recherches là-dessus. Ça vaut vraiment la peine, quasiment pour remplacer un barbecue complet. Là, là les boys, les Flyers vont parler. Okay, là, les Flyers vont présenter leur choix. Les Flyers, qu'on rappelle, ont repêché Mishkov l'année passée, puis Mishkov, il a décidé là, de rompre son contrat. Ça va être Trevor Connelly cette année. Michael Buffer. Michael Buffer. Hey, Michael let's Buffer. Get ready to rumble. Mais c'est quoi son lien avec les Flyers, ce gars-là? OK, good, merci. Il vient de là? Ah, c'est pour Rocky, je suppose. Non, mais c'est juste pour le WCW. On en parlait tantôt, rapidement. Fait que, vous vous souvenez, c'est lui qui faisait les annonces d'un gros show de WCW dans le temps? Ça se peut, je m'en souviens pas. Les annonces. Quand il présentait les pay-per-views. Oui. Ouais, Moses Zorgi, c'est au propane, la plancha. On va mettre ça ici. D'après moi, les Flyers étaient jaloux que Céline Dion présentait le choix des Canadiens, fait qu'ils ont pogné ce gars-là dans la salle de bain. C'est le gars qui tient une serviette. Là. Donc, le 13e choix, vous avez dit quoi, vous autres? On a tout bossé. Mais moi, je calais... 13 ou 12? Connelly, mais ils ont fait un trade Philly puis Minnesota. Un trade vraiment bizarre. Ça. Ah, ils ont changé 12 et 13? Ouais, puis, ah, ouais. Ouais. On va voir pourquoi. Ah, c'est Bruce Buffer, OK. Non, c'est Michael Buffer. Michael, Bruce, c'est l'autre. Son frère. C'est ce jeu. Let's get ready to rumble. Ils vont prendre... L'annonce comme un boxeur. Brière qui rit. Tu penses que son fils vient de pitcher un gars en bas des marches avec une chaise ouverte? Non, mais quand tu regardes Brière, là, c'est clair qu'il ressemble à sa mère. C'est qui a pris? J'ai Jim pas entendu. Jim de The Office. Ah non. Connelly, ils ont pris le... Non, c'est pas Connelly, c'est sûr. C'est-tu Connelly? Je pense que oui. Non, non. Oui? Non. Non, OK. Jet Luchenko. J'ai aucune idée de qui. Jet. Je l'ai classé où, lui, ce calice-là? On va aller voir dans notre liste. Personne ne l'a pris, lui, je pense. Non, mais on le connaît même pas. Moi, j'ai arrêté à 15. Fait que rendu là, il m'en reste peu. Là. Ouais, ben, on est rendu à 13 après ça. Je l'avais mis 19e, moi. C'est un joueur de centre, écoute. Je le comparais à Chandler Stevenson des... Turner Stevenson? Non, Chandler, qui est joueur autonome cet été. Et puis, c'est un centre talentueux, mais sans plus, là. C'est comme... Tu sais, je sais pas, il me semble que... Étant à comparer talent, là, tu prends Byam versus ce gars-là. Byam, c'est un autre niveau que ce mais gars-là. Oui, là, là, tu viens de dropper, le gars. Pre-game meal, chicken potato, puis j'ai pas vu l'autre, là. Chicken nuggets, sûrement. PFK. Chicken potato, des patates au poulet? Non, mais c'était chicken. Ah, OK, du comma, poulet, des patates, OK. Comma, potato. Comma. Comma. Ta mère. Quoi. Ta mère. Yes. Fait que ça, c'est le 12e show total. Commence à être sèche en estime, ma mère. Ah. Depuis 2004, elle n'est plus là. Ah, ben, c'est sûr que ça n'aide pas, là. Au niveau de la sécheresse. Je ne sais pas si c'est un fun fact, ça, non. Hein? Ça pas de conseil comme fun fact. C'est un fact qui est tout court, là. Bon. Ça montre qu'on n'a vraiment rien à dire. On regarde Flyers. Merci, JF, pour tes courtes notes sur Luchenko. On n'a rien à dire là-dessus. Tout le monde fixe les Flyers, les gars. On chance dit quoi, rien. On ouais, ça, ben, ça, c'est ça. Dire. Ben, parce que, écoute, on est renversé, man. On dit qu'il était 22e au Consolidated Draft. Ouais, OK. Je ne sais pas qu'est-ce que Breyer a vu en lui. Là. C'est peut-être, je suppose. Qu'est-ce que Breyer a vu? J'essaie de voir ce qui est scientifique à Philadelphie. Daniel Breyer. Écoute, moi, la seule affaire que j'ai eu hâte de voir à Philadelphie, c'est la relation de John Tortorella et Mishkov. aucun entraînement. Voulez-vous des débarbouillettes, des petites wires whips? On s'entend que Philadelphie s'en colissait bien de perdre un rang pour pogner ce gars-là, parce que anyway, c'est sûr qu'il allait être encore... Ben oui, Chris, il aurait pu même dropper de plusieurs rangs puis peut-être aller chercher de l'aide des médias. Les morceaux de Torito sur mon micro sont commandités. Ben, les rondelles, là. Ouais, cool. Moi, je vais embarquer ça dans une couple de minutes. Écoutez, ça, moi aussi. Ça a l'air délicieux. Mais écoute, ils ont chié leur choix. À date, ça semble que ça, parce que j'ai l'impression qu'unanimement, il n'y a personne qui voyait ce gars-là monter, sortir à 13e. On va voir ce que ça va donner, le Buffalo puis Détroit. On va voir ce que ça va donner les deux prochains. Les Flyers, autant qu'ils ont pu, si on peut considérer qu'ils ont sorti un lapin de leur chapeau en pognant Michkov l'année passée parce qu'il a descendu beaucoup de ce qu'on pensait. C'est comme un don du ciel quand ils l'ont eu. Puis là, ils l'ont pris. On va voir ce que ça va donner. Il va arriver cette année. Mais ce gars-là, écoute, peut-être qu'il voit quelque chose de magique puis on ne sait pas. Ah, il a pris une photo avec Brett Burns quand il était petit. Avec Kadri. Là, il baisse dans mon estime. Tu l'aimes pas de Nazem? Avec Marner. Chris, il a quel âge, est-ce-tu? Parce que Marner, mais là, il a 18 ans, le gars. Là. OK, c'était pendant la Coupe Mémoriale. Ça, c'est Matthew Tkachuk. Ouais. Ah, peut-être qu'ils ont vu l'album photo, ils se sont dit qu'il est peut-être aussi bon que lui. C'est un fan des Knights de London. OK, c'est pour ça. Là, je comprends. Il vient d'une bonne école. C'est dirigé par les frères Hunter. Il parle très bien anglais. Écoutons l'accent de Daniel Briand. Ah, ils n'ont pas le son. De ce que j'ai vu, ça a l'air qu'à TVA Sport, ils ont dit qu'il n'y a toujours pas de Québécois qui ont été repêchés. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on dit, TVA Sport? C'est ça. Puis là, tu peux être certain qu'il va y avoir un gars comme Philippe Quentin qui va dire « Montréal n'a toujours pas repêché de Québécois pour la 57e année de suite. » C'est comme « Tom Taylor. » Il y a Sacha Boisvert. Oublions jamais Louis Leblanc. C'est mon corps le 21, ça. Pourrait être disponible. Qui était une erreur aussi. Ça? Louis Leblanc, c'est une erreur monumentale. Mais il y avait des belles joues rouges. C'est jamais... Sablon qui parlait pour lui. J'ai jamais parlé à ses parents. Bosniaki, là, qui a dit « Bergevin aurait dû le faire jouer. » J'ai jamais parlé à ses parents. Je peux pas te dire si c'est une erreur ou pas. Mais... Eh oui, elle joue pas encore au tennis, j'imagine. Dans le fond, là, Bosniaki. Je parlais de. Hey, Bosniaki, c'est petite vrai. Parenthèse. Sablon. Ben oui, toi. C'est quoi son prénom? Caroline Bosniaki. Caroline, moi, dans ma tête. Non, c'est Caroline Bosniaki. Non, mais il y avait Carolina Wozniak, il y avait les deux, là. Il y en avait deux, là. J'ai oublié son prénom. Elle était vraiment musclée, là. Elle pouvait nous plaquer. Mais elle avait du talent. Puis, si je peux faire une parenthèse, on parle de Louis Leblanc, là, son coach dans le temps là, du Rocket de Verdun, là, c'était Pascal Vincent, qui a perdu sa job à Columbus. Oui. Puis, ça a perdu sa job. Mais c'est parce qu'il y a le nouveau Waddell qui est là, là. Non, il n'y a pas. Parce qu'il avait mal entraîné Louis Leblanc. Non. La seule raison possible. Waddell, il a fait une enquête interne pour savoir si le coach serait encore bon pour l'année prochaine. Puis ils ont remarqué qu'il intimidait les joueurs. Est-ce qu'il demandait de voir les photos de vacances? C'est genre de coups de poing. C'est quoi, des coups de poing dans les fesses? Là? Des flancs. Des coups de pied de coude. Des coups de poing dans les fesses. Un vieux coach des tapes, qui aime crier puis tout ça. Ouais, ouais. Puis je tiens à souligner que présentement, on n'a pas de coach à Laval. Puis il y a beaucoup de journalistes qui voient Pascal Vincent... À Laval, c'est une grave erreur. Lindy Ruff, un revenant. Les Sabres vont annoncer leur... Lindy. Hey, il est rendu vieux, honnête. Moi, j'avais prédit que Trevor Connelly irait à Buffalo. Des coups de pied de coude, ben oui. Ils ont pogné le Finlandais. Moi, je l'avais ici. Un genre de Holy Jokinen. Ah ouais, tu le regardes. Peux-tu confirmer que je l'avais au 14e rang? Merci. Toi, là, il fait un canal à son père. Peux-tu te confirmer que c'est des Finlandais? Ils sont tous blonds, blonds, blonds. Moi, je l'avais au 14e. Merci. Hey, mets-donc nos choix pour qu'on prouve nos faits. Là. 14e, yes 14e. Sir, Dom, on l'a eu. On a réussi, c'est-tu? Mon premier choix que je réussis. Lui, je le vois pas. 14 sur 15. Tu sais, il y a tellement de talent. Fait qu'on a eu 2 sur 15, Dom, bien sûr. Le premier, c'est un gimme, par exemple. Je le vois pas comme un centre de top 6. Moi, je le vois comme un bon centre de 3e. Dans la dernière semaine, j'ai juste entendu dire « Ah, ce gars-là, faut le repêcher parce qu'il faut le repêcher, mais il n'y a rien d'existant puis il est drabe en esti. » C'est genre un joueur défensif qui va bloquer des tirs. C'est tout ce que j'ai entendu dire de ce gars-là dans les dernières semaines. Fait que, c'est ça. Dans la dernière semaine spécifiquement. Côté offensif, je penserais pas que ça soit écœurant. D'après moi, c'est le nouveau Lars Seller, sauf finlandais. Pied de coude. Des coups de poing de coude, on disait souvent ça de JF. Mais des coups de poing de coude. C'est quoi ça? Des coups de poing de coude. C'est lui, il a sorti ça. Ah, ça m'a dit, j'ai appris peut-être une grosse. Il va lui donner des coups de poing de coude. Puis genre, j'étais parti à rire. Mais toi, tu parlais de coups dans le cul, c'est les emojis que je mets sur Messenger. Genre le poing, puis genre la pêche à côté. Dis qu'il y en a qui comparent ce joueur-là à Sébastien Howe. Ah ouais. Oh, à cause qu'il est finlandais, puis ça a l'air du talent offensif. Mais moi, je pensais pas un gars qui va. Il fait un offer sheet. Je pense pas que ça va être un gars de top 6. Hey, Lindy Ruff, est-tu capable de coacher encore? Il a tellement de l'air de faire. Ben, dans les vieux coachs qui sont encore vrai, là, c'en est un que je truste. Mais ce qui est drôle, c'est que Lindy Ruff était au New Jersey. Ils l'ont mis dehors parce qu'ils disaient qu'il était pas bon avec les jeunes. Puis à Buffalo, ils l'ont engagé parce qu'ils veulent que ça. Ils pensent qu'il est bon avec les jeunes. Ouais. Ouais, le New Jersey, c'est un club que j'ai jamais aimé. Trosse pas ça. Mais Buffalo dans non toute plus, cette valse de vieux coachs qui se promettent de club en club pour toujours, je suis content que Montréal soit sorti de ce pattern-là avec Martin Saint-Louis. Ouais. Personne n'avait deviné ça. Personne n'avait deviné. Je pense que tout le monde voulait avoir Roy dans ce temps-là. Ouais. Puis je suis content qu'on je veux encore Roy. J'aurais voulu Roy. Moi, je préfère Roy, Saint-Louis. Là. Je veux pas un show de boucan là, pour des niaiseries. Là. Hey. Mais, le Roy, man. Saint-Louis a transformé des joueurs qu'on pensait finis. Mettons Brett Kulak, là. Chris. Mais il est plus là. Tu qu'il a un retour de Brett Kulak? Tu dis qu'il connaît un retour de Brett Kulak? J'ai oublié qui, mais Edmonton. C'est Lane Hudson, c'est le choix. T'imagines-tu? T'imagines-tu ça? Ouais, mais attends, c'est pas fait, là. On s'entend, Kulak, là, il n'y a pas un gros plafond, là. Je veux dire, c'est un sixième défenseur d'une équipe. Gars, il a été à Oilers. Il a rendu des bons services. Il a rendu des bons services dans notre équipe. Lane Hudson, pour l'instant, fucking incroyable offensivement. Excitant comme ça se peut pas. Ça mais starté. Le gars, on va voir qu'est-ce que ça va donner sur une saison complète dans Ligue nationale. Il y a encore des coups à manger. À Laval, je nous souhaite que ça aille super bien et que Chris ça soit vraiment meilleur que Kulak. Écoute. Mais pour l'instant, Kulak a quand même une carrière de 10-12 saisons, dans 10 saisons au moins dans la Ligue, comme un défenseur 6 fiable. C'est quand même pas à négliger malgré tout. Ben si. Lane Hudson devient défenseur dans notre top 3 contre Brett Kulak, c'est de la magie que absolument, Matthews ouais, a faite. Ouais. Puis l'autre joueur aussi qu'on a échangé cette année-là, qu'on pensait que c'était fini, là. J'essaie de me souvenir des premières transactions. Là. C'est pas l'année de Toffoli? On a changé... Ouais, Toffoli, finalement, ça n'a pas été très excitant. On a eu Philippe Mézard, puis on a eu Emil Heinemann, qui finalement, tu sais... Ça tarde à développer ça. C'est comme si on dirait qu'on s'est planté avec. Il y avait Petrie, écoute, Mike Matheson, là, c'est. Ouais, Jeff Rantamousse. Il y a eu Edmondson. Ah, ok, mon Dieu. Tu parlais loin à cause que la mousse a sorti. Je pensais que j'étais correct. Edmondson aussi est parti. Edmondson pour un choix de troisième round qu'on va repêcher demain. On dit Lekkonen dans le chat. Lekko. Oui. Mais Lekkonen, on a eu Justin Barron. Puis Justin Barron, encore, ça stagne. C'est pas encore devenu le défenseur qu'on pensait qu'il deviendrait. Mais à un moment donné, tu peux pas claquer un coup de circuit là, sur tout. Puis c'est ça parce qu'il y a une pub des Blue Jays en même temps, ça. Puis le choix de Lekkonen, le deuxième choix qu'on a reçu en retour, on vient de l'échanger pour avoir le 21e au total. Fait que tout dépend de ce qu'on va repêcher au 21e rang. Ça pourrait être. Tout un joueur, on ne sait pas encore. Le Garn Cole Iserman est encore disponible. Trevor Connolly, on ne sait pas. Là. Le nazi. Dom le qualifie littéralement le nazi. Ah, ben c'est pour les auditeurs là, pour qu'ils comprennent ce qu'on dit rapidement. Le reconnaître tout de suite. Mais moi, ça ne me dérangerait pas, même que je pense que je serais heureux que le CH ne fasse pas les séries encore l'année prochaine. Le temps de continuer de solidifier tout ça. Puis je voudrais surtout pas, puis je pense pas que l'état-major va le faire, de mettre la tête sur le bio de Martin. Mettre la tête non, de Martin Saint-Louis pas sur le bio. J'espère non. que non. On n'est pas proche. Parce que tous les fans, tout le monde va être en crise. Ouais. Mais on est en reconstruction, puis ça prend du temps. Puis il faut pas aller trop vite, faut pas botcher la reconstruction. Puis c'est ça. Puis je pense qu'on a le bon team, le bon état-major pour le faire. Ils sont intelligents. Mais il ne faut pas précipiter les choses. Ouais. Je suis d'accord on a avec le toi, bon coach présentement. Là. J'y crois beaucoup, Martin Saint-Louis. Je suis d'accord avec toi aussi. J'ai beaucoup d'enthousiasme. Je te dirais, je ne veux pas qu'on fasse les séries non plus cette année, mais je veux qu'ils soient déçus d'avoir essayé et de travailler fort, d'avoir passé proche, mais qu'on ne l'aille pas. Puis que l'année d'après, dans deux ans, là, on les fasse. Quitte à se faire éliminer en première ronde, ce n'est pas grave, mais qu'il y ait une progression claire dans notre approche. Je ne serais pas contre qu'il fasse une première ronde et qu'il se fasse sortir rapidement cette année aussi. Mais, on va perdre des picks, mais les gars ont besoin d'expérience et de voir de la glace en série aussi à un ces jeunes-là. Là. Si Draper. C'est Chris Draper, ça? John Draper, non. Oui, la face dans la bande. Chris Draper. Ouais, il y en a beaucoup. Il reste crissement beaucoup de contrats, absolument. Fait qu'il faudrait que ce soit juste les jeunes. Qu'est-ce qu'on a là? Sans nouveauté dans l'équipe pour se rendre là. Mais oui, on a nos gros boulets. Là. Il y en a un qui dit dans le chat « Wesh, les logos sur les chandails, c'est une aberration. » Ça vous dérange-tu, vous autres, les publicités sur les... Moi, ça me dérange pas encore. Mais si y en a rien qu'un, faut qu'il y en ait un. Faut pas qu'il y en ait plus qu'un. Ouais. Faut que ça soit pas trop gros. Il y en a sur les casques aussi. Ah, là, la sélection... On vient de manquer. Un petit blond. Mais dans les choix, Jeff. Michael Brenton Nygaard. Ouais. Moi, j'avais Milliam Grantree. Moi, j'avais Slaya, fait qu'oublie ça. Fait que Michael Brenseg Nygaard. Ah, ouais, ouais. OK. Donc là, on vient de faire nos 15 premiers c'est choix. C'est quoi, c'est un Suédois, lui? Ou un Finlandais? Il est blond. Norvège, OK. Ah, oui, c'est plus Norvège, OK. Détroit a toujours été très européen, fait que ça fait peu le profil, là. Ouais, Yzerman n'a pas repêché Yzerman, ouais, tellement. Bon, ben, du monde de content. Vas-y, Nick, tombe dans la bouffe, là. La grosse job est passée, donc... bon, on continue la couverture du Canadien. Donc, on repêche 21e, nous autres, donc encore 6 autres choix. Yzerman toujours disponible. On vient de dire que Yzerman n'a pas repêché Yzerman, donc... Et là, j'avais pas vu, ils mettent les photos dans les cartes Upper Deck en haut. Je pense pas qu'on va rafficher nos choix parce qu'on avait fait jusqu'à la top 15. Puis là, ça vient de passer. Ça va peut-être être plus cette GF qui va continuer avec ses choix pour la ronde au complet. Ouais, les choix de GF, là, ou ses commentaires sur les gars qu'on sait pas c'est qui du tout. Là. On va continuer à rire du monde dans la foule pendant ce temps-là. Et manger les wings. Il y en a deux, trois à manger encore. C'est potentiellement ici que ça dérape. On vous est averti. C'est pas comme si c'était très tête depuis le début de toute façon. Là. C'est le show estival. C'est pas comme si le show régulier était très tête non plus. Fait que c'est correct. Ça. En plus, on a Papa Cassette After Dark. Ben oui! Traiter les jeunes de racistes. Pis... Il mange beaucoup. C'était quoi son astinon à lui? Je te reprends pour les podcasts qu'on peut plus manger maintenant. Lui, je l'avais mis 18e. Puis je l'avais comparé à... à qui je l'ai comparé? Écoute, c'est tellement un joueur énigmatique que je l'ai comparé à personne. Il y a Zorgi dans le chat qui dit que Jeff Mallette est plus calme quand il mange. Ouais, ouais, parce que c'est bon, je savoure tout, là. Puis t'es pas fâché, t'as pas eu à prendre de marche. Non, sérieusement, ce gars-là, ça a l'air d'être un style, mettons, comme Brady Tkachuk, un joueur fatigant pour Détroit. Fait que ça pourrait être un bon pic, mais mettons, si Morel aurait repêché ce gars-là, ça m'aurait pas excité plus que ça. Ça aurait été un autre... Nikita Sherback ou Jesse Yonen qu'ils ont confirmé aujourd'hui qu'il n'allait pas renouveler son contrat. Jesse Yonen. Puis je tiens à souligner aussi chose, une petite flèche à Yannick Bouchard de RDS qui a applaudi le geste du Canadien de ne pas avoir re-signé Jesse Yonen. Il a dit « Excellente décision! » De quoi de genre? C'est comme tabarnak, tu travailles pour RDS. Si tu fais une émission qui est tellement plate que c'est toutes les personnes âgées qui écoutent ça, puis tu commences à dénigrer un jeune joueur de 21-22 ans. C'est pas correct. Est-ce que vous m'attendez avec le micro? Oui. OK, j'ai l'impression que... Mais je pense que t'as comme coupé quand tu l'as enlevé, là, mais... On t'entend. Si c'est pas assez fort, je vais aller monter le son, là. Parce que j'ai pas de son, c'est écouteurs. Ah, ça se peut que... Ouais, ils sont peut-être lousses. T'es échappé dans la toilette tantôt, ça aide pas, là. J'ai la bière que j'ai ouverte tantôt. Chris, c'est les écouteurs commandités. OK. Là, tu vois, là, j'entends tout parce qu'il est à l'envers. Le jeune Norvégien en ce moment qu'on voit, je trouve que ça y fit très bien un chandail, un jersey de Détroit. Oui, c'est vrai parce que Détroit a toujours été fort, ces un Européens. Super beau jersey en plus. Ils ont beaucoup de joueurs blonds. Puis, le gars qui n'a pas de cheveux, c'est un gars qu'on connaît, ça. Il y avait beaucoup de gars avec pas de cheveux. Justement, Dom, tu n'avais pas une statistique sur les joueurs blonds dans la ligue que tu nous parlais dans l'auto tantôt? Oui, absolument. Soit. Donc, à peu près 7 joueurs sur 20 blonds qui viennent d'Europe, mais plus de l'Ouest, ont un moyen différentiel de plus 12 après 3 saisons. Merci, Dom. Oui. J'ai tout lu ça avant de m'en venir. Ça compte-tu les châtains ou c'est juste les blonds? Chose, blonds? Ce vraiment que tu sois blond, sinon tu tombes à moins 2. Les c'est deux, les blondes. À chaque teinte de blond qui descend, c'est les points descendent. Mais c'est ça, je regarde ici ce qui reste. Il y en a qui sont un petit peu plus grillés que l'autre. Là. C'est drôle comment Sports Center a mis Beckett Seneke en fucking... Beckett. 20e. Là. Mais il n'est pas raciste. Il était pas... C'est il est sorti 3e. Ouais, Beckett Seneke, ce qui arrive, c'est qu'il n'était pas classé haut. Je te dirais, au fight, il était dans les 20e, 21e à peu près. Puis il y a eu une deuxième moitié de saison tellement spectaculaire qu'il a monté haut dans l'estime des recruteurs. Regardez le nom dans le dos du gars. Brent Segnegaard, il prend le dos complet. C'est clair que c'était mis up, t'as le nom, ça, il va devoir prendre du coffre. On entend Pierre parler de lui. Avec les épaulettes, ça va aider un peu, en effet. Marius Holtet. Alors, les Norvégiens. IS drafted Norvégien. Ouais, là, on regarde les joueurs. Quand tu regardes tous les joueurs qui ont été repêchés, c'est y a aucune vedette. Y a personne là-dedans. Alors, c'est un Marius gros test. Marius Toilette. Hey, Oli Christian. C'est le plus haut Norvégien à avoir été drafté. Le plus connu dans la ligue, c'est Zuccarello. C'est un Norvégien, ça? Puis il n'est pas là-dedans? Il a probablement été repêché très bas. Mais Zuccarello, c'est le gros Norvégien connu dans les. C'est vrai, c'est ah, c'est Norvégien. Pas les meilleurs Norvégiens. C'est une petite fusée, c'est sûr qu'ils ont été draftés très haut, mais qui ne sont pas nécessairement bons. Alors que les Blues, ça amène au micro. Les Blues. Qui le meilleur Norvégien, c'est ben vrai. Là, je pense que Cole Eisenman va sortir. Tony Feltrin. D'après moi, là, lui, il va repêcher Cole Eisenman. Et finalement. Oh, Saint-Louis n'ont pas niaisé. Ça a été direct. Écoute, c'est qui le petit maigrichon? Il a un gros nez par rapport à la proportion de sa tête. Qui? Peter Forsberg, juste en arrière du gars en ce moment. En fait, c'est un Suédois qu'on a pogné. Ben, qui ont pogné, eux. Adam Jiříček. Adam Jiříček, le frère à David Jiříček, que tout le monde pleurait parce que les Canadiens n'ont pas repêché ce gars-là, mais ils ont préféré prendre Philippe Mézard. C'est un défenseur offensif, mais il est beaucoup plus physique que son frère. Peut-être un bon pic pour les Blues de Saint-Louis. L'avenir va le dire. ESPN le mettait 16e Saint-Louis. C'est exactement ce qui s'est passé. Belle prédiction d'ESPN. ESPN, ouais. Du monde qui mérite leur salaire. Des gens qui travaillent là-dedans. Un check. Clairement comme nous. Ben bon. Oui, on est payé pour. Nous autres. On mérite nos wings. Le meilleur défenseur disponible présentement que j'ai sous ma liste, c'est E.J. Emery, un gars du US. Et puis, on a encore Cole Eisenman, qui, écoute, il était quand même classé 6e dans ma liste. Puis Trevor Connolly, le nazi. Écoute, savez-vous que j'ai fait des recherches de savoir bon, à qui qu'on peut comparer ce joueur-là tellement qu'il est talentueux, puis on sait que Snake l'adore. Ouais. Côté talent, pas joueur pareil, mais côté talent, c'est Connor McDavid. Exact. Connor McDavid. Si Montréal repêche ce gars-là, puis ils en font un projet avec Chantal, on pourrait claquer un S. Je te dis, man, si on pogne ce joueur-là, puis qu'on réussit à y faire aimer les Noirs. Non, mais. Hey. J'imagine juste le gars arriver avec Chantal en Israël sur le mur des lamentations. Les lamentations, s'excusant de son geste, ça va être écrit. On y envoie une copie de avec Georges Larac. Il va aller faire composer avec Larac. Dans son retour de vol d'avion chez lui, tu lui fais écouter Amistad. Mais je pense que. Écoute, Trevor Connolly, là. Comment je pourrais dire ça? J'ai perdu ce que je voulais dire. C'est sur Trevor. On a tout, on a dit des affaires rigolos. Là, puis, des affaires rigolos. Trevor. On dans le chat, donc on aurait repêché un McDavid et Kovalev. Ben ouais. Ah, c'est ça, je voulais dire. Tu sais, Demidov, bon. On s'entend que c'est qu'un jour total à Montréal, joueur talentueux, il va avoir un petit peu de pression. Mais si tu repêches un nazi après lui, là, qui a la pression, Demidov ou le nazi? Ah ouais, ça fait que ça laisse Demidov tranquille pour faire son travail. Et voilà. Ah ouais. Puis après ça, si tu pognes un joueur. Quelle stratégie? Ouais, je suis un grand problème pour dévier l'autre. Si Connolly devient un petit prince, puis qu'il est super fin, puis qu'il va dans les écoles d'enfants blancs pour les aider à lire. D'enfants noirs. Ouais, excuse. Mais dans le quartier juif à Montréal. Ouais, ben ouais, ils font déménager à Outremont. À Montréal, non. À Montréal, non, ça serait par extension. Écoute, il pourrait peut-être devenir le petit... écoute, je le vois comme, mettons, habillé en blanc avec des sandales, genre se présenter dans un quartier défavorisé puis leur donner des petits déjeuners, là. Avec des loafers. C'est tout ce que ça prend. Non, mais il va se présenter à Retro MTL dans la sortie de nouveaux jeux. Il va faire signer votre copie. File, hein? Peut-être, peut-être. Ça va call, pas call of Duty ça Germany. Racisme, là, bon. Call of Duty, Call of Duty Germany, il va signer des copies. Tu vois que c'est lui qui précommande quand il sort tout de suite. Si Trevor a commandé ce jeu-là, la version Black Edition. Donnez des petites boîtes à boire, Black on dit dans le chat. Black Edition. Clock Edition. Pour être vraiment déçu, là, mais froid. Les boys, j'ai une question importante à vous demander. Là. C'est qui repêche les prochains? Le 17e, là, on ne sait plus. Il faut que la télé nous guide. Ah ouais, esti, Chris, les annonces de Chevrolet, tabarnak. Là, c'est mon produit. Ouais, comment ça, Chevrolet ne nous commandite même pas? On dit trop de la merde. Ah, c'est parce qu'on n'a pas demandé. Faudrait demander au gars du marketing web pour qu'il nous commandite. Ça, mais c'était pas GF. Connor Bedard, je sais pas combien sa carte recrue vaut sur le marché. Quelques dollars, je suis pas mal sûr. Ben, tu sais, ça vaut-tu genre, mettons, 100$, tu penses? Fait longtemps que j'ai pas regardé un Beckett, je serais curieux. Mais j'avais dit que je ferais un épisode où j'ouvrirais mes vieilles cartes et que je regarderais ça. Faudrait que je fasse ça. On parle de carte de hockey, là, mais là, ouais. Je connais quelqu'un là, qui avait la carte de Wingerski recrue, là. Puis il y a comme des compagnies qu'eux autres, ils évaluent la carte puis à cote sur 10. Ouais. Puis si la carte est cotée entre 9 et 10... Dom, il fait ça pour des jeux, des fois aussi. Là, c'est... Ben, en fait, je ne sais pas s'il le fait, là, mais il y a des trucs qui font grader des jeux. Là. Je ne sais pas si c'est la même compagnie, mais... C'est au Water qu'on parlait tantôt. Il faut que tu ailles à Toronto faire ça. Puis la carte, mettons, ça valait en 9 et 10 à cote. C'est une carte qui valait au-dessus d'un million. C'est de l'argent pareil pour une carte de Wing. On dit que c'est Washington, les prochains repères. Oh! Washington. Sim Simard qui dit 400$ en ce moment sur eBay, pas gradé. Connor McDavid recule. La Connor McDavid recule. Fait que t'imagines-tu que tu pognes une carte à 400$ qui est pas gradé, t'as fait gradé puis à double du prix. Maintenant. Imagine t'ouvres un paquet puis là tu pognes une carte de genre Jagger puis tu l'échanges contre un paquet de cartes à un gars qui pisse devant des enfants dans un magasin à la prairie. Ça, c'est notre enfance. Ouais. C'est notre enfance avec Flo. Je pense qu'il est mort, Flo, aujourd'hui. Ben non, il y a un restaurant chinois à la prairie. Non, il a fermé le restaurant chinois. C'est rendu un magasin de cartes. Chris. Mais c'est pas lui. C'est pas lui, par exemple. Ça c'est fait pas la boucle complète. C'est un autre magasin. Combien qu'elle vaudrait la carte recrue de néo-nazi? Mettons, Dom. Ça dépend dans quel quartier tu l'achètes. Oups. D'après toi, Dom. Attends un peu. C'est Washington qui va parler. Hey, ça, avez-vous vu une photo de Ovechkin récemment? Le gars est surpris. C'est qui? Coupe Longueuil à cet âge-là, c'est toujours mauvais signe. Pourquoi il ne crisse pas le nom dans le bas de l'écran? Gator, que c'était la carte de Wayne Gretzky recul, on veut voir ça. Ouais, bon point. Derek Paraskak. Paraskak. Ça en va jouer avec Ovechkin. Ça va filer Ovechkin. C'est qui ça? C'est un défenseur? Prénom Terek, je déteste pas ça. Je trouve ça cool. Terek. Et puis, Paraskak était 16e sur ma liste. C'est un joueur de centre. Responsable défensivement, capable de produire, on le compare à Nick Suzuki. Oh. Est-ce que vous auriez vu une image de Ovechkin récemment, cet été? Ah, il est gros, hein? Parler, ouais. Grosse bedaine, puis tout. Il est rendu, c'est comme le nouveau Eric Lindros. Il est rendu baqué un peu. Pas mal, ouais. C'est inquiétant parce que, tu sais, Ovechkin, là, Chris. Il a 63 ans. Il va signer peut-être un dernier contrat. Je pense qu'il reste un an. Puis après, il va signer peut-être un autre contrat d'un an pour finir sa carrière à Washington. Il va-tu les battre, les records Gretzky? Je pense qu'il est à une cinquantaine de buts de le faire. Il va rester jusqu'à temps qu'il batte. Mais excusez, je viens d'avoir un informateur, une information de dernière minute, les boys. Oui. Trevor Conley aurait été vu dans les rues de Rosemont hier soir vers les 10h le soir avec sa gang d'amis. Je ne vais de pas partir de l'humeur. Je vais juste dire, il aurait été vu avec ses amis à Montréal. Voilà. Mais selon ce que mon fils a aperçu, c'était des nationalités mixtes. Alors, mexicaine? Peut-être qu'il y a tel blanc. Peut-être que Connelly. C'est des noms, ce n'est pas Connelly. Mais il ne se serait pas tenu avec des gens pas blancs. Alors, ça ne peut pas être lui. C'est des parce qu'il y avait des personnes de couleur dans le groupe. Oh, il a dit des communautés mixtes, pas mexicains. OK, je pensais mexicains parce que des Mexicains sont dangereux un peu. Hein. Au Mexique, là. Ils sont aussi, là. Ils ont des petites gangs de rue avec des larmes dans sa joue, là. Ah, où oui? Ça? Je vais y aller. Ben, je sais pas, ici, il y a du monde qui se font tirer souvent à Montréal, non? C'est pas juste des. Par pas par des Mexicains, c'est. Par qui? Je sais pas. Ah, par des n'importe qui. Je peux pas donner de noms pour mon précisément, alibi. Précisément, les Mexicains, je n'ai pas entendu parler tant que ça. 7:30. Les chicharron. Ils sont tous en train de se faire la vaisselle des restaurants. Je peux les éclairer parce que je suis comme. Ouais, Jeff, il a le droit. C'est des cousins pour moi. C'est là que tu rajoutes Saavedra sur ton nom de famille. Ouais. Juste quand les deux A se prononcent comme un seul. Parce hey, check le père, comment il en revient pas et qu'il est content. Il est comme « Oh my God! » Il va jouer qu'au Vitch. Je pensais qu'il sortait en deuxième ronde. C'est incroyable. Il va enfin pouvoir se couper les cheveux. Ce sera les Hawks qui vont repêcher après ça. On est rendu au 18e choix maintenant. Les le Hawks. Prochain du Canadien s'en vient, 21e. Les Hawks qui ont repêché un défenseur. Là, d'après moi, là, les Hawks ils vont aller à Kaiser. Mais là, je pense que là, c'est ça y est. Ils vont prendre ce gars-là. Ouais, parce que les Hawks, on s'entend qu'ils ont des antécédents. Tu sais, les coachs vidéo sont un petit peu louches. Ils ont des antécédents avec l'histoire de problèmes d'équipe qu'ils ont eu, puis de avec Joel Quenneville et tout, c'est ça que tu me dis? Hein? Ouais, c'est ça. C'est le coach vidéo qui a joué à des jeux genre. C'est quoi le jeu? Parce qu'il y a des, comme des couleurs là, sur le plancher, puis là, il faut que tu tournes la. Au Twister? Twister, avec des jeunes joueurs. Sauf que c'était juste lui qui. C'est quoi, c'est quoi? C'est juste c'est lui. C'est quoi, c'est ça a pas d'allure. Ok, mets ta main dans le point rouge. Ah ouais. Puis là, là, après ça, il y a tellement une controverse que là, Stan Bowman, le fils à Scotty, il a dit bah, il faut fermer nos gueules parce que ça pourrait nuire à nos chances de gagner la coupe. Papa faisait ça de même dans son temps, lui aussi. T'sais, puis après c'est ça, dans c'est... le temps de Bergevin. Dans... Bergevin était là, puis ça a l'air c'est que. C'est pour ça qu'il y a l'histoire avec Bergevin qu'on avait amené à Montréal avant qu'il quitte. Et ça commençait à ruminer. Tout probablement. Puis là, à la fin, qui est aussi louche, c'est que ça a l'air que tous les joueurs dans la chambre le savaient puis qu'ils riaient du gars. Tu t'es fait pogner vers le gauche, ici. Ah ouais, j'ai entendu Patrick parler. Patrick Kane, puis on se souvient que Patrick Kane a déjà battu un chauffeur de taxi par coup de pied dans la face. Oui. Ça fait longtemps, ça, c'était à Buffalo. Ouais. C'est un gars de Buffalo, ce calice-là. Non, mais des fois. Hey, quand même, il y a eu la quatrième quand meilleure saison. Vous avez pas vu, vous voulez pas payer. C'est un mauvais service, là. Pour avoir au hockey, les boys, le oui, gars qui vient d'être repêché, le gars qui vient d'être repêché pour une saison recrue. Avoir fait 105 points, c'est la quatrième meilleure saison point de vue production offensive de l'histoire de la ligue canadienne de hockey. Donc, la ligue junior, mais toute au Canada. Toute la quête au complet. Donc, Ontario, après Patrick West et Kane, Québec. Après Crosby, puis un autre nom. Ah ouais, c'est ça. Il y avait Patrick Kane, Sam Gagné, Crosby, Sam Gagné, puis là, il y avait lui. Fait que le gars, il a quand même eu une crise de bonne saison. Fait que ça peut être un bon prospect pour Washington. Qui ont repêché Hendrix Lapierre. Et qu'on vous rappelle, a maintenant Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois. Qui va jouer sa première ligne avec Oakland. Les Magiapane. Ouais. Puis le pire, c'est que Washington, il était. Et Monon Covey. Puis ils ont été pour une reconstruction. Puis on dirait qu'ils sont en train d'étirer à la source, un peu comme les Pingouins, où l'élastique a complètement lâché cette année. Mais ils ont perdu Backstrom et ils ont perdu Kuznetsov dans la dernière année. Ils ont donné Kuznetsov. Exact, parce que trop de problèmes et tout. Backstrom, c'est remplacé par Dubois. Il est blessé, il reviendra jamais. Il est juste vieux aussi. Oui, bien sûr. Hey, Backstrom, c'était tout un joueur. C'est probablement la version moderne d'Adam Oates, tant qu'à moi. C'est vrai. Puis Adam Oates a joué des bonnes années aussi. Parce que oui, c'est un excellent joueur, Adam Oates. The pick is in. Puis j'avais complètement oublié en pensant qu'Adam Oates avait joué avec Brett Hall pour deux saisons, ou même pas une saison et demie avec Saint-Louis. Tout le monde va se finir à Saint-Louis. Tout le monde va se finir à Saint-Louis. Tout le monde se finit à Saint-Louis. Okay. Chicago vient de parler. C'est-tu Bacha? Le raciste? C'est-tu lui, Cole Iserman? Oh, peut-être. Ah, c'est Sacha! Sacha vient de sortir, man! Sacha Boisvert! Fait que là, ils peuvent pas dire Montréal! Non, mais let's go Québec! Bravo à Sacha, 18e, c'est plus haut qu'il était probablement prévu. Fait que good job, Sacha. Là, c'est plate qu'on ne l'ait pas gardé, par exemple, qu'on n'a pas eu pour sa grand-mère est là, elle va être récatée. Sacha Boisvert, je l'ai mis 26e. Bravo! C'est un joueur... Hey, notre premier Québécois, guys. As-tu vu comment est-ce qu'il y a des mains à serrer et des gens à cajoler? Alors qu'il y en, y en a de l'amour, cet enfant-là. Il y avait une personne puis s'en allait sur le stage. Ça a été élevé dans Watt, ça. Non, mais ça parle, ces affaires-là. Mais oui. Je te le dis, c'est important, ça. Le gars, il se lève. Ouais, moi, avec, j'aurais aimé qu'on le draft Blastman. Il y a toute sa famille, sa grande famille. Il y a d'autres joueurs qui disent bravo. Contrairement à que c'est juste un gars. Ouais, c'est sûr que c'est un Finlandais, ça se peut qu'il n'y ait pas de sa famille. Checker son jacket. Ouais, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Des photos dedans. Elenius qui avait ça tantôt. Les designers qui font ces chandails-là. Mon styliste, il travaille pour eux autres maintenant. Et ton styliste. J'avais un styliste. Un styliste. Pour quand tu vas voir ton gars de céramique, ça? Non, c'est quand je m'habille pour aller travailler. C'est custom. West Coast? West Coast. West Coast. C'est Exhibit qui m'avait. Il a fait des sous testés à Josh Anderson, Suzuki. Ils font plein de joueurs. Ben en tout cas, il y en avait un autre tantôt, 5-6e rang, là, qui avait ça. Là. Ça coûte 1000$ un sous de custom de même. C'est cher en tabarnak. Depuis ce temps-là, je ne fais pas affaire avec. Mais là, sacrement, j'espère. Ouais. Tu portes-tu des sauts souvent? Non, là, je porte des chemises. Jesse James habillé. À un moment donné, je me disais, Chris, je suis seul qui porte une cravate, tabarnak, pour travailler. À un moment donné, je pense que je vais arrêter ça. Ouais. La semaine qui dit qu'il est certain que le CH est déçu en ce moment. Peut-être. Ah. Ça n'est pas Star, honnêtement, moi, non. À tu mets des chandails de lutte. Tu serais malade de travailler. Ah, ça serait écœurant, surtout quand quelqu'un me fait chier. Mais, écoute, hey, man, il y a un gars qui ressemblait à un gars dans le film Bad Boys qui s'est tué, est-ce que c'est à la fin? Hey, c'est tellement drôle, là. Il montre les parents puis les joueurs qui sont tellement surpris. Check, il y en a un en arrière, il est en tabarnak. Je sais pas si c'en est un. Ça n'est pas mon gars. Oui. Elle est sortie depuis tant. Oui, c'est ça qui est. Mais si Trevor Connelly est repêché, je vous invite à peut-être analyser son entourage. On aurait peut-être un des indices. Oui, oui, oui. Si on veut une toche blanche, on se posera un peu de questions. Ils sont tous rasés, pas de cheveux. Tout le monde a des cagoules blanches. Edward Norton est à côté de lui. Si tout le monde en Doc Martin. Toche blanche, avec le bout dessus, t'es là, tabarnak. Tout le monde est croix en feu en arrière. Un cheval blanc. Ça, il y en a un cheval blanc dans l'aréna. Oh man, c'est tellement drôle tout ça. Oh my God. Mais j'espère qu'il va pas sortir genre fin deuxième, troisième, parce que là, on pourra pas le vivre, parce qu'on va pas écouter ça jusque-là. Mais en tout cas, ça serait... Le Snake et des gens pensent facilement deuxième ronde. Là. Snake le sortait deuxième, pas deuxième ronde? Non, mais lui, Snake, sa liste, c'est genre, c'est ma liste de joueurs que je prendrais. Mais ce qui va se passer dans la vraie vie, dit, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Oui, mais je comprends, mais c'est tout ce qu'il nous a donné. Fait c'est les Golden Knights qui parlent, puis les Golden Knights, apparemment, là, ça pourrait être une équipe qui pourrait aller chercher Trevor Connelly. Oui, mais dans la ville du vice, ben, n'importe imagine. Qui peut aller chercher. Ce sera la meilleure place pour ça des racistes. Ça serait hilarant. GF va le rencontrer la semaine prochaine. Oui, on va aller miser une coupe entrevue avec Connelly la semaine prochaine en primeur. Ouais. Coupe de sang avec Connelly, sur le noir. Zorgi dans, Dans un party un peu genre balle en blanc louche dans le désert. Balle en blanc. C'est juste ça qu'il peut aller, lui. Les boys, je vais aller une prédiction là. Balle en blanc. Si je joue à roulette avec lui, il faut voir qu'il mise le rouge, il misera pas sur le noir, c'est sûr. Cole Eisenman va être repêché par les Canadiens de Montréal. Non, pas long. Et tabarnak. Oh, tabarnak. OK. Mais en fait, il reste Conley et Eisenman, que ça pourrait être excitant. Moi, je prendrais Conley. Je pense que Conley s'en va à Vegas. Écoute, peut-être. Ça mais en passant, les amis, juste peut-être pour ceux qui ne le savent pas, peut-être vous le savez, mais Conley s'est officiellement mis sur la liste des non repêchés ou ne veut pas être repêché. Ouais, comme Mayu avait fait. Juste pour vous dire. Je sais que c'est plus symbolique qu'autre chose, mais c'est quand même mis cette liste-là. Là, je vais juste dire. Hey, Chris Malkin. Ça, c'est Malkin à 22 ans. Malkin, il a toujours été lettre. On dirait qu'il sort du passé. Dans cette photo-là. Ça a été plus difficile pour lui cette année, je pense, Mark. Mais ouais. Ça fait deux ans que c'est plus tough. Hey, il était parlement à Montréal. Il y a un petit gars avec le chandail du Canadien derrière. Je vais juste dire ça. Son anglais, c'est bon? Je suis surpris que Chassa Boisvert a décidé de parler à Sportsnet avant TVA Sport. Hey, est-ce que Claude Julien en arrière? Ça se peut. Non, il y a même sourire. C'est vrai, il est revenu. C'était en coach, le bon Claude. Attendez, juste que... OK, il parle complètement anglais. Hey, je tiens à souligner que les casquettes de Fanatics sont ordinaires. C'est peut-être Sacha Boisvert. Boisvert. Wood Green. Wow, alors c'est les, ça, la ville les est Golden Kinnegan. La ville du vice. Hey, c'est Vegas. C'est vrai, Snake, après ça prend ça, des billets c'est de après saison. Après ça, ouais, c'est ouais. Nous autres. Hey, Cole Eisenman, ici. Puis là, on va passer à côté, on va pogner un autre Chris pas, de moi, gars, genre Eisenman, des tourneaux. Regardez, il boude Eisenman. Je le boude. Il est pas assez un nom allemand. Snake l'a trop calé. Il est pas assez raciste. Moi, je crois Snake. Qui a trop calé? Snake. Il a calé qui? Eisenman. Ah, pour vrai? Comme ben du monde, sinon il serait sorti depuis longtemps. Ben, qu'est-ce qu'il aimait pas de lui? Ben, qu'il attend juste à ligne bleue de savoir la rondelle pour aller faire des buts. Puis il n'y a aucun. Est-ce que ça se corrige, ça? J'imagine c'est que un oui. Problème d'attitude, je pense. Ben, si Snake a vu ça. Joueur. Tu sais, dans NHL, ça fonctionnera pas, ça, là. Hey, George McPhee, il a l'air tellement d'un monsieur pas gentil. Là. Le deuxième? Mais il a de l'air d'un... Il a comme une caricature. Un méchant de BD, ouais. Non, il est comme une caricature. C'est comme le méchant dans Dick Tracy. On dirait qu'il est exactement ça. Trop liché. Al Pacino. Il a été dessiné par Jim Big Lee. Boy. Ouah. C'est ça, non? Ben, Pagino dans Dick Tracy, il fait Big plus. Boy. Ah, c'est là qu'il a commencé à faire ouah. Puis ah, pour parler. Vrai? Ah, ouais, après ça, il a commencé okay, à donner. Hey, on écoute, on écoute. Qu'est-ce qu'il va dire? Tri-Cities. Ah, oh! Le raciste! Tu sais, qu'est-ce que c'est? Écoutez. Le gars pas de cheveux est en arrière. Il y a un black en arrière. C'est voulu. C'est pour son image. C'est son agent. C'est son agent. Ils ont dit « proud to select ». Moi, j'aurais juste dit « we are selecting ». ».« We have no choice to select ». OK, il y a sa blonde. « We have the white pride to select ». Il y a sa blonde, frère et sœur. Puis donne la main à un noir pour la forme. Ça ah oui, il y a des noirs pour ça. Non, mais je vous le jure. Il a payé. Il y en a deux. Non. OK, il y a de l'air d'avoir beaucoup de monde qui salue. Il y a un chinois. Ah, mais il fait des gang-sang en même temps. Je sais pas. Ah, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde et pour, des noirs. Pour vrai, les boys en ont Conley. Sérieux, je pense que j'aurais aimé ça de l'avoir à Montréal échappé, de plus man. En plus. Là, depuis tantôt, on en parle pour guys, mais je pense que j'aurais aimé ça de l'avoir à Montréal. Ben oui, man. Voyons, on va finir avec Iceman. Stink Boisvert va peut-être avoir eu tort de dire que c'était pas un bon choix. On va voir. Ce gars-là, c'est un la marqueur. La vie, on dira. Ben, des gens déçus dans le chat qu'on n'avait pas eu. Je pense qu'il a battu le record de il va se faire du Purel. Il est probablement déjà au vin. Il s'est lavé les mains avec des wipes. Ouais, garde-toi, Jeff. Il en reste. Il en reste une ou deux. Moi, j'arrête un peu, mais je vais en manger tantôt plein. Ah, oh, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il mange. N'oublie pas de prendre ta Land Shark. C'est un marathon, tout ça, les amis. Là. C'est comme le WEG. Ouais. Tantôt, mais man, ça, pour vrai, je suis déçu. Là. Ah, on aurait tellement torché avec Conley à Montréal. Là. On était à une position, tu sais. Deux. Deux. Deux, ah, excuse, ouais, deux. Ah ouais. Deux. C'est loin, loin, là. C'est un océan. Oui, rendu là, pour ce gars-là, man, pour ce power-là. Alors, on est y rendu... Y a-tu une phase de... Un petit peu. Y a-tu quelqu'un qui a eu... Le... Il aime les peanuts. Il regarde de haut, je trouve. Il a un petit menton. Il y avait, je pense qu'il y avait un début de moustache dans le milieu aussi, un petit peu, là, une petite... Hey, je peux juste dire, moustache, ouais. À date, là, il y a seulement eu un trade, puis c'est Buffalo et Philly puis Minnesota. Il n'y a pas eu de trade à date. Mais il n'y en a pas si souvent que ça, des trades. Mais tu sais, l'année que c'était à Montréal, il y en a pour eu pour Alex Tanguay. Il y a eu pas mal de trades. Quand Montréal avait traité pour Tanguay. Quand le repêchage était à Montréal. Oui. Ça n'a aucun crise de sens, cette sphère-là, pour vrai, là. Écoute, on a hâte d'avoir des photos. Ouais, ouais. Il est direct en face de mon hôtel, d'ailleurs. Fait que ça se peut que je dorme pas. J'ai juste la lumière dans les yeux pendant que je couchais. Le gros œil qui me regarde. Mais ça, ça serait toi, ça. Ah, le gros œil qui regarde? Ouais. Ouais. C'est ça. Je suis un peu de c'est même. C'est comme toi, ça. Ouais, mais ça va être mon œil qui va être comme projeté dans la sphère. Je te verrais, mettons, GF, là. Tu serais un personnage qui fitterait parfait dans la série Reboot. Ouais, c'est réanimé, là, ouais. Ouais. T'es comme le Mother Brain, mettons. Là. Si, je sais que Mother Brain n'était pas là-dedans. Mais c'était comme un peu le Mother Brain de la... Comment qu'il l'appelait là-bas? C'est Mainframe, je pense. Je sais pas si je pourrais aller avec une image, genre un logo de la soirée du podcast, puis le faire projeter sa sphère là, pour quelques dollars. Ça serait-tu malin? Juste pour prendre une photo. Là. Juste faire la pub du dernier épisode. C'est ça qui est meilleur. Les Wings? Ah, ben, je les ai faites pour les gens qui s'intéressent dans le chat, donc pour la personne. Indirect, puis à la fin, je les ai mis direct par-dessus les flammes, juste pour le faire croustiller un peu. C'est ça le noir, GF, c'est tout le brûlé. Si avancer pour rien, j'ai l'impression qu'ils ont quand même fait pas mal leur devoir. Si on décide d'avancer de 26 à 21, ou de. Ouais. Ils ont probablement fait leur devoir assez pour savoir que Conley serait parti avant, sinon ils l'auraient pas fait le move. Sauf s'ils sont fait jouer par, mettons, Vegas. Mais j'ai l'impression que McPhee, c'est pas un GM qui est tant wise que ça. Il est comme pas tant réputé dans la ligue pour sortir les lapins de son chapeau tant que ça. C'est nul. Fait que peut-être que leur plan, c'est Iserman, disons, hein? Depuis le début, puis qu'on va l'avoir. On sait pas. Parce que c'est sûr que si on décide d'avancer au 21e, ils ont probablement essayé de savoir 20e qui vont repêcher avant de faire ce move-là. Sinon, ça donne rien. Je dis ça de même, là, puis probablement bien avant, mais en tout cas, on se comprend. On va voir, mais écoute, ça se peut. Si on s'est fait fourrer, ça serait triste. En même temps, on perd juste un troisième round, je pense. On perd des choix. C'est-tu troisième et cinquième round qu'on a fait le trade, ouais, hier? Pour monter? Je pense que c'est ça. Ouais, en tout cas, on verra bien. Alors, on est revenu maintenant. C'est les Islanders qui vont faire le choix. Qui parle, on a perdu le choix de deuxième ronde. Attendez, mais... je vais voir s'il va parler de ses affaires. Il ne parlera pas de ça. Ah, ils ont dit, ça se décrit comme un joueur, pas comme un raciste. Bon. 1v1. Il y a beaucoup de noirs à Vegas quand même. Ouais, il y a des quartiers pas très safe, c'est pour ça. 3 et 7. 2 et 7? OK, ouais, 2 et 7. OK, ouais. On verra bien. En même temps, peut-être que notre choix de deuxième round aurait été pratique, mais... Ben, dans le sens que tu repêches... Écoute, on verra bien. Joueur... mettons ton choix de deuxième round, tu le repêches en première round. Puis Montréal ont trois choix de troisième round. Un choix de quatrième round, puis il y a encore deux choix de cinquième round. Ah, oh, OK. Puis le choix, le 198e qu'on donnait, c'est un choix de sixième ronde, je pense. Oh, le Lou. Qu'ils ont donné. Non, je suis correct, merci. Moi, je suis correct. C'est Lou qui est au micro. Encore vivant. Lou Lamoriello pourrait être président Patrick des États-Unis. Qui? Ah, c'est vrai, ils n'ont pas amené Patrick. C'est vrai, ouais, il n'est pas là. C'est qui le grand gars avec la chemise décolletée? Rick DiPietro, sûrement. Rick DiPietro. Il est venu pour son chèque. Au prix qu'il paye. C'est ça, il est venu pour sa paye. On va le voir. Il y a le capitaine. Ah, c'est Anders Lee. Qui? Qui? C'est Iserman? Ça n'a pas de call Iserman. Ouais, au moins, tu vas l'avoir, mais. Call Iserman. Tabarnak! Monseigneur Neveu dans le chat dit Michael Hayes pourrait être un choix intéressant pour le CH, joueur de centre complet avec un bon talent en France. Puis le pire, c'est qu'il était selon le souvent. Donc, un bon centre pour le troisième trio. Je sais pas comment dire. Age. Mais Hayes. Fait que le prochain, c'est pas Canadien. Je pense pas c'est Hayes, je pense c'est Age. Comme Page, ben Age. Ben, en tout cas, dans ce que j'écoutais, il disait Hayes. Ah ouais, OK. Et puis, il reste encore... Cole Hudson. Nate, c'est lequel, celui qui reste? C'est Cole. Cole. Écoute, on il y a AJ Henry qui est à côté haut. Michael Hag, que ça a l'air que l'organisation du Canadien l'aime beaucoup. Puis sinon, il parlait de Dean Letourneau. Il y a Power Jeff qui dit « Manette va prendre une marche en respirant fort en arrière. » Non, ça ne me dérange pas parce qu'on a eu des mid-up. Ah, ils ont tous le même kit de genre pantalon gris, chemise blanche puis petite cravate rose. C'était en spécial. Ici, il y avait un deal d'équipe. En fait, ils ont fait affaire au le avec styliste. Le styliste de mallette. Comment qu'il a dit ça tantôt? Je sais plus. Qu'est-ce que t'as dit tantôt, styliche? C'est stylique? Qu'est-ce que t'as dit tantôt? De? Ton styliste? Styliste. OK. Là, ici, selon ESPN, il reste encore Ryder Ritchie. Liam Grantree, qui sont deux attaquants. Adam Jiříček s'est sorti. Hein, Michael Hag va être le prochain joueur du Canadien. C'est ce que tu crois. Fait que Monseigneur Neveu et Mallette confirment oui. La même et chose. Snake. Et Snake. Et Snash. Snake. Snash. Pourquoi Snash? Ah, Neveu qui dit que Ken Hughes est au téléphone. Oh, il est... Oh. D'après moi, il se commande son poulet. Il est au téléphone? Il a des gros téléphones. Il va échanger son joueur d'étonnement pour tomber 27e. Il y a des téléphones à roulette, bizarrement. Là, pour... Je au rendu là, il voulait Iserman, puis là, il se dit, bon, il est sorti, je m'en calisse. Qui veut mon choix? Je vais prendre plein d'autres choix à la place. Ça peut être possible, ça. Ça serait, ça peut être possible. On demande s'il reste un bon pick. Il reste bien des bons joueurs, je pense encore, qui pourraient sortir. Là. Il va nous faire un Bergevin. Quoi, il va juste sortir ses pipes. Et trader contre la merde. Mais non, on tradera pas le choix parce qu'on l'a tradé au début de la journée. Fait que je pense, ou hier. Fait qu'on ne fera pas le trade. Je pense pas que le Canadien va comme accepter de faire « Ah, si on vient de se faire fourrer. » Fait qu'on va ouais, retrader. C'est pas parce que, mettons, c'était ça le plan et qu'ils n'ont pas eu ça. Ils vont pas juste débarrasser du choix. Ils vont prendre un autre. Là. T'es encore bien placé. Là. Hey, est-ce qu'il y a une belle barbe pareil, hein, Martin? Ouais. Ces gars-là sont nerveux. Ils boivent de l'eau, comment dire. M'en vas-tu à Montréal payer trop d'impôts? Putain, Guy Lafleur, Larry Robinson. On va remettre ça à l'écran. En fait, il y en a déjà en ce moment. En fait, il y a des rumeurs comme quoi que Dimidov il est en train de checker les spots pour acheter du jeu rétro à Montréal. Ça se peut, hein? Ces enfants-là, ben, ils savent même pas ce que c'est, un Super Nintendo. Non, mais ils checkent le GameCube. Ben, ils checkent le GameCube. Quand il avait 4 ans, il jouait à GameCube. Là. Ils ont vu dans le post qu'on a fait du kiosque GameCube qu'on vient de plugger. Là. Il a commandé de savoir si vous aviez un Stanley Cup au Super NES. On a beaucoup d'NHL 2009 sur GameCube. Stanley Cup, ça n'a pas passé souvent, ça. C'était tellement mauvais comme jeu. Mauvais, on en a beaucoup, ils partent lentement. Tu peux toujours faire un but quand tu lobes la... Imagine que Batman arrive en avant. On a un trade. Le Canadien échange le 21e rang contre de la marde. Contre Stanley Cup au Super NES qu'on pleure en bas. T'as Dom qui arrive avec des gants blancs pour le donner aux Canadiens. Voici votre choix. Dans un protecteur de plastique, d'acrylique. Des gants blancs, comme Phil Pritchard avec la coupe. Là. Mais pour vrai, ouais, peut-être PS3, on a plus, étrangement, de NHL 2008 ou 2009. Celui avec le cavalier sur le dessus. Ouais, on a plus de ça au GameCube. Peu intéressant. Que de NHL Stanley Cup ou tout autre jeu de sport. On en a beaucoup. Là. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas, Dom, que tu as un magasin de jeux rétro à Montréal. On est dans le hockey ici, fait que ça se peut. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ils ne savent même pas que je suis en podcast avec toi aussi. Ils se plug assez partout, là, ça va faire. Là, à un moment donné, là. Tout le temps, partout, tout le temps. Sans arrêt. Fait que oui, rétro MTL, si vous voulez des beaux jeux vidéo, allez voir ça. La place à aller à Montréal. Le plus beau magasin qu'il y a au monde. Exact. Avec un studio en haut. En tout cas, au moins, ça rush le gars Montréal. Au moins. Ouais, au moins. En tout cas, à date, ça a l'air que Montréal m'ont repêché. Oui. C'est sûr qu'ils n'ont pas échangé leur choix, ouais, mais... On dit que Demidov joue à Aladdin au Super NES. Hey, mais... Tout le monde joue à Aladdin. On vient s'en faire crosser, c'est pas un bon pick, parce que Aladdin, c'était au Genesis, t'as joué, fuck, on est dans la marge. Ça joue à D2. Je sais pas lequel, moi... Non, Genesis est supérieur de loin. Moi, c'est Super NES. Rien que parce qu'il y a une épée, c'est du tapis. Come on. Guy Mongrain demande si Demidov est le premier Ivan depuis Cournoyer. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Il y a tout le temps les bonnes questions. Il y a des bonnes questions. On devrait l'inviter au podcast. Oui. Guy Mongrain. Il fit. Ou chez Papa Cassette. Juste on soit Guy Mongrain. N'importe où qui veut venir. Si Guy veut venir. Il pourrait parler des Italiens qui ont acheté le building. Les boys, le plus de buts dans un all-time USA, Collizer, NT, je sais pas ce que c'est. Cole Iserman, il a battu Caulfield, il a battu Phil Kessel. Il a battu Coco Phil. Sir Morel repêche chez Gars Sourin, c'est le meilleur ami à Demidov. Sourin? Ah ouais? Alors, le Canadien. Sourin, toi là. Le Canadien sur le stage pour aller faire son choix. Canadien est là. Michael Hage. C'est un bon choix. Snake avait donc raison. Alors, pendant qu'on regarde l'entourage, bon, il prend beaucoup de temps que sa mère. C'est quoi ça, ce joueur-là? C'est un centre. C'est un Américain. C'est un centre, c'est ça qu'on dit. Ah, tu dis, tu as sa position, tu voulais savoir d'où ce qu'il venait? Non, sa position. Donc, ça va être notre troisième centre. C'est un Canadien, Pour ceux qui se demandent quel style de joueur que c'est Andrian Kempe, dans le style de joueur. Là, joueur énergique, qui peut jouer. Bon, à propos, c'est un assez bon joueur. Oui, Blastman, Monsieur Lever. Avec les Kings de Los Angeles. Monsieur Lever a tout le temps raison, Monseigneur Lever. Oui, Monseigneur Lever a toujours raison. In Never We Trust. On devrait avoir des chandails. Mais je trouve qu'il va pas vite sur les câlins. D'après moi, il sera pas vite sur la glace. C'est trop long. Monseigneur Neveu, est-ce que tu as un logo quelconque que tu utilises ou un tag name, genre, c'est en quelque part, ces plateformes de jeu, on pourrait se faire des t-shirts de toi pour vrai. Genre biblique, là, avec lui dessus marqué Monseigneur Neveu, avec des chips un peu partout. Ah oui, avec des triangles. Puis on prend la dorite comme un hostie à l'église. Hey, on fait faire un sac de chips custom de Doritos, mais c'est des triangles en métal. Puis on met Monseigneur Neveu dessus, là, quelque chose. Ça serait malade. Mais un sac d'hostie, mais c'est des Doritos. Là. Exact. Sac d'hostie. Mais c'est des triangles en métal. Et des Doritos. On peut tout mélanger ça. Là. Tout ça se fait. Ah oui. Il y avait des photos dans son jacket. Mais Monseigneur Neveu, pour vrai, à un moment donné, là, t'anticipes-tu un voyage à Montréal, faire un petit trip à Montréal à un moment donné? Il est venu il n'y a pas si longtemps. Oui, OK, t'es déjà venu? OK. Notre nouveau joueur a la même coupe de cheveux que Passe-Montagne. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Passe-Montagne. C'est le Passe-Montagne du CH. Mais il a l'air quand même grand, là. J'espère qu'il va avoir des marionnettes de lui. Moi, je l'aime bien. Un bobblehead. Il a un gros nez. Mais c'est pas grave. Pas cette année, malheureusement. Il va flairer les bons jeux. Un jour, peut-être. Bon, il va prendre une marche. Bye, à part Jeff. Yes, bye. Parce qu'on a pas eu Connolly. À la prochaine, bon été. Qui croit une marche? Power Jeff est déçu qu'on n'a pas eu Connelly. Power Jeff est toujours là d'habitude. Ça, il était à une controverse de. Power Jeff, c'est notre Patreon qui donne 50$ qu'on peut s'acheter des écouteurs. Ça. Fait qu'il faut le respecter. Prendre bonne marche. Hey, la mère de Hage est vraiment contente. Les Canadiens. Je pensais que t'allais dire tellement. Je pensais que t'allais ailleurs complètement. Ben, joli. Il y a moi, never... vieillissant, j'apprécie les vieilles femmes. Quand je dis vieille, c'est les femmes de mon âge. Ah, oh, les femmes d'expérience. Ah, oh, oui, absolument. Absolument. T'es comme Francis Martin? Francis Martin. C'est ça? Ouais, ouais. T'es comme une femme d'expérience? Francis Martin, le chanteur. Il y a Never, c'est pas ça? Chanteur. Monsieur Never qui dit que la prochaine fois qu'il monte à Montréal, il va faire signe sur Discord. Donc, ben oui. On rappelle d'aller sur le Discord, le Hub. Oui. Puis, oui, HUB, oui. Allez là. HUB. On ira prendre une bière. Regarde sa mère. On ira prendre une bière solide. Bonne soirée à toi aussi. Ça, c'est beau. Je sais pas c'est qui le gars en avant. C'est l'agent, genre, là. Là, là, OK. Tu vas faire un tailleur. Ça va se passer. Charmant de femme. Là, tu reçois un appel. T'es comme Francis Martin. C'est qui, Calis, Francis Martin? C'est lui. Il avait changé de nom, pas lui. Ça, moi, des affaires de. Je sais de qui tu parles. Même, là. C'est ça, c'était pas son nom. Il avait changé de nom, me semble, lui. Oui, Francis Martin a changé de nom. C'est lui qui chantait une femme d'expérience, oui. Oui, exact. OK. C'est la fête du Canada. C'est pas la fête du Québec, là. Sont-nous. Du I Mother Earth, quelque chose. I Mother Earth. Je vais la mettre live, je m'en sac. Là. Ça, c'est une annonce. OK, parce que j'aimais ça, mais c'est pas ça. Ben oui. 1992. On pourrait s'en poursuivre. Ah là, ça va... Attends, on va-tu se faire couper à cause de ça? Je pensais pas à cette zone-là. Vox Pop. Ah, c'était Vox Pop. On pourrait faire du I Mother Earth, t'as raison, par contre. Ah, pour ceux qui ne savent pas, le père de Haig, il est mort noyé dans la piscine l'année passée. Ah. Le Snake en avait parlé sur son programme. C'est-tu moins louche? Une femme d'expérience? C'est-tu moins louche que le gars que son père est mort dans une rivière puis ils ont trouvé juste un soulier? Ouais, c'est ça. C'est pas Mishkov, ça? C'est Mishkov, ça. Il prenait une marche. Il prenait une marche, il est mort. Il est tombé en bas. On a juste retrouvé un soulier. Puis c'est ça, malgré le fait que son père est mort. Il est ému, le gars. Ben oui, il est ému, man. Check ça. Ouais, c'est parce que avec Michel Therrien. C'est ça, c'est lui, le monsieur qui est décédé. Le gars qu'on voit avec les cheveux, c'est son père qui est mort. Ah, dans sérieux, tantôt? Ouais, ça, c'est son jeune frère qui n'a jamais percé. Bah, tu vois, les yeux tout tremblent parce que son père est mort. Tu sais, je t'ai apprécié que c'était pas une piscine hors terre pour ceux qui se posaient la question. Mais, tu sais, pour un gars là, qui perd son père dans une année importante dans sa carrière, c'est quatre choses. Non, moi, c'est vrai. Moi, je lève mon chapeau, man. Oui, oui. Pour vrai, sans joke, oui. Ce jeune-là a vécu une tragédie l'année passée. Au moins, il était creusé. Je sais c'est quoi. Je confirme, c'est tough. Ouais, James, Francis Martin s'est rendu James quelque chose. Ouais, c'est ça, il a changé de nom. Ouais, puis juste, bon point, Blastman, la pointe confirme que c'était le choix du CH. Fait c'est que, qu'on visait. Hage, c'était leur point. Fait que merci pour ça. Je pense qu'ils ont peut-être été émus dans l'entrevue, genre... peut-être qu'ils ont posé des questions, genre, à part, les Canadiens son posent père, beaucoup de attends, questions. Oh, Chris, réellement facile, son père était de Montréal. Il était un fan de CH. Ah oui? C'est ça qu'il vient de dire. Hey, merci, super cool, les gars. Les grands-parents de Hage sont encore à Montréal. Chris, OK, c'est je me demande quelle sorte merci d'animal. Merci le monde dans le chat, les infos complémentaires. Vous êtes tellement meilleurs que nous, là. On dit on mange des wings pour dire la marde. Les Canadiens demandent aux gens, aux joueurs, en entrevue, genre, si tu serais un animal, lequel serais-tu? Ouais. Mais je sais pas quel animal qui aurait dit Hage. J'aimerais ça juste aller à, la chronique capillaire de Dom. Tantôt, on a parlé des blonds, mais tu avais quelque chose à propos des frisés. T'avais pas quelque chose à propos des frisés, justement? Je pense que tous les joueurs de la nationale qui ont son frisé, j'ai Isaïe. Le premier, c'est Scott Hartnell. On dit qu'il parle français aussi. Michael Hague? Ouais, c'est des infos qui nous viendraient de TVA Sport, mais on change pas de poste, nous autres. Ça ne tente pas. Vous remercierez. Ouais, ça me tente pas de remercier TVA Sport, mais quand même. Il est OK, oh, ouais, OK, avec Renault, cool. Puis, il parle-tu bien français quand même? Est-ce que Renault a donné une tête de la glace? Il est en train de pleurer. Bon. Oui, avec un accent, mais c'est bien correct. En même temps, il est capable de parler français, fait que c'est bien. Kent Hughes aussi. On peut comprendre. Fait que good, c'est quand même une belle nouvelle. Là. Why not? Ouais, c'est ça, ça confirme. Tout le monde nous parle français. Puis en même temps, c'est pas tant important s'il joue bien au hockey, mais c'est fun de savoir qu'il parle français. C'est Barry Trotz. Barry Trotz. C'est qui en arrière, la tête rasée, est-ce que? Le grand, là, Chris Pronger? Non. Shea Weber. C'est qui ça? Je pense que Batman commence à faire un petit peu de parking. Qu'il s'endort. Quand il était à la finale de la coupe et qu'il a donné la coupe et qu'il parlait, il shakait, là, ça, c'était fou. Là. Je pense que c'est parce qu'il savait que McDavid n'allait pas sortir. Pour le trophée. On va voir c'est quoi son nom à lui. Là. Eh ouais. Jeff Kilty, je sais pas. C'est pas un ancien joueur de hockey, moi te dire. Hey, écoutez, les boys, ça se peut hein, que Batman fasse du Parkinson. Mon père en fait, puis je commence à voir les shakes des fois qu'il fait, puis ça ressemble à ça. Hein. On lui souhaite. Ça ressemble à ça. Égard Surin. L'ami de Demi Dove est sorti à nage. Le frère, le fils de Bruni. Trevor Bruno est en désaccord avec cette affirmation. C'était une joke de la petite vie, je pense. Bruno Suri. C'est là que ça ouais, c'est vrai que c'est normal la pleine main. C'est de moins en moins sérieux, tout ça. Là. Ouais, mais là, notre job, c'est de se rendre jusqu'au premier choix du Canadien. Après ça, on n'est plus responsable de ce qu'on dit. Comme à chaque épisode de Soirée du podcast. Puis à date, il n'y a pas trop de rumeurs. On fait ça pour aujourd'hui avec le monde qui sont là, qui nous jasent, puis ceux qui écoutent après. Je sais pas. Ben, ah ouais, il fait. C'est connu, ok. Ah, bon, ok. Blastman dans le chat nous dit que Batman fait du Parkinson depuis longtemps. Blastman, je t'en demande peut-être un peu trop. Mais ce qu'il y a, tu dis depuis longtemps, ça fait combien d'années à peu près? Fait du Parkinson? Est-ce que ouais, c'est confirmé à peu près depuis combien d'années ou c'est pas clair? Juste, je m'informe personnellement. Là, je viens de mentionner que mon papa fait ça, fait que je suis juste curieux. Là, il y a un gros silence, aucune même malaise hein? Après. Là, c'est ça. On peut peut-être reparler du raciste puis du nazi. Là, non, mais moi, je veux savoir, la fille qui porte le gros casque sur la tête avec la plume, là, ça donne mal au cou. Ah, mais je les ai vus, je me posais la question parce qu'ils sont en talons hauts aussi, puis tout, il faut qu'ils restent debout. Je sais pas, mais d'après moi, ils retournent en arrière. Ok, cool, merci. Fait qu'entre les pics, d'après moi, ils enlèvent le casque, ils se rassoient. Il est fucking bien médicamenté. Après ça, ils remettent le casque, ils ressortent. Sinon, ça serait une torture. Tu penses qu'ils ont des assurances pour de la massothérapie, eux autres? Ah, d'après moi, ils sont jeunes, ils n'ont pas de besoin. Les showgirls à Vegas, tu prends une photo et ils te chargent 20$ chaque pour la photo que tu as prise. Mmh. Ça va te coûter 500$ ouais, la semaine prochaine. Je vais aller mettre tout sur le noir, moi, parce que je ne suis pas raciste. Fait que c'est pas Igor, c'est Egor. Ça, c'est-tu comme l'équivalent au Québec du monde qui appelle leurs enfants, tu sais, je sais pas, moi, Annick avec un K, tu comprends? Dominique UE. J'ai su aujourd'hui que quelqu'un. Non, ça c'est classique quand même. Mais Dominique avec un corps, justement. J'ai su aujourd'hui qu'il y avait un enfant d'un an qui s'appelait Laurier. Où ça? Ben, Laurier, c'est pas ça. C'est un nom âgé, ça, non? Ben, je pense que oui, là, Laurier, ouais. Parlant avoir un fils, je l'appellerais Hector, je pense. Ah oui? Je trouve ça hot. C'était un choix, ça, de mon premier enfant. Hector. Hector, c'est un nom. Mais ma blonde, elle aimait pas Brandon Shanahan, les amis. Hector, là, c'est le même gars qui joue dans Fast and Furious, là, qui a toujours le nom Hector dans tous les films, qui fait un gangster latino. C'est drôle, le seul lien que j'ai. Peut-être Hector. Hector, ouais, Salamanca. Je comprends, mais moi, je pense référence à Hector, Eric Bana dans 3, mettons. Son nom, c'était Hector. Ah! Avec un H, je pense. H-E-C-T-O-R. Ouais, celui qui meurt. Seulement, il me semble. Sinon, Starship Hector au NES aussi, pour ceux qui s'intéressent, qui est un shmup calqué sur Star Soldier. 28,95. Je vais regarder. On allume le pocket et on joue. Quel joueur que l'Élise pourrait repêcher qui pourrait nous permettre de rire un peu? On s'en calait, ça va être une vidange. J'aimerais ça. Ça va être un très bon joueur qui va rien faire Attends, en série. Je vais essayer de regarder voir dans ma liste. Modeler pour les. Pour le nom le plus laid qui reste. Là. Donc, Starship Hector est rendu 20$ cartouche seulement et 90$ pour le jeu complet en boîte. Sauter sur cette aubaine. C'est publié par Hudson Soft, mais je suis pas mal certain que c'est développé genre par... Toronto on the clock. Hey, j'aimerais ça que le choix des Maple Leafs, ça soit genre Austin Marner. Tu sais, là, un mix. Là. Moi, je prédis que ça va être un gars qu'on va voir quand il était jeune, il avait des draps de Toronto quand il dormait, là. Genre, j'avais des couvertures, des Maple Leafs. Ah oui, ils sortent tout le temps des affaires de même. Tout le temps ça, puis ils sont jamais bons. Oh, y'a-tu un trade? On va regarder, on va mettre ça à l'écran. C'est Brad Chevalier. Ou ben non, il fait juste donner son choix. Il fait des gros jeunes dans le milieu. Il donne son choix. Mon Dieu. C'est qui ressemble à Gollum à côté? Faut-tu lui donner un bas, puis il devient fin. Restaurant à Québec? Chez Hector. Le monde va là pour manger un pain hot dog avec de la viande dedans. Il y a des crises de grosses lunettes de soleil, en tout cas, dans sa poche de veston. Je vais voir ce qui se passe. Il y a tellement d'infos random qui sortent sur le chat, c'est incroyable. Hey, sérieusement, vous amenez tellement. Les lunettes de Sean Paul. C'est tellement le fun de vous lire pendant qu'on fait ça. Là. Ouais, c'est le fun dans le chat, sérieux. Puis le monde sont là depuis le début, puis ils participent. Donc bravo, chapeau. Ouais, yes. C'était ça aussi pendant vers la fin de la saison avec la LSDP. Fait que c'est très mais cool. Oui, on a du fun. On le fait pour nous, mais on aime ça quand le monde sont là aussi pour jaser live. C'est, ça, on vous inclut dans puis tout ça. Puis vous amenez des crises de bonnes informations en plus. Puis pas tout le temps. Des compléments. Mais... Non, non, mais en général, les compléments. On dit la merde, vous nous ramenez à l'ordre quasiment. Non, là. Ou vous dites de la merde, on rit. Fait que c'est. C'est ça. C'est pas mal ça le podcast. Hein. Il y a un fan de Toronto qui pense que Iron est disponible. Fait que. Hey, ça serait tellement merci, hot Rayana qui call. Qui est repêché. Nous sommes fiers de repêcher Ivan Demidov. Toronto. Trade alert! On échange notre choix de je sais pas quelle ronde, 23e. Tu as dit trade alert comme Kargurus avec dans le champ. Kargurus. Ah, Anaheim, on va avoir le 23e. Contre 31. Est-ce que tu trade poche encore? C'est-à-dire qu'Anaheim ont quelque chose en vue, là. Qui est disponible, qu'ils peuvent avoir, là. Puis si Anaheim a un contre le 31. Bonne soirée, Anaheim Fossil, toi aussi. Le pire, c'est qu'Anaheim, ils ont toujours un œil sur des bons joueurs quand ils veulent repêcher. Fait que si Anaheim veut un joueur, échange-les pas, Chris. Prends-les, tabarnak. Ouais, mais, ça, mais 23 ou jusqu'à 31, ça se peut qu'ils sortent après, là. Là, ils ont tradé parce que celui qu'ils veulent, il est disponible encore, d'après moi. Là. Ben, c'est sûr, mais pourquoi Toronto l'aurait pas pris à la place? Parce que c'était peut-être pas des plans de Toronto. Ouais, mais. Ils sont peut-être corrects, Toronto? Toronto, ils peut-être Toronto, ils disent rien que la merde de Nîmes. Ils n'ont pas de plans. M'a jeté plus de d'or. comme le Snake dit. Il mise au d'or. Hey, j'essaie de me saouler depuis tantôt avec toutes ces bières-là, puis je me rends compte que c'est absolument impossible. Prends. C'est comme de l'eau. Je t'amène deux Michelob de la shot. Voilà tout de suite. C'est combien de pourcents cette bière-là? 4, genre 4 4.6, c'est comme boire la Heineken. Dépend de la Corona. Cool, un peu, là. Ah ouais. Elle a plus de goût que les Michelob. Je peux sortir le fort, si tu veux. Toi, t'en as pas pris encore, là. Mais oui, j'en ai pris une. Ah! 1, 2, 3, 4, 5. Je la trouve décevante. Il y a Never qui dit bois la Fashionista, Dom. J'aime mieux, même. Ouais, ben il va falloir sortir la Fashionista. Sinon, il y a du whisky, du scotch, tout ça d'affaires. Hey, on se fait-tu une shot de Jameson? J'en ai pas de Jameson. T'as-tu, hey, ton whisky japonais? J'en ai encore. On fait-tu une shot de whisky japonais? Jeff? Celui de l'autre fois. Whisky japonais une fois? Ah, il faut fêter. Je peux lui faire un petit shot. Il faut fêter des minutes. Regardez Canty en background, comment il est drôle. Il a l'air d'un poisson dans l'eau, man, qui cherche de l'air. Moi, je vais mettre une wing dans mon. Je vais mettre une ring. Dans ton whisky? Dans mon whisky. Moi, si il y a une wing, là, elle est toute noire, là, elle a l'air délicieuse, là. On va l'appeler la connerie. Ben, j'attends un peu parce que j'ai comme l'impression que dans pas long, là, je vais avoir des flatulences, là. Fait que j'attends un peu, là. Non, en fait, la connerie, c'est celle qui manque d'épices. Elle est tout blanche. C'est celle qui a plus de panure. C'est le blanc dedans. The pick is in. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il voulait vraiment vite, au plus vite, ces Ducks-là. Paul Carrier. Qui a donné du cancer dans les Ducks? Qui? Je sais pas, ils vont le dire. Jinder Mahal! Calisse. Goaltending coach. Ah, ils ont choisi, là. Steve Solberg. Quelque chose de même? Ah, ouais, je l'avais sur ma liste, lui. Oups. Ok, ok, ok. Moi, je serais content d'aller jouer. Il était 21e. C'est un Solberg. Défenseur. Un autre gars de la Norvège, mais un défenseur méchant. Là, un rude. Là. Ah ouais. Mais good pick. Why not? Je le connais pas pantoute, mais why not? Pensez-vous que Corey Perry n'est pas. Elle est trop hot, la sphère, sérieux. Là. Chris, c'est hot. Là. Pour moi, ça? Hey, Jeff, il nous fait un service de feu, là. Incroyable. Hein? Hey, t'as-tu un Google Review? Wings and Whiskey. Ben, la soirée du podcast. Hey, Young m'a dit. Chez Jeff, c'est où? Ah, oh, c'est à côté de chez Mumu. On est allé chez Mumu, puis j'étais pas satisfait de la sélection de bières. Je traversais mais le bord au marché. Uberville. Mais il est pas sympathique. T'arrives mais là, puis il dit même pas allô. Ah, c'est pas la madame? Non, c'était le bonhomme, puis il a fait fuck all. Dom a fait allô. Il a rien dit. Ah, il était sur son sel. Là. Ouais, parce que c'est ça, je pense qu'il ne parle pas français. Il parle la français. La madame est beaucoup plus sympathique, elle est drôle. Non, mais... Ouais, parce que quand tu y parles, elle n'a pas l'air de comprendre tout ce que tu dis. Genre, elle comprend. C'est un peu de modello. C'est un petit whisky japonais ici. Là. Ouais. Le même qu'on a pris à la finale de la saison. C'est quand on dit chin-chin en russe. Go! Dang-gang. Gang-gang. Gang-gang. Gang-gang. Cheers, monde. C'est maestro. Délicieux. Délicieux. Ah, c'est bon. Doux, doux, doux, doux, doux. Non, non, il est doux, doux. Mais ouais, ah, peut-être, ouais. Mais il est tout doux, ce whisky-là. C'est un petit whisky japonais. C'est le fun, ça rentre bien, pas besoin de chaser. En fait, c'est pas supposé de se boire en shooter. Un petit déshabillé japonais. Allô, allô. Je comprenais, par exemple, le Jameson. Mais Charlotte a bu pour avoir une très légère sécurité. Ouais, puis on en a bu plus que ça aussi, le Jameson. C'est un Nika, je pense pas que c'est un Nika, right? De quoi ça? Mais je connais les Nika. Le whisky. Zorgi, j'adore les Nika personnellement. Asti que j'aime ça. C'est dans mes préférés. Il y a un autre échange. Je pense pas que GF a un Nika. Il y a un trade. Il y a un trade. Utah fait un swap d'échange avec Colorado. C'est un Nika finalement? Ouais, OK, c'est ça. J'essaie d'éviter toutes les hosties de... Il y a de quoi dans Automode, dans le chat, qui a retenu un message pour des raisons de raciales. OK, mais en fait, c'est un bon choix, d'après moi, parce que... OK, c'est Nika, quelqu'un qui a commenté... Si ça à ton père, d'après moi, tu te trompes pas, parce qu'en général, ils sont solides. Là. Puis ils sont pas trop chers, je trouve, pour la qualité qu'ils ont, personnellement. Fait que, bon choix. OK, non, attends... Automode a retenu un message suivant race, origine ethnique, religion, qui sont autorisés pour envoyer sur le chat. Hein? C'est que Zorgi a écrit c'est un Nika. On ne sait pas ce que c'est un Nika, mais l'Automode a flagué Nika comme étant quelque chose de racial. Alors, faudra vérifier qu'est-ce qu'un Nika. Ouais, puis j'ai pas souri, fait que je vois. Peut-être que l'ordinateur a vu des G à la place des K. Ou peut-être que Automode est le nickname de Connolly Online. Fait que le 24 pour le 38e, 71e. Pourtant, non, ici, le Nika, c'est un Japanese whisky. Là. Oui. Fait que tu parles, peux autoriser ce commentaire-là, GF, techniquement. Il ne devrait pas avoir de problème. Ouais, je peux pas. J'ai pas souri. Ah bon, ben écoute. On te l'autorise quand même. Mais Zorgi, peu importe, on te l'a suivi, on t'a répondu. On t'a répondu. Ouais. Fait que, ouais, all good. c'est comme je dis, la machine a vu des G à la place des K, je suis sûr. Ça ne peut qu'être ça. Déjà? Mm-hmm. C'était pas le DG du Canadien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait quoi? Je comprends pas. J'ai dit remarqué une chose, les boys, c'est que tout le staff de Utah ont toutes des cravates bleu marin. Bleu pot, excuse. Comme le logo de Utah. Comme Seattle. Toute la même style d'affaires. Pas mal comme Seattle, aussi, tant qu'à moi. Là. C'est ça beau, fait ça. Pas mal Kraken. Tout ça, je sais pas si c'est le propriétaire qui a exigé qu'il porte toute la même chose. C'est quoi cette affaire-là? Ben moi, je trouve ça correct. USA. Ah, c'est pour présenter le tournoi des nations là, qui va avoir lieu en 2025. On approche tranquillement de 10 heures. Écoute, j'aime beaucoup le logo des Ducks. J'ai toujours aimé ce logo-là. Mais le orange, je sais pas, je serais retourné au mauve. Moi, j'aille pas ça, orange. Je trouve pas que l'orange, il est beau, moi. Mais moi, j'aimais pas ça quand c'était juste écrit en petit Ducks. Non, mais le D, c'était bien. J'aimais le D qui était une patte. C'était pas une mauvaise idée. Je veux dire, c'était une bonne idée, mais c'était pas joli à voir. T'as-tu vu le nouveau chandail des Kings qui est rendu comme le rétro qu'on avait avant? Là? Ben, parlons-en. Là, parce que moi, ce lequel, que je trouve, le carré à la. L'époque Gretzky. Là. Gretzky. Oui, OK, Gretzky, finale 93. Ouais. Ouais. Okay. Puis j'ai vu le photoshoot récent, puis j'ai trouvé ça magnifique. Magnifique. J'aime pas leur casque silver, par exemple. Non, je pense que c'est fini, cet temps-là. Okay, il va être noir, le casque, avec celle-là. Comme dans le temps. Là. Mais moi, ce que je trouve, c'est que les Kings, au départ, c'était mauve. Ah, d'ailleurs, c'était mauve et jaune. Ouais. Puis ils l'ont fait, celui-là, qui ont présentement en format mauve et jaune, en couleur mauve et jaune. Il est très, très beau. Mais mettons, on prend les sabres. Il y avait un logo parfait d'origine. Après ça, ils ont essayé la grosse tête de buffle. Je l'aime beaucoup, celui-là. Après ça, ils ont fait le petit toupette. Puis après, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'ils ont pu revenir à leur logo de base qui était parfait. Puis là, les Kings, ils peuvent pas revenir à la base, tu sais. Là, ils se perdent. Là, ils ont la couronne de base, ont le mauve, c'est dégueulasse. La grosse couronne est comme, tu sais pas. Là, Gretzky, c'est pas beau. mais c'est Gretzky. On aime ça. Non, mais c'est un beau logo. La belle époque. Non, mais c'est un logo là. Ils ont eu un des plus laid jerseys de l'histoire, avec la face de King ici, puis un dégradé, là, qui est un joke. Ouais. Ça compte pas. Puis après ça, c'est écrit L.A. Puis là, tu sais. Il est pas beau. C'est rien, ça. Il est ordinaire. Ça, c'est l'antenne qui a gagné leur dernier coupe, ça. Oui, exact. Puis là, ils se perdent. Mais ils peuvent pas revenir à l'original puis dire, OK, toutes ces affaires-là, c'était des erreurs. Parce que l'original n'est pas yable. Why not? Regarde, exemple, le Minnesota, là. Depuis qu'ils sont revenus dans la ligue, je parle d'une équipe au Minnesota, je trouve que leur logo, le Wild, est dégueulasse. Je serais même prêt à faire le move. On se rappelle, on se ramène les North Stars. On ramène le N avec l'étoile qui était fucking hot, avec les crises de belles couleurs. La preuve, ils essayent souvent de faire un rétro, un jersey rétro, qu'ils ramènent les couleurs des North Stars. C'est un nasty beau jersey, ça. Mais attends, les North Stars, ils sont pas devenus les Stars de Dallas. Les North Stars ont Utah vient de repêcher Wild, Cole Beaudoin. Beaudoin, OK. Ils ont sorti un chandail inspiré des North Stars, mais avec le logo du Wild dessus. C'est ça, exact. Mais ce que je dis, c'est que les North Stars sont devenus une autre équipe. C'est ça? Ben, ils ont fermé le club. Les North Stars du Minnesota sont devenus les Stars de Dallas. De Dallas, ouais. C'est ça. C'est ça. Mais oui. Fait que s'il y avait un throwback jersey à porter, ça serait les Stars qui porteraient un chandail des North Stars. Oui, mais ben, vu que c'est Minnesota, c'est comme si eux autres qui avaient les droits. Comme si l'Avalanche portait un chandail des Nordiques. Ils l'ont déjà porté. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autre équipe. Regardez, exemple, si les Coyotes de Phoenix, mettons, rendus Utah, se disaient hey, « les Jets de Utah », parce qu'originalement, c'était les Jets de Winnipeg qui sont allés à Phoenix, ouais, là, ça fonctionnerait fait, pas. Ça fait deux déménagements. C'est pour ça que, d'après ça moi, en fait trop. C'est juste ça pour dire que, d'après moi, quand t'as la ville garde le logo, sauf s'il n'y a pas de ville, sauf si la ville d'origine n'est pas dans la ligue. Comme les Flames de Calgary. Atlanta, exactement. C'était les Flames d'Atlanta. Ça, j'ai l'impression que les Flames, Atlanta aurait pu reprendre les Flames, ben, logo A. Non, mais c'est quand les Trashers y jouaient, ils auraient pu mettre comme deux, troisième jersey de temps en temps. Ouais. Celui des Flames d'Atlanta. Genre. Mais ça aurait été fucké un peu, mais oui. Mais je trouve que Minnesota, pour moi, j'ai grandi que c'était les North Stars. Oui, oui. Puis je trouve que ça serait Dano. Hot. Parce que c'est un beau jersey. John c'est pas comme s'il était dégueulasse. Exemple, là, les Brian Seals. Tu sais, là, les Seals qui étaient là. Avant qu'ils viennent à Montréal. Ouais. C'est quoi, c'est des années 70 ou début 80, les Seals? C'était et dégueulasse, ça. Je pense que oui. Ah, ça, c'était pas un beau logo. Ben non, les Chiefs de Colorado, là, ou quelque chose de même, il était pas beau, ce logo-là. La on demande dans le chat si on connaît le jersey de Utah. Ça va être le logo temporaire cette année. Ouais, c'est comme un logo super Il y a Zorgi qui demande, à part le CH, qui a le plus beau jersey de la Ligue? Ben là, c'est dur. C'est dur battre les Blackhawks. Mais moi, j'ai toujours aimé le C de Calgary. J'aime les couleurs. Fait que, c'est celui des Canucks, mais le noir dans le temps de Pavel Bure. Oui, les Mighty Ducks. Les Mighty Ducks, dans le temps, je capoterais toujours parce que j'étais jeune et j'écoutais les films. Fait que ça me parle au celui bout. Des Bruins cette année, avec beaucoup de noir. Je l'aimais, moi, j'aime mais le blanc. Le moi, j'aime quand ils sont en blanc. Oui, oui. Il était beau. Puis les lignes, trois petites lignes au lieu des grosses bandes. Je me disais que Montréal pourrait faire de quoi? Semblable. Ouais. Tu sais, Montréal, c'est comme. Ouais. Moi, j'aimais quand il y avait le blanc, là, avec le signe, le logo blanc. Je pense que toi, tu as une casquette. On a les deux, la casquette, le genre logo un peu plus blanc. Là. Le C du CH est en blanc à la place d'être en rouge. Tu sais ce que je veux dire? C'est la tuque. Ouais, tu as la tuque. Moi, j'ai une casquette de ça. Puis, pour connecter avec Dom, le Fisherman des Islanders. Ah, ouais. J'aime le logo. Ah, je l'adore. Dans le temps de Rick DiPietro, ça. Oui. Je suis des Whalers. Le Coyote, c'est le vrai, premier Coyote, il était beau aussi. Je l'aimais bien. Il y a beaucoup de... Même... Ben moi, le Coyote, la Alexis tête Yachin. Qui hurle vers le haut, juste la tête, je l'aimais bien. Je trouvais... Ouais. Oh, tabarnak. Élégant. Ah ouais, mais il n'est pas laid. JF, regarde pas ce qui s'est passé à SmackDown. Là. Tu vas capoter bien raide. Là, j'ai vu vite, ça me fait chier. Là. Excusez-moi, j'ai parlé de lutte. Oui, mais en fait, je suis curieux, là. Non, je peux pas le dire, ça me fait chier parce que c'est comme si. On en parlera après? Mais là, tu l'as vu. Ok, ouais, c'est vrai. Paul Heyman s'est fait détruire par Jacob Fatu. Oh! Fait que la fin. Reigns va revenir. On va voir, ça va être écœurant. SummerSlam, c'est dans un mois, boys. Puis la semaine prochaine, je m'en vais où? À Money in the Bank à Toronto. Ben oui. Oh, shit! Nice, ça va être hot. C'est fait cool, ça. C'est ça pour dire que. On s'ennuie des beaux chandails. Oui. Mais il y a tellement de beaux chandails. Moi, les Red Wings rouges, comme on dit dans le chat, c'est un grand classique. Wayne Gretzky Saint-Louis, quand il y avait du rouge Ah non. Sur leur jersey, je le trouvais tellement beau. J'ai toujours préféré le Bretol de ça. Ah, OK. Ah, moi, oui, hein, celle-là, je le trouvais tellement beau. Mais moi, je l'aime présentement, les Blues aussi. Les Flyers, ouais, ont il toujours correct, un les bout blues, de comme bout un jersey. Mélange des deux. Il y a comme du noir un peu dessus. Légèrement, ou un bleu très foncé. Là. Flyers orange, il est beau en crisse. Ouais, ouais, j'aime que le nom en arrière soit blanc. Oui. Avec ouais. les lettres noires puis le rectangle blanc. On dit le chandail jaune des Kings avec la couronne. Ouais, je l'aime moins, lui. Je l'aime un peu moins, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Oh, t'es Jiggin là et son père. Moi, je trouve, je sais pas si vous voulez écouter ça, mais la Caroline, ce chandail-là, man, il a jamais trouvé sa place. Le logo est à chier au départ. Des Red Wings de Détroit. Ouais. Moi, depuis qu'ils ont changé le logo des Lightning, parce que je le vois, j'aimais tellement mieux le premier Lightning que le deuxième. Que le nouveau. Ah, moi, je préfère le Lightning de présent. J'aime le bleu du Lightning de Tampa Bay. Mais oui, le logo, il est comme. Ils ont enlevé le fond là, à l'intérieur. C'est un fond noir. Là. Ben, il y a un genre de shadow. Puis c'était. Ouais. Tu sais, à l'époque de Manon Réaume, ouais, c'était Chris. Tout écrit Tampa Bay. Mais avec les. À un moment donné, il y avait avec des éclairs. Il y avait des éclairs à un moment donné, le logo. Ouais. Des éclairs jaunes à travers le logo partout. Ah, ça, je m'en souviens pas. C'était beau, ça. Mais il n'était pas si beau, mais il était original. Ça sonne comme de la merde, mais. Ginla s'était fait drafter par les Stars. Oui, puis oui. Bob Gainey l'a changé choix. Pour Joe Newendike. Ils ont gagné la coupe, mais après ça, ça a fait capote. Aïe, aïe, aïe. Échanger un joueur de concession comme ça. Il a fini gagner la coupe, mais malheureusement, Tampa Bay l'a remporté contre lui. Hey, je m'en souvenais, il y avait une séquence. C'était les Flames de Calgary contre les Red Wings de Détroit en série de la Coupe Stanley quand ils se sont rendus en finale. Il s'est battu contre Darian Hatcher, qui était comme un méchant défenseur. Là. Ouais, ouais. Il t'a pris un élan là, par en arrière pour écrire ça une droite dans le visage. Là. Puis Darian Hatcher, il est tombé, knock-out à terre. Là. Je me dis, ça, c'est tout un capitaine. Ah oui. Asti. Je prenais pour les Flames dans ce temps-là, honnêtement. Moi, parce que je trouvais que le Cavalier et Saint-Louis, c'était des trous de cul vu qu'ils jouaient pour Tampa Bay. Mais flammes. Aujourd'hui, je les ai. Les éclairs. Oh my là, God, le c'est de ça que tu parlais. Ah non, moi, ça. Boston. Ah non, ça, je déteste ça. C'est une affaire de NASCAR. Ça, trouve écœurant, hein? Ça, c'est trop. Il y a bien trop de guenilles là-dessus. Là. Moi, j'aime ça plain. Là, là, c'est Boston qui va aller faire le 25e show. On va se rendre jusqu'à Boston, 30. Tu parlais du noir. Moi, j'aime beaucoup quand ils sont en blanc. Il y a, admettons, ouais. les classiques hivernales en blanc ouais, sont ouais. en salle. Ouais. J'aime beaucoup les pingouins du temps de 98 à peu près, quand pointu, le logo, là? C'était le triangle ouais, avec ouais. le pingouin qui sortait. Ouais, ouais. Ça, je le trouvais hot. Ouais, il y avait de quoi un peu avec les, ça. À la fin des années 90, il y avait des logos funky qui étaient hot. Hey, Cam Neely. Les Bruins vont parler. Le gros Cam Neely en avant, man. C'est qui est Cam gros. Cam Neely. Il est tellement gros, man. Surtout qu'on est à côté de Batman. Là. Mais il est beef, là. Il est tellement grand, man. Ça devait être impressionnant jouer contre lui dans le temps. Là. C'était la bête noire de Patrick Roy. Ah, ah ouais. J'avais appris en lisant une revue, là, puis c'était pour mon exposé oral, j'avais partagé cette des revues. Heure, des bonnes revues. C'est Don Sweeney, avait son casque était tellement laid. Ouais. Dean Letourneau. Et voilà. On aurait pêché These Nuts. Ça va à These Nuts, ça va à Boston. Il était 32e dans ma liste. Dean. Un grand joueur. Dean Letourneau. Lui, c'est un power, un power forward, mais ça va Norman être un est long projet. Cole Beaudoin, il est parti. Cole Hudson, il n'est pas parti. Hein? Non. Fait qu'on s'en va dans le dernier droit des, on des pas vu 5 Hudson derniers encore. Choix pour notre épisode spécial. En fait, 26 à 30, là. T'as-tu encore des pics de GIF rendu là ou t'as... Ben écoute, dans ma liste, là, j'ai AJ Emery qui était 17e, qui est toujours pas repêché. J'ai ensuite Julius Mietinen. C'est un attaquant Julio. Finlandais. Julio. On peut s'y appeler Julio. C'est Julius. Il y a Liam Greentree. Qui est un six putter. 6 pieds 7 pouces, on dit quand même. Igor Chernyshov. Ouais, 6 pieds 7. J'ai hey, Cole... Il est 6 pieds 7, le jeune. Cole... Ouais, non, c'est un grand gaillard, mais c'est un power forward qui va être long à développer, mais qui pourra être payant à la longue. Et Chris, hein? Il me semble que ses jambes sont longs. Il y a un cul difforme aussi, c'est bizarre. Ouais. Il y Il y a un cul de femme. Il y a un cul plus là. 6 pieds 7 selon Blasman. Ouais, hey, ouais. Blasman, est-ce que t'es hot? Là, ça, tellement ça, ce gars-là, il, dans deux ans, on va peut-être le voir à toutes les semaines. Le jersey des Bruins, il fait un chandail bedel. C'est ça, pareil. Hein? C'est Michael McCarron chez, Boss, chez les Bruins. Hey, bravo, il regarde les pas la bonne caméra. Non, il est le seul qui regarde la bonne caméra. Les estimes. Il a compris. Check sa mère. Sa mère. Ah, je pense que je vais me prendre une petite cerveza. Ramasser des ailes un peu brûlées sur le side en même temps. Ouais, celle-là que t'enlignais tantôt, là, ben noire, là. C'est le temps, là. Moi, je t'avais fait une crise de cœur, mais c'est pas grave. Si je peux mourir ici, Jeff, je vais être mort à une bonne place. En plus, je peux t'incinérer dans le fumoir en arrière, si tu veux. C'est vrai. Quoi, là? Mangez-moi, c'est-tu. Et pour ta rendement, j'ai répété à elle au gars qui a créé ton gars. C'est vrai. Allez. Des coups de pied de coude. On va faire un Glasgow kiss. Un Glasgow kiss, c'est quoi? Wow! C'est donc bien hot. Tu donnes jamais des coups de tête contre des Samoans, par exemple. Tout ça gagné, ils ont la tête lutte, dure. Ça, ouais, ils ont la tête dure, eux autres. Les Head Shrinkers, là, puis ces gars-là. C'était pas des Samoans, les Head Shrinkers? Ouais, ils étaient super. Ouais. Ouais. Ah, dans ouais. Le chat. Dans le mais chat, oui, ouais. Oui, il y en a. Oh shit. Mais genre, j'ai vu de quoi cette semaine sur Instagram, genre, c'est comme « Never headbutt à Samoan », c'est comme « Donne un coup de tête à Aku », puis tout le monde, genre, ils se donnent des coups de tête, puis c'est eux qui ont mal, genre, à la place, là. Umanga. Jacob Fatu. Là, tu me donnes le goût d'écouter les SmackDown tantôt, là. Il mérite pas ça, le bon Paul. Le bon Paul mérite pas ça. Ouais. Eamon ou Fatu, tu parles? Jacob Fatu, hein? Ben, il était sur les posters, fait qu'il devrait avoir le droit de voyager, même. Là, tu parles pas de micro, là, c'est pas. Les Kings ont fait les playoffs cette année? Ouais. C'est ça, en première ronde. Ah, voilà, voilà. Contre ouais, puis on. Genre. On est pourvenu, on avait parlé de nos prédictions. Je pense que j'avais eu la prédiction gagnante des Panthers en 7, finalement. C'est vrai, sur notre podcast. Ouais. Sur bon, il veut qu'on change trois fois, là, mais... Ouais, moi, j'avais dit quoi? Panthers en 6, je pense que j'avais dit. Panthers en 6, puis toi en 7? En 7. OK, OK. Mais pour vrai, à la fin, j'étais sûr que c'était les Oilers. Ouais, moi comme, aussi, pour okay, vrai, ça a comme la dernière game qui a fini avec un pointage comme ça, avec le but gagnant compté en deuxième période, tu sais, c'est... Il me semble un style, guys. C'est 8 à 1, voyons, là. Ouais. Mais tu sais, pour une finale Game 7, là, je voyais les gars à la fin, ils essayaient de faire un jet. Chris, manger les bandes, style, vous allez perdre la Coupe Stanley. J'étais vraiment triste pour McDavid. Mais il y en aura d'autres. Ah, oh, ouais, c'est pas pendant la fois qu'il va se Mais en tout cas, je sais pas pourquoi, on dirait que ça me dérangeait pas que les Panthers gagnent non plus. Tout le monde était beaucoup la Coupe au Canada, nanana, tu sais. Bon, la Coupe au Canada, ouais. On l'a vu à Montréal. J'étais très ouais. Pro au Canada. Exact. Parce que moi, j'ai un ami aussi qui dit, you know what, ça me dérange pas que la dernière équipe canadienne, ça soit Montréal. Ouais, c'est ça. Ouais, mais puis ça, que la prochaine, ça va être encore Montréal, esti. C'est ce quoi? Je comprends, mais en même temps, je suis tellement plus Canada que n'importe quelle autre équipe aux États-Unis. À part Colorado. Ben moi, mon seul point là-dedans, c'est qu'en Floride, il y a énormément de Québécois. Fait que ça devient un peu une équipe patriotique d'une certaine façon. Ce qui me fait chier, c'est que personnellement... Et oublie pas aussi, l'Alberta, c'est la pointe de la Bible Belt américaine. Là. C'est des rednecks, là, tu sais. Oh, mais attends, mais là, la Floride, tu penses, c'est où, là? Ben, la Floride, c'est le trou de cul des États-Unis, là. C'est de la... Hey, Chris, hey, Robitaille, il y a des beaux petits cheveux blancs, Star, c'est fou. Ouais, ça fait ouais. Une couple d'années, je ne l'ai pas vu, il est tout blanc. Il y a Sim Simard dans le chat qui dit qu'il est bien content pour Paul Maurice, effectivement. Ouais, mais... Bon pas, il est vraiment sympathique, là, bon pas. Je voterai toujours plus pour un Team Canada que Team US, là, pour vrai, là. Je sais pas. OK, mais... Tu t'en vas où, là? Je peux-tu te demander une bière, c'est tranché? Ouais, mais Colo, s'il te plaît. Il a encore son après accent. Après toutes ces années, il n'est pas capable de parler en anglais. First pick, Will New Jersey. OK. Le pire, c'est qu'en français, il y a de la misère. Oh, il y a un gros cheer dans la foule pour le choix de repêchage des Kings. Mais non, c'est comme... Floride. C'est le fun qu'une équipe... Liam Greentree. Green moi, je l'avais. Ah, c'est Greentree que tu avais 15e. Je 15e. C'était mon dernier pick, ça. Ouais, ouais. On dit que Bergevin est resté assis à la table. Oui, on dit tout du reste assis là. Ben oui. Avec raison. Hey, gars, le beau logo. Ah, ça le fait, là. Ça fait du bien de voir le retour de ce logo-là, pour vrai, là. Mais je suis content pour Anaheim, même si j'aime pas l'orange, comme je disais tantôt. Au moins, merci beaucoup. Au moins, il ramène le logo classique. Puis ce logo-là des Kings, pour moi, c'est le plus beau, là. Puis il y a quand même la couronne en bas de l'écriture Kings. Exactement. Fait je voulais attirer votre attention là-dessus. Cette couronne-là, ils l'ont modifiée pour qu'elle soit le même modèle que la première sur le chandail mauve et jaune. Alors, un autre qui a un jacket style avec des photos en dedans. Tout le monde a ses photos en dedans. OK, il y a de quoi, là. Meilleur deal d'équipe, là. On parlait de Paul Maurice tantôt. Oui. Paul Maurice, quand les Canadiens ont éliminé les Jets de Winnipeg en 4, là, il a refusé de se ramener aux joueurs du Canadien. Le tabarnak. Je sais qu'il y a une belle soirée. Ça par rapport à un joueur qui vient pas chercher son Connie Smythe, qu'est-ce qui est pire? Écoute, bonne soirée à toi aussi, Zorgi. Merci beaucoup. Premièrement, je trouve ça ridicule. Merci, on achève. Il nous reste 5 positions. Hey, deux secondes. Voyez-vous ces chandails de Kings-là, comment c'était de la merde? Ah, j'aimais pas ça, moi. Il n'y a rien de tout ça qui va nulle part. Là. Ah, non. Tout ça, là, c'est fucking laid. Ouais. Dom, je voulais t'arrêter. Tu avais un complément d'informations sur Greentree tantôt. Tu penses que tu voulais parler de son alimentation? Il est tard. Zorgi, t'es où, toi? Oui. Il mange. Il est 4-11 AM, je tiens plus. T'es-tu en France? T'as dit que t'es un fan de Mini Wheats, non? Oui, entre autres. Ben, arrête de me mettre. J'étais en train de chercher des affaires. Zorgi, c'est un fan français. Ça va se coucher. Il est 4h11 du matin pour lui. Il nous écoute en ce moment. Bonne nuit, mec. My God. Merci d'être un trooper comme ça, d'avoir resté avec nous si longtemps. Oui, c'est super apprécié. Écoute, mais oui, puis. On est français dans le chat. Si on s'en parlera sûrement pas, I guess, d'ici, mais bonne prise de Bastille le 14. Puis, question pour toi, mon français. Y a-t-il la loi 96 par chez vous? Pourquoi tu fais un accent? Ben, je sais pas, ils comprennent mieux, je pense. On va enlever la pub. J'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a la loi 96 par chez vous? Là, il y a un accent, il parle fort. C'est quoi, t'as écrit 96 soucis? Il dit oui. Je veux dire que c'est oui. Je pense qu'il veut dire oui. 96, oui. Ah, putain. C'est mon commentaire sur ça. Pour revenir pas la loi 96. La loi 96, c'est que le français avant l'anglais. La charte? Ah, bon, ben c'est bien. Puis le pays, c'est que... Tu parles du Québec, je pensais que tu parlais en France. Là. OK, excuse-moi. Ben, je pense parce que ben, il dit qu'en France, ils l'ont aussi. Ben c'est sûr que. C'est sûr qu'en français. Ben comme en France, disent, c'est la France. Il n'y a plus le droit de dire showing gum. Il n'y a qu'une langue officielle. C'est exact. Il n'y a pas d'anglais. Ouais. C'est vrai. Ça, en fait, ils n'ont pas besoin. Là. Merci. Exact. Et s'il y a un commerce Canadian Tire, mettons, en France, est-ce que vous allez l'appeler le pneu canadien? C'est même pas de même ici. C'est un nom propre, fait que tu n'as pas le dos aujourd'hui. On modifie la charte. On pourrait demander, est-ce qu'en France, il y a quelqu'un... En tout cas, bonne soirée. Moi, tu peux arrêter. C'est Midas. Mais est-ce qu'en France, il y a comme des choses mises en place pour préserver la langue française? Ou Je pense pas qu'ils ont ce débat-là, parce qu'il n'y a aucune menace. Et pourtant, je pense qu'ils ont des anglicistes beaucoup plus qu'ici. Mais ça reste considéré comme une menace pour la langue, là, je pense. Est-ce que Vincent Cassel, qui a marié Monica Bellucci, considère comme étant une attaque à la langue française? Au Québec. Absolument. Au Québec, il n'y a qu'une langue officielle, c'est le français, absolument. Puis dans le Canada, il y en a deux. Puis la seule province où il y a deux langues officielles, à part canadienne, c'est le Nouveau-Brunswick, anglais et français. Les autres provinces sont uniquement anglophones. Le Canada, overall, est français. Malgré des gros secteurs francophones. Malgré que le pays en entier se doit d'être bilingue. Alberta a plein de francophones là-bas aussi. Là, c'est... Ouais, mais... Il y a des quartiers de... Regardez le logo. Monica est italienne, mais parle très bien. Je pense qu'on va m'acheter un logo. Je pense qu'on va m'acheter un jersey. Pour les intéressés. Il est vraiment hot, le chandail. Mais regardez le chandail, puis je veux juste attirer votre attention. Oui, je suis très intéressé que c'est de savoir qu'il est divorcé. Ça, c'est le nouveau chandail, mais crossover aux couleurs de... Il est très beau. Très beau. La première génération. Très beau. C'est pas laid, mais personnellement, j'aime mieux le noir. Ce qu'on voit en ce moment, mais ça, c'est comme une fioriture. Ça, c'est pour rigoler. Mais il est quand même pas pire, hein, Jeff? Ça serait-tu mal vu? Ben oui, je parle à ma bière. Je porterais ça en soirée du podcast. Absolument. Ben, tu sais, vu on est parti du Canadien de Montréal. Ça serait-tu mal vu qu'on s'achète un jersey des Kings ou des Ducks, mettons? Moi, je serais game en salle de m'acheter le classique des Mighty Ducks. Quand c'était les Mighty Ducks, ou les Kings comme ça, je le porterais. Ben absolument pas. Check le Kings blanc. Hey, si j'ai Carrier dans le blanc, dos. Il est beau en Asti aussi. Jeff, si j'ai un joueur retraité comme Carrier dans le dos que j'adorais, moi je suis fier. C'est ça correct. C'est comme moi qui porte un chandail de Carrie Leonard des Clippers, mettons. Non, mais tu peux. Mais bon, ouais, Kawhi. Mais Kawhi est encore là. Trade alert. Ouais, okay, ouais. Trade alert. Tout monde mais en même temps, il n'y a pas de team à Montréal de basket. Fait que t'as le droit de voler. Moi, j'étais un fan des Knicks de New York. Je serais jamais un fan des Raptors. Mais tu porterais-tu un chandail de Siakam? Trade alert. La grosse non, puck. Parce qu'il est rendu à Indiana. Mais mettons mais non, Toronto. Mais Toronto. Toronto, je le porterais si j'étais un fan de l'équipe. Mais je ne suis pas un fan de l'équipe. Ah, OK. Mais t'es pas un fan des Kings. Et hey, lui, il est. Mais j'ai aimé les Kings à un certain moment. Ah, OK. Blackhawks acquiert le 27e. Les Blackhawks sont repêchés trois fois en première ronde. À donc place des Hurricanes, bon Hurricanes qui reçoivent le 34, un 34 et un 50e. Donc, les Blackhawks, à soir, sont en jeu. Troisième pick. Ils ont repêché le défenseur. Ils ont repêché, c'est qui l'autre joueur qui ont repêché l'attaquant? Elenius. Pas Elenius. Non, mais on, est rendu, lousse, là, ça fait trois Cole heures. Claude Baudouin. Claude Baudouin. Cole. Okay. On repêche un Claude Baudouin. Constat et Lénius. Hey, si je parlais de prénom, ça fait longtemps. C'est quand la dernière fois qu'on a entendu un homme qui s'appelait Rock? Ça fait trop longtemps. Je pense qu'on devrait le ramener. Trop longtemps. Depuis Rock, la blessure Francoeur, je sais pas. Là. Moi, je pensais Rock voisine. Moi, j'ai connu deux Rock dans ma vie. Un prof d'art plastique puis un gars de notre âge. Son nom, c'était Rock ou c'était comme, mettons, Rodrigue, mais le monde non, l'appelait Rock. Rock, vraiment. Mais R-O-C-H, pour mon prof, qui était un vieux à l'époque, là, que j'étais au secondaire. Mais un gars de notre âge, que c'est Rock, R-O-C-K. Ah, oh, Boisvert, ben oui, merci. Rock Sacha Voisine, Boisvert, c'est tellement. Good job last semaine. Oui, Sacha Boisvert, ben oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, on est en Chris. Si t'as un deuxième fils, il pourrait s'appeler Rock Comte. Rock Cron. Ouais, ben j'aime bien, ça finit avec des cas et des... Non, hein, c'est, beaucoup de crocs. Malheureusement, ça n'arrivera pas, là. Donc, ah, t'es-tu chopé? Ben là, non, je suis tout seul. Ouais. Ben, t'es jeune. Non, mais ça t'empêche pas. Je suis jeune, Chris, j'ai 41 et presque 42. Ouais, mais c'est pas toi qui le porte. Jusqu'à 50, t'as le temps. Ouais, mais c'est moi qui s'en occupe après ça, puis j'ai plus l'énergie de m'occuper des jeunes enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de viande à cuire. C'est ça, là, tu sais, cette fumée-là, c'est pas tout seul. Mais il y a beaucoup d'ailes à manger, par exemple. Ouais. Hey, moi, j'en ai mangé plus que vous autres. Là. Je travaille fort. Là. Ah, pour revenir au Connor McDavid, qui n'a pas ramassé le Conn Smythe. Ils sont là, bons ensemble. Ouais. Moi, je trouve que c'était correct qu'il ne l'ait pas ramassé. Ça ne m'a pas dérangé du tout. Ah, oh, tu veux parler de ça? Hein? Mais moi, je trouve ça bien correct. Parce que tu sais, il a parlé du nombre de temps. Si tu attends 10-11 minutes sur la glace avant qu'il donne le trophée, est-ce que c'est long? Ouais. Puis une fois que tu es rentré dedans, tu es le capitaine. Tu vis ça avec ton équipe. Tu viens de perdre un équipe. Tu vis ta déception parce qu'il voulait gagner autant que n'importe qui c'est dans son équipe. C'est pas le trophée qu'il voulait. Non. Puis, en plus de ça, après ça, il y a comme capitaine, il faut qu'il soit tough pour ses coéquipiers aussi. Fait que, Chris, puis fuck peut-être it, que là. Lui, dans la chambre, il était comme, peut-être les gars, ils ont dit, voyons, sors, aussi. Non, guys, on s'en crisse. On a fait un effort ensemble. J'étais avec vous autres à soir, tu sais. Puis moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. T'sais. Puis ça, c'est très honorable aussi. Oui. Ben, plus qu'une décoration que lui, il dit check. Parce que ton team, il est right, game sens. 7. Puis t'es comme, je vais aller chercher le joueur le plus utile de mon équipe qui vient de perdre. Là. Exact. Puis je peux être franc. Ça fait pas team. Non, c'est teamwork. C'est pas l'ambassadeur de la ligue non plus. Ça reste encore, selon moi, Crosby, l'ambassadeur de la ligue, que lui, il va aller faire ces moves-là parce qu'il en a déjà gagné une coupe ou whatever. L'autre, il en a jamais gagné, McDavid. On le sait, il est pas bon devant le public. C'est pas le gars que les jeunes le trouvent bon sur la glace, mais il n'y a aucune personnalité. Alors, c'est pas le gars qui est demandé que la Ligue élève tant que ça, McDavid. On va se le dire. Là. Fait Chicago a repêché Marek Vanacker. C'est un peu ridicule que. Oui, mais il voulait vraiment. Ben ouais. Il y avait un plan. Là. T'sais, si l'équipe. Le Conn Smythe devrait aller à l'équipe qui gagne la Coupe et non à l'équipe perdante. Ouais, je suis correct. Peu importe. Parce que ça arrive tellement rarement que j'ai aucun problème ça que ça arrive. C'est pour un 132 ans. Exact. Pis ah ouais. J'en ai aucun problème. Écoute, j'écoutais ça à TVA Sport, là. Puis au lieu de parler des exploits des parce qu'on Panthers. Que les Panthers, ils ont dominé la majorité du temps en série. Mais oui, on savait qu'il allait là, être c'était... super bon. Oh, mais il est où, là, McDavid, là? C'est pas correct, ça, là. Moi, je suis vraiment déçu, là. Jean-Sébastien Giguère, il est allé, lui, pourtant. Parce que, hey, tabarnak, il y en a mis Jiggy partout. Tabarnak. Tu sais, puis en plus, Jean-Sébastien Giguère, lui, il a gagné le Conn Smythe en 2003. Oui, 2003. Puis. Dans cause perdante contre New Jersey. C'est ça. Je pense. Écoute, t'as jamais entendu parler de lui depuis un crise de bout. Oh, depuis qu'il est parti des Leafs, là, on n'a pas entendu parler de lui. Puis là, tout d'un coup, là, il devient là, des entrevues dans toutes les chaînes de radio à TV. Puis lui disait, moi, si j'aurais été Connor, j'aurais été. Hey, man. J'ai pas trouvé ça correct. J'ai trouvé ça, tu sais, comme, arrêtez de parler de ça. Puis parlez donc des Panthers qui ont gagné, toute la dominance qu'ils ont faite en série. Parlez de ça à la place. Fait que je suis d'accord avec mais, toi. Mais il méritait quand même le joueur le plus utile. Chris, il a fait genre 8 il points en 2 games. Il a battu mais, le record de Gretzky, ouais. Mais... Les boys... Dans mais, les mais c'est correct qu'ils ne sont pas allés. C'est ça, quand on en fait pas un plat. Je vous amène un petit détail là-dessus. Complètement d'accord avec toi, à 100%. Je me demande... Si on est aux États-Unis en ce moment, je sais que tu vas me dire, est-ce qu'on entend parler de la Coupe? Je comprends en partant là, mais si on est aux States, là, aux États-Unis, est-ce que le monde qui voit ça ont fait les mêmes commentaires à propos de McDavid qui n'a pas pris le Conn Smythe ou ça passe dans le beurre puis il célèbre l'équipe qui a gagné? Je suis juste curieux parce qu'au Canada, on a le point de vue canadien qu'on voulait tout le monde que les Oilers gagnent plus que la Floride en général. Vrai. Je pense pas qu'il y ait eu de controverse là-dessus après. Là. Je pense non, qu'il y a non, mais je veux dire, au Québec, ils en ont parlé. Mais exactement comme tu as dit, le monde n'a pas célébré les Panthers. Ils parlaient que Connor n'a pas pris le Conn Smythe. Fait que je me demande si on est aux États-Unis, est-ce que c'est la même chose que les médias? Personne n'en a parlé d'après moi. Parce que j'ai cherché d'informations, j'en ai pas vu nulle part. Parce qu'on cherche des crises de poussière. Je me suis assis avec un gars parce qu'on aimait qui plus me disait il y avait tellement de monde avec le cellulaire qui attendait Connor McDavid pour le filmer. J'ai dit OK, là, j'ai réécouté la séquence de la fin. Là. Tu vois un monsieur qui a l'air millionnaire qui sort son cellulaire, puis après ça, il est comme il remet son cellulaire dans ses poches, puis après ça, tu as des Chinois qui sortent leur cellulaire pour prendre une vidéo de Connor McDavid. Puis ça, pour moi, ça compte pas. Là. Ils font juste ça, prendre des photos eux autres. Là. Je pensais que c'était Trevor Conley. J'ai dit, sacrément, tu parles de deux personnes sur probablement 18 000 personnes dans la FTA. Pourquoi est-ce que McDavid faudrait qu'il sorte pour le monde qui veut le prendre en photo avec Larcel? Calice, là. C'est ridicule. C'est filmé à TV, il y a des caméramans professionnels, là, lâchez-les. Ben ouais, parce que le monde, il préfère filmer avec le cellulaire un moment historique que de le regarder avec leur propre. Mais les gens sont calmes. Oui. Ils veulent le revoir en vidéo, dire hey, c'était le fun, hein, au lieu de le vivre au moment. Ben voilà. Ça, c'est comme le monde qui filme les feux d'artifice puis qui regarde jamais ça après. Filmer les feux d'artifice. Avec un iPad. Ouais, ça, c'est pauvre en tabarnak. Hey, tu vas à Disney, le monde, genre, il filme les parades avec un iPad. C'est du calice. Déjà, d'aller au feu d'artifice, c'est pauvre, mais de filmer avec ton téléphone les feux d'artifice. Hey, pendant de ça, Dom, qu'est-ce que tu fais jeudi soir prochain, on s'en va au feu. On s'en va au feu. Ça a été rétabli, ça, le smog, là, tout ça? Ouais, ça, je sais pas. Il s'en crée, ça, c'est-à-dire? Ou c'est des feux de drone, comme il y avait eu dernièrement, là, c'est un... Je sais pas, quand t'achètes tes billets pour la ronde, en tout cas, ils te donnent encore le choix d'avoir accès au feu l'Auto-Québec. Moi, je les ai regardés à côté du McDo, moi, le feu. Ben, l'ancien McDo, parce qu'il n'y a plus de McDo à la ronde. OK. La bouffe, là, le restaurant qui a remplacé le McDo, là, est fucking dégueulasse. Ouais. Les astuces de poulet, là, sont dégueulasses. Tu sais la belle époque que tu fais manger un spaghetti Giorgio à la ronde avant d'aller faire le monstre? La belle époque. La belle époque où les... C'est encore Giorgio? Non, je pense pas. C'est de valeur. Mais la belle époque où les feux d'artifice étaient commandités par Benson & Hedges. Je m'en rappelle de Benson & Hedges. C'est pas des cigarettes, ça? Eh ouais. Il y a Blasman dans le chat qui dit qu'il y a un commentaire « No worry », mais il dit qu'il y a beaucoup de jeunes avec des pantalons, avec de l'eau dans la cave mais des bas courts. C'est tellement la mode, là, Star. Là. Des penny loafers. Pas de bas, ça fait au moins 6 ans que c'est des pantalons dans l'eau dans la cave, pas de bas. Puis tu te promènes avec ça. J'en ai vu un autre dans le métro aujourd'hui. C'est la mode radio-radio, là. Ouais, puis le pire, c'est que, tu sais, ils veulent montrer leurs cheveux musclés. Bon, ben. T'en feras pas. Ah, j'en ai un jeune. T'en as deux, ça. Il se fait attaquer, mais il s'habille en jeune. C'est drôle. C'est le fun. Là, il a ses coupes de cheveux. Avant, il était grosse touffe de cheveux. Là, ça, c'était à la mode. Là, à ce temps, il a une petite coupe de rat. Là, ton plus jeune ou ton plus vieux qui se fait attaquer? Mon plus vieux. Okay, okay. Mon plus jeune, lui, il est complètement dans un cadre haute. Mon plus vieux, c'est ça. Il a une petite coupe là, un peu. Cool joueur aussi, de soccer. Là, ouais. Avec découpé tout le tour de la tête. Fais-tu du skate? Non, il n'y a personne qui skate. Ok, ah bon, parce que j'ai vu un jeune passer pendant que je jasais au Mutoïde, pendant que je jasais à Johnny. Puis il ressemblait à ton gars, je pensais que c'était ton gars. Ah non, vraiment pas. Vraiment. Alors, les Flames qui s'en vont faire le 28e choix maintenant. Donc, on est dans le dernier top 3 pour notre épisode spécial de ce soir. En passant, juste vite, comme ça, dans les rumeurs qui s'en vient, parce que c'est le marché des joueurs autonomes qui tombe le lundi. Oui, c'est intéressant ça. Steven Stamkos est officiellement joueur autonome. Ben oui! va aller à Toronto. Ouais, c'est soit Toronto ou Tampa, un des deux. Toronto n'a pas les moyens. Matvei Gridin pour les Flames. Cole Hudson, toujours pas sorti. Je peux t'amener un point. Je sais que c'est pas comme ça au hockey, mais il y a une chose que j'ai trouvée, que je trouve particulière. Au basketball, OK? Un des anciens joueurs des Raptors, OG Anunoby, qui jouait avec les Knicks, a refusé ou a décidé de ne pas prendre son player option, c'est-à-dire que le joueur choisit s'il veut continuer la dernière année de son contrat qui peut dire non ou qui peut accepter, qui était de 19,4 millions. Il a décidé de le refuser et il a re-signé avec les Knicks quand même, mais pour un prix supérieur. Puis, je pense qu'il n'y a pas ces règles-là et ces principes-là au hockey. Non. Mais non, ça l'amènerait tellement de l'excitation à la période des joueurs autonomes puis à la durée des contrats qu'il y a un maximum de 5 ans, je pense, dans NBA. Imagine ça dans NHL, à quel point ça pourrait être fou raide d'un point de vue agent libre à toutes les années. Comment ça pourrait être hot d'avoir un maximum d'un contrat de 5 ans, ensuite de ça, faut que tu renouvelles. Ça changera la game en salle. C'est ça, parce que 8 ans, ça commence à être long. Puis quand tu signes un contrat de 8 ans, mettons comme Pierre-Luc Dubois, là, 8 ans, 8,5 millions, Huberdeau, 8 ans, 10,5 millions, là, à un moment donné, là, tu remplis dans ton cash, là, puis là, ces équipes-là sont hypothéquées, sont en marre. Tu as mentionné un nom tantôt, là. Di Pietro, 13 ans, 20 ans. Ouais, dans ce temps-là, mais il y a ça, c'est farfelu. Ça arrivera Alexis plus jamais. Yachin, mais Chris. C'est encore trop long, ces contrats-là. Alexis anyway, des contrats de 8 ans. Man. Ouais. Mais je vais ramener un autre point. En parlant de contrat, là, une autre chose intéressante, c'est que il y a eu une couple de commentaires avec des peurs de signer un Russe. On vient de signer Dimitrov, on vient de pogner Dimitrov à soir. Puis c'est là, un peu la peur des Russes, ils vont-ils venir ou pas. Mais il y a un phénomène qu'on commence à voir un petit peu plus souvent, c'est pas répandu tant que ça, surtout provenant des joueurs américains, d'universités américaines, qui décident, quand ils se font repêcher, de continuer leur université, puis tant que leur amani ont comme un contrat, une limite, puis ensuite de ça, ils peuvent aller gagner l'autonomie ou ils peuvent demander de « Garde, je ne re-signerai pas avec vous autres. » Après le premier contrat, ils décident « Je ne re-signe pas. » Et demander un échange, on ne voyait pas ça avant dans NHL. C'est de plus en plus courant avec des joueurs, le NCAA américain, qui font ça. Adam Fox est un des exemples les plus connus. Je trouve ça intéressant parce qu'à un moment donné, s'ils commencent à avoir de plus en plus ça, ça va peut-être, un, affecter les teams canadiens, principalement surtout à cause des impôts. Mais n'importe quelle équipe d'un petit marché, qu'un gros joueur qui est signé là, mettons Celebrini, il décide de faire le même move, de ne pas signer à long terme avec le San Jose, puis il décide d'aller pour se faire trader, forcer un trade. Ben, j'ai une correction à faire, Nick. Vas-y. Quand ils sont à l'université, dans NCAA, ils n'ont pas le droit de signer le contrat. OK. Ah, OK. Fait qu'ils ont les droits du joueur pour 3 ans. Fait que c'est le premier contrat professionnel, dans le fond. Parce que dans le fond, le contrat qu'ils signent, c'est le maximum permis, c'est 950 000. OK. Puis bonnier au besoin. Là. Fait que dans le fond, le joueur qui décide de finir son université, après ça, ils ont une date limite pour signer le joueur avec son contrat d'entrée de 3 ans. Puis s'il ne le signe pas, le joueur devient libre comme l'air. Fait que c'est ça qui devient difficile. C'est ça qu'Adam Fox fait. C'est pour ça qu'il trade, en fait. C'est la technique qu'il utilise. C'est je ne re-signerai pas après mon 3 ans, puis je force le trade. Exact. Enfin, c'est ça. Mais c'est de plus en plus répandu, right? Ça arrive de moins en moins à Montréal. Cotter Gauthier a fait ça avec Philly, c'est le dernier cas. C'est pour ça qu'ils ont tradé avec Drysdale. Adam Fox avait fait ça. Parce que Cotter Gauthier, il avait encore ses droits pour une autre année. OK. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu de la merde à quatre parts, puis il a demandé à être échangé. C'est pour ça qu'ils l'ont échangé. Puis les rumeurs, c'était que Cotter Gauthier a passé du temps avec un joueur qui détestait Tortorella. Puis il n'a pas voulu jouer pour lui, qu'il a préféré être échangé. Mm. Fait que c'est passé de quoi là-dedans au niveau de la relation? C'est peut-être autre que en lien juste avec l'équipe qui ne voulait pas jouer. Mettons. Il voulait juste pas jouer pour eux autres, mais la rumeur, c'est qu'il ne veut pas jouer pour Tortorella, point. Okay. Fait que c'est juste par rapport à ça. Adam Fox, lui, il voulait juste jouer pour New York. C'est-tu Calgary, lui? Écoute, il a été à Calgary, après ça, il a été échangé à Caroline, ou vice-versa. Puis après ça, finalement, les Rangers, ils l'ont eu pour un choix de deuxième ronde. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un phénomène qui n'existait pas tant avant, c'est-à-dire de l'équipe que tu as été repêché, si tu désires aller ailleurs ou ne pas jouer pour cette équipe-là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus connu avant. Dans le temps, c'était des phénomènes ultra rares à la Lindros, puis c'était le seul qui avait clairement indiqué « je ne jouerai pas pour les Nordiques ». Il a forcé le trade, puis ça, c'est au moment, il a même pas fait une game avec les Nordiques, mais... Mais tu sais pourquoi Lindros n'a pas joué pour les Nordiques. Oui, mais, oui, oui. Pourquoi donc? Exact. C'est à cause du gros trou de cul, là. Marcel Aubut, il pensait que sa mère ne parlait pas français, puis sa mère, c'était son agent. C'est elle qui négociait le contrat avec les Nordiques. Mais Marcel Aubut, on s'entend, c'est un trou de cul. Oui, puis écoute, elle était raide en négociation. Lindros ne parlait pas français, et la mère de Marcel Aubut... Non, la mère d'Éric Lindros. La maman de Lindros, la maman de Lindros, n'était pas un peu francophone même? Non, on parlait français, elle est ontarienne, mais elle parle français. Okay. Fait que, tu sais, il négociait son contrat parce qu'elle, elle voulait avoir le meilleur contrat pour son fils. C'est la femme à Lindros qui est québécoise. Puis, écoute, il a trouvé Red en négociation qui, avant qu'elle sorte, il dit la crise de vache. Okay. Elle a compris c'était quoi. Oh. Puis, pas longtemps après, ils ont dit mon fils ne jouera pas pour ton club, on demande une transaction. Ah, c'est ça qui est arrivé. On s'entend, Marcel Aubut, hein, il y a pas mal de problèmes juridiques en lien avec des. C'est-tu agression sexuelle? Ouais, ouais. C'est sûr. Ce gars-là, regarde, écoute, qui mange en marde. Les Stars, 29e, qui repêche. Émile, hein? Emig. C'est plate que tu n'avais pas ton soundboard. Ça va faire qu'il il mange va revenir, de marde. Il va venir l'année prochaine, le soundboard. Il faut que je fasse ça cet été. Puis, écoute, il y a des gros c'est noms. C'est Dave qui a le contrôle. On est là, tous peur. On ne suit même plus les pics, là. Non. Mais est-ce qu'il arrête à 32? Parce qu'on voyait jusqu'à 32. Fait qu'on va se rendre oui, jusqu'à c'est la fin. Première ronde seulement ce soir. On n'arrête pas, on va se rendre jusqu'à 32. Puis si là, on fait un survol fin, aussi, là, parce que ça pourrait bouger d'ici le 1er juillet. Ouais, ouais, ouais, ouais. On parlait de Stamkos qui est agent libre. Et puis aussi dans les joueurs qui sont sur le trade block, il y a Martin Nekas qui n'a pas bougé, qu'on pensait qu'il aurait bougé pour un jour repêchage. Potentiellement. Zegras possiblement. Parce que surtout qu'ils ont repêché un attaquant. Là, et, d'après moi, Zegras est sur le bord de la porte. T'as le premier choix de Winnipeg là, aussi. Oui, Grétar McGregor, ou je ne sais pas trop comment il s'appelle. Là. Lui, il ne veut pas jouer à Winnipeg. Tout simplement. Ouais, il ne veut rien savoir de tout ça. C'est un bon joueur, c'est un bon avant. Il n'a pas été changé encore. Fait que, écoute, le prix à payer qu'il demandait, c'est un choix dans le top 15 avec un bon prospect. Là, il n'y en a plus de choix dans le top 15 c'est l'année prochaine. Fait que, il ne sera pas tradé ou il va être tradé pour autre ils chose. Ils ont probablement été trop gourmands, fait que ça ne marchait pas. Mais ouais. Quand tu regardes la logique, tu peux échanger ce gars-là pour Trevor Zegras ou Martin Nekas, ça pourrait avoir de l'allure. Là. Il va-tu venir à Montréal, Zegras? Ça dépend du prêt. Hey, on vient de pogner Dimidov, le Calis. Je sais, mais il a l'air d'être bien ami avec Caulfield. Ben, ouais. Parce que ça dépend du prêt à payer. Parce que s'il demande la lune, ça va être toi. Tu peux pas donner ton choix de premier rond parce qu'année prochaine, tu vas peut-être avoir un choix de premier rond dans le top 15. C'est clair. Là. Puis l'autre affaire aussi, tu as deux gros défenseurs qui deviennent disponibles sur le marché puis que du monde que je ne m'entendais pas pendant tout. Jacob Trouba, il est sur le trade block. C'est vrai. Il reste un an de contrat puis les Rangers ont allégé leur masse salariale. Exact. Puis Aaron Ekblad aussi qui est disponible. Je ne veux pas ça. Oh. Aaron Ekblad, il reste un an lui avec puis ils veulent l'échanger parce qu'ils veulent signer Brandon Montour qui va demander cher. Fait que ça pourrait bouger pas mal dans le National d'ici le 1er juillet, peut-être je te dirais d'ici une semaine. Gorton a été clair hier en entrevue, il ne veut pas signer de joueur autonome. Il a dit pas cette année, right? Pas cette année. Puis pourtant, on va avoir quand même un bon. C'est quoi ce film-là? Ça l'a vraiment. Twister. C'est ça. C'est Twister. Je regarde Twister. Ah, Twisters. Comme Alien, mais Alien. Je savais que c'était ça. Hey, mais on s'entend que le gars, c'est clairement le fils de Bill Paxton puis Alan Hunt. Là. On t'écoute, mais c'est parce que. Non, mais c'est le gars qui faisait le petit arrogant dans Top Gun 2. Ouais, il est bon, lui. Ouais, j'aime bien. Fait que. Mais on les quatre, on est en train de regarder Twister. Je voyais Dom, je te parlais, puis je voyais Dom pas écouter pour sentir regarder juste ça. Moi, j'étais allé au cinéma. Écoute, la salle de cinéma, le son était magique dans ce temps-là. Mais, mais ça, c'est le genre de film qu'en cassette, t'étais déçu. Comme Apollo 13. Si Apollo 13, t'es allé le voir au cinéma, tu capotais. Apollo 13, c'est ça bon all over. Non, mais oui, je suis d'accord, mais. Twister, c'est comme. Non, mais Twister au cinéma, c'est impressionnant. La qui vole. Moi, je trouve que c'est de la merde. Twister au cinéma, c'est impressionnant. Twister dans ton salon, pas tant. Non. Ben, Twister all around, jamais. Come on, c'était pas si pire. C'est juste du vent. Avec c'est des pastilles en aluminium. Moi, j'aime ça quand il se passe de quoi. Dans Apollo 13, il se passe quelque chose. Apollo 13, man, ce petit film-là, il me faisait capoter quand j'étais jeune. Houston, we have a problem. Fuck. Il a de l'air large, lui, tout d'un coup, man, dans son jersey. Ah, on va le mettre à l'écran. C'est Éric Duhem, ça, qui présente. En complet bleu, c'est surprenant. Je sais pas si vous avez vu la vidéo circuler, là, ça me fait penser à ça. Là. La bru de Patrick Roy, je crois, elle a posté une photo de lui. Il est après mettre des pattes de hockey de rue. Oui, là, je l'ai vu. Enfants, là, dans la maison, il se prépare. Il dit « Are you a good goalie? » Puis là, il dit « Who told you I'm good? » Il dit « Mama! » Fait que là, tu sais, il s'en va jouer au hockey de rue comme gardien de but avec ses petits-enfants. C'est, ouais, c'est hot, pareil. Ouais, c'est, c'est clair. Les enfants, ils ont repêché ce joueur-là qui a la misère à patiner. Chris, hey, c'est l'année, man. Hey, c'est l'année. Quel homme. Ça a l'air que c'est un gars qui aime joueur. Ça, collectionner quel des joueur, chars, man. Ça, t'es mis cette année. Collectionner des chars? Collectionner des chars, il aime bien ça. C'est un grand collectionneur de chars. C'est cool, ça. J'aime ça. Comme Michel Barrette. J'aime ça l'année, puis j'aime les chars. Il y a deux Datsun. Hey, Chris, c'est hot, les Datsun. Mon propriétaire, il y a deux Datsun blanches. Ah, ouais. Ouais. Ils sont au garage, sont entreposés, ils bougent pas. Parfait, ça. Moi, j'ai bien des affaires entreposées chez nous qui ne bougent pas. Bon, c'est le fun. C'est le fun. T'as des cassettes dans l'acrylique. Des grandes cassettes. Fait que là, dans le fond, si on revient sur le Canadien. Hey, je m'excuse, les boys, à ce petit gros référent weird. Cet homme-là, il fait penser à Germain le Cylindré dans les 12 travaux d'Astérix, à ce petit. Ben, ça fait tellement longtemps que je suis. L'Allemand qui fait de la lutte, là? Oui! Vous avez gagné! Sérieux, les gars! Sérieux, il est pareil. Les Rangers. Puis là, c'est ça. M'excuse. Là, le Canadien. C'est vrai, là. De Pickison. Ils ont des munitions pour faire des transactions. Ils ont des défenseurs en trop. Parce que là, ce qui arrive, là, c'est qu'ils ont des défenseurs en over. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont échanger un Jordan Harris de ce monde. Vous savez, ouais. Puis le pire, c'est que Martin Nekas, mettons qu'il Les Rangers dans la course, parce que la rumeur dit qu'il était dans la course. Hey, let's go dans le chat, là. C'est tranquille. Martin Nekas a l'air tout que monde ça est pourrait... parti. Relancez-nous ces 12 travaux. E.G. Emery avec les EGF, là, c'est du knowledge. Là. C'est un format... E.G. Emery, c'est pas le fils à... Ray? Non, Ray, est-tu mort? Non, mais... Guy qui est mort. C'est pas lui qui est mort noyé dans au non, chalet? Non, c'est pas lui, ça. Ray E.J. Oui, E.J. est supposément le meilleur qui est mort. C'est Ray Emery qui est mort noyé. Ils ont noyé Emery. C'est-tu le père à notre joueur? Non, non, je pense pas, mais oui, Ray Emery, il est mort noyé. Ouais, Ray Emery, il est mort noyé, Ray Emery. C'est lui, ça? Le goaler? Ouais, on a parlé gardien, là, controversé. Je pense que oui. Il était sous, puis il est tombé sur sa tripe. Ah ouais, that's it. Ben, il me semble. C'est une couple d'années, mais bon, on l'a vu. Non, mais ça aurait pu. Chris, c'est Trevor Connor, il a donné un câlin. Martin Nekas, là, seriez-vous prêt à échanger Mike Matheson pour Martin Nekas? Oui. Sans ouais. hésiter. Hein? Oui. Ouais. Parce que Madison, dans 3 ans, Nekas, dans 3 ans. Nekas, il est agent libre avec restriction. Là. Ouais. Faut que tu le signes. Mais le problème que j'ai, à un moment donné, là, le Canadien ne pourra plus aller avec son principe de le plus haut payé, c'est Suzuki. Non, c'est juste temporaire. Ça, est-ce que, mais, ça c'est de la merde inventée par les médias. Complètement. Ça. Mais est-ce que Nekas est le gars pour avoir un plus gros salaire que Suzuki? C'est juste ça que je me pose. Écoute, je pense que c'est un contrat de 7,5 qu'il va y avoir. Je pense qu'il va y avoir plus, moi. Ça serait ridicule. Il peut-être, vaut pas ça. Peut-être, mais dans la ligue actuellement, le gars, en tant qu'agent libre, mettons, s'il est agent sont-ils libre, adapté, je vois un 8 couleur, minimum. Ils ont toutes des mères blanches. 8, mais là, c'est on des voit métis. On voit juste les mères. C'est des métis, Chris? Ouais, ben, on voit pas les pères jamais. Mais c'est là, justement. Ils sont à la prison. Ah ouais, t'aurais. Je cherchais quel gars qui reste sur mon père. Ouais, Chris, il a pas mis son nom en arrière. Dom, pourquoi tu vas là? Tu sais que tu vas avoir ce genre de résultat de réponse-là. Là. T'as-tu, il y a comme un ouvre-bouteille, il y a jamais genre comme ceinture, là, quand ça bouge. Il n'y a jamais de parents noirs pour les joueurs noirs. Mais là, Higgins tantôt. Mystère. Higgins là, sa mère est blanche et claire. Là. Mais sa maman est sa blanche, femme, son papa était noir. Puis la femme d'Higgins là est blanche. C'est ça. Puis la blonde d'Higgins là aussi. Mais moi, sa femme est dit, blanche, sa blonde est blanche. La blonde ou la femme d'Higgins là, je pense que c'est la même affaire. Non, non, non. Non, je parlais de jeune, moi. Nekas, je ne comprends pas l'intérêt, désolé. Il est pas. Écoute, c'est pas un gars de. Il est grand, qui de 100 points par année, mais ça reste qu'en ce moment, ce gars-là, à cause qu'il est. À cause que Carolina a une masse salariale limitée, je pense. Exactement. Ça fait qu'il y a de l'intérêt pour ce gars-là, parce qu'il y a quand même un potentiel, puis il est accessible à d'autres équipes. Je pense que c'est plus ça le principe. Comme Zegras, l'idée que Anaheim veut s'en débarrasser. Ça cause qu'il y a une option d'acquérir un joueur de talent. Nekas, je pense qu'il est plus complet, mais c'est l'idée qui est accessible. Je pense que c'est plus ça. C'est-tu la logique? Je pense que Nekas, ce n'est pas un problème d'attitude. C'est seulement un problème de masse salariale, exact. Je crois, pour l'équipe. Exact. Puis attitude, peut-être plus Zegras, mais c'est plus son. Puis je suis pas d'accord que Zegras soit un problème. Il est offensivement seulement, c'est plus défensivement, puis son. Et GM Rig a des gros. Son effort défensif, peut-être que le monde peut chialer contre. Là, des grosses stats au combine là, pour ouais, le saut vertical. C'est lui le gars qui a torché le combine. C'est lui. Ah ouais, hein? Nice. Le no arm jump. Puis, tu sais, Zegras, là, ça a l'air qu'Anaheim s'est essayé, puis il voulait avoir. Tu sais, le prêt à payer, ce serait un gars comme Goulet. Tandis que Nickass, ça serait plus un gars comme Matheson, parce que la Caroline ne veut pas nécessairement comme refaire une reset, une reconstruction. Fait qu'ils ne veulent pas avoir nécessairement un jeune joueur qui, qui va être prêt dans 3 ans. Ils veulent avoir de l'aide immédiate. Tandis qu'Anaheim, ils sont encore en reconstruction. Mais fait que ça ne dérange pas. Mais moi, j'aimerais qu'on garde Goulet. Écoute, ben oui, écoutez, les boys, sûr, les boys, j'adore Goulet. Là. J'adore Goulet. Mais c'est vrai, je ne veux pas partir de marde. Je l'adore, ce gars-là, Chris. Je veux le garder. Là. Mais ça, c'est quand même 2 saisons de suite qu'il y a des blessures. Là. Ouais, puis là, il y a des commotions d'embarquer là-dedans. Les commotions, c'est pas un hernie qui s'en va comme qu'on parlait de Lindstrom au début du show. Là. C'est. Oh, ça varie. Commotion cérébrale, ouais. Ça peut que ça se peut qu'il n'y ait aucun effet. Comme, mettons, j'assume Crosby. Il n'y a pas eu de problème depuis plusieurs années maintenant. Mais ça se peut que ça soit un Bergeron qui a malheureusement tout le temps un petit peu été impacté par ça, et d'autres joueurs qui ont complètement arrêté. Il suffit d'une avec une commotion cérébrale pour changer la game. Ouais. Mais là, ça fait probablement au moins 2 qu'il y a. Là. Peut-être pas nécessairement avec le Canadien, mais dans sa carrière. Puis, il est tout le temps blessé. Fait, est-ce qu'il y a... Je veux pas... Il t'a pas blessé rien. Longtemps, par exemple. Absolument, mais je veux pas assumer rien. Mais est-ce que les blessures... C'est plus une question. Est-ce que les blessures en lien avec Goulet vous font peur et vous porterez un peu plus à vouloir l'échanger, ou au contraire, vous dites non, les blessures, c'est réglé, puis il va passer à travers? Si j'ai un choix à faire entre Goulet et Matheson, j'échange Matheson, sans hésiter. Complètement, à 100 000% pour moi. C'est même pas proche. Parce que Matheson, il a été bien cute l'année passée. Là. Défensivement, il était dégueulasse. Une chance qu'il y avait Savard ou d'autres joueurs pour le backer, parce que ce gars-là, il se lançait tout le temps en offensive. Bravo, tu nous as donné des points. Je t'adore, Madison, mais défensivement, Christ était une petite passoire. On pourrait enfin rire des livres. Je pense que c'est eux autres qui sont en train. Dans le chat, il y a Jude Bra qui demande, c'est qui le défenseur numéro 1 du CH en 3 ans? Hey, je vais dire Ron Backer, Callis. Ouais, je pense que oui. Ben oui. Absolument. Ça va être notre cheval. Ça va être notre gars gros, fiable, pas trop de points, mais sur qui tu peux compter tout le temps, puis tu vas pouvoir y foutre 28 minutes par game, 30 mais minutes, puis il va toffer. Je pense qu'offensivement, il va être capable de produire. Je pense que c'est un défenseur qui va pouvoir apporter à peu près une 50aine de points. Tu sais, un peu comme Weber. Ouais, mais why not qu'il reste plus défensif, mais qu'on le match avec un, disons, Lane Hutson. Hutson, exact. Va faire tes 70 points par année. On a Ryan Backer qui va te backer. Ouais. Exactement comme quand... Backé par Ryan Backer. Wes Clark. Quand Carlson, on parlait de Carlson qu'on n'aime pas tantôt, les meilleures années de Carlson avec Mark Ottawa, Mettot. Mark Mettot. Mais on s'entend que Ryan Backer a un bien plus gros ceiling qu'un Mettot. Parce que Mettot, c'était défensivement seulement. C'est comme un peu le mec comme Sarek d'André Markov. Oui, mais encore là, j'ai l'impression... Comme Sarek, il était bon à cause de... Oui, mais j'ai l'impression que Ryan Backer est encore plus complet. Les Leafs. Okay. Ryan Backer, je pense pas qu'il va commencer à Montréal l'année prochaine. Je pense plutôt qu'il va commencer à Laval. T'sais, pas besoin de le rusher. Puis je te comprends de la semaine, je donnerai ma chance. Oui, absolument. Comment? Mais oubliez, je me demande si Mayo, on a une offre. Oui, parce qu'à mettons, droite, Logan Mayo, je pense qu'il est en avance sur Justin Barron. Je parle en même temps, excusez. Si, mettons, on est au courant qu'il y a un trade potentiel avec un joueur vraiment solide, puis Goulet, sachant que peut-être que Goulet pourrait être sensible, on pourrait-il le trader? Parce que peut-être que tout va être beau avec Goulet, puis j'espère tellement, mais il pourrait aussi finir comme Noah Jolson, que malheureusement, ce gars-là, il a à peu près plus de carrière. Et oui, il joue à Vancouver en ce moment, mais c'est tellement difficile parce que ses blessures l'ont magané. Puis Jolson, on le voyait comme on voit Goulet il y a 5 ans, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me dis, on sait jamais. Fait que ben, je pense pas qu'on est rendu là. Mais non, mais c'est ça. Blasman, il dit, laissez-y un an ou deux. Fait puis oui, je crois en Goulet aussi, mais j'espère que tu comprends aussi ce que je dis. Un an ou deux, absolument. Mais j'espère que si on est pour voir qu'il est trop enclin à avoir des blessures, qu'on va agir avant d'attendre trop longtemps. C'est juste ça, mon point. En autant qu'on ne fasse pas l'erreur qu'on a faite avec Ryan McDonough et Sergachev. Ouais. Parce que tu échanges Goulet. Sergachev, c'est la plus grosse erreur. McDonough. McDonough est la plus grande erreur. McDonough est la plus grande erreur contre le Gomez. Je trouve que Sergachev a été la plus grande erreur. C'est une des plus grandes. Voyons. McDonough est une des plus grandes erreurs de la NHL, point. Là. Comme Gomez. Gomez. Puis le pire, c'est que. Tout ce plan-là, quinquennal des Gainés, man. Puis toute cette catastrophe. Ah, c'était pas fantastique. Ce vétéran de marde-là. Oui, mais Sergachev est déjà un plus grand défenseur que McDonough, selon moi. Puis savez-vous, c'est qui le joueur qu'on aurait repêché si on n'aurait pas. Échanger notre choix de première ronde pour Alex Tanguay. Qui donc? John Carlson à Washington. T'aurais eu McDonough, Subban et John Carlson dans ton top 3 défense. Ah, c'est sûr qu'on l'aurait eu la coupe, là. Mais, puis t'avais Carey Price à défense. Puis, c'est un goaler. Écoute, ils ont tellement... parce que le deal de Le Cavalier était fait. Ça a tombé à l'eau parce que Bettman il a dit non. Puis là, ils voulaient donner pas mal. Écoute, il y avait Carey Price, il y avait Plekanec, il y avait Josh Georges. C'était un gros échange, ça n'a pas marché. Puis Gainey voulait tellement faire un move pour chercher son joueur de centre numéro 1 à Montréal parce que c'était le centenaire qui tombait à l'eau. Il était pogné Scott Gomez. Puis Trevor Timmins, il a capoté quand le Twitch était fait. Il n'a même pas demandé son avis. Gomez, j'ai détesté cette ère-là de Camilleri, Gianta et Gomez. Bon, Camilleri, c'est lui que j'ai vu le plus. Mais Camilleri, quand il en sortait des bottes, avez-vous lu le livre de Je l'ai lu. Oui, de Pierre Gervais. Pierre Gervais, je l'ai lu. Il disait le pire joueur qu'il a vu dans toute sa vie, c'est Mike Camilleri. Un gros trou de cul, atroce. Pense juste à lui. Mais ça à glace. Pour revenir à ton commentaire. Au moins, il était excité un peu, là. Revenant à ton commentaire. Notre capitaine, c'était Gianta. Ouais, il est zéro capitaine. Ouh là là. Yaroslav Spacek. Oh my God. On pourrait dire capitaine Gianta, c'est l'équivalent de Pacioretty, Callis, comme capitaine. Ben, je trouve que Gianta, t'es un meilleur capitaine. Meilleur capitaine que Pacioretty. Pacioretty, là, ça, c'était pas top. C'est un peu capitaine du pas top pareil. Mou comme la merde, ce Pacioretty. Puis capitaine de l'histoire, comme dirait le bon Michel, dans un tournoi de golf à Michel Villeneuve. Mais c'est lui qui disait ça, il est mou comme la merde. Je continue quand même à penser que Sergachev est un plus grand défenseur que McDonough. Ben, il est jeune, là, Sergachev encore. Là. Mais il a déjà prouvé, tant qu'à moi, plus en capacité de défenseur que McDonough a fait. McDonough est un défenseur très fiable, mais Sergachev est fiable et capable d'amener bien plus d'offensive. Pour moi, Sergachev est un meilleur défenseur. C'est pour ça. Je dis pas que McDonough, c'est pas une erreur, c'est une crise de grosse erreur, une crise. Mais pour moi, avoir tradé Drouin contre Sergachev, ça me fait encore chier. C'est sûr que Drouin. C'est peut-être à cause que c'est plus récent. C'est pour ça qu'on ne veut pas répéter la même erreur en échangeant un gars comme Goulet prochainement. Écoute, tu as peut-être raison. Trevor Zegras. Tu as peut-être raison, mais moi, personnellement, je ne ferais pas le trade. Moi, je ferais pas le trade. Mais ce que je veux dire, c'est que si, mettons, tu as un crise de défenseur, pour vrai, là, Nick Cash, je pense que je le ferais. Ben, écoute, ils veulent avoir de l'aide immédiate. Oui, bien franc. Il y a un contrat de 5,385, je pense, Matheson. Il reste 2 ans. Ça a de l'allure. Puis eux autres, ils vont perdre des défenseurs. Ils vont perdre Pesquet. Je pense que même Brent Burns, il est agent libre. Burns, il doit être fini. Là. Wow. Burns, ça doit partir dans pas long. Là. Fait que, tu sais, ils ont besoin de défenseurs. Là. C'est urgent pour eux autres. Puis ils veulent encore être compétitifs pour l'année prochaine. Fait que, pour moi, ça aurait de l'allure. On va voir ce qui va se passer. Mais tu mets un gars comme Nekas, un gars de 6 pieds 2, 6 pieds 3, sa deuxième année avec Kirby Doc. Là, on parle. Puis après ça, l'année prochaine, tu rajoutes Demidov à côté d'eux autres. Hey, on va commencer. Demidov, c'est sa première. Tempo B, là. Demidov va descendre Cole. Cole va aller sa deuxième. Demidov va aller si sa première, man. Chimie, mais quoi qu'on aurait un heureux problème si ça serait à faire. Ah oh, ouais, c'est que tu veux. Puis quand tu regardes Tempo B. Je pense que ça, tout va dépendre de comment ça va se vivre dans la chambre, tu sais. Ouais, est-ce que l'ambiance. Ça va, ces trois gars-là vont-tu gel? Ben, Suzuki va être quasiment rendu un vétéran rendu là. Mais quand même jeune, tu sais. Puis Cole, jeune aussi. Puis est-ce qu'ils vont l'accueillir? Il va être part of the guys? Je pense que oui. Je pense que oui. Puis si oui, il n'y aura pas de beef entre la 1, la 2. C'est ça va être. Guys, on fait des fucking buts slaves, tu sais, qui est jeune. Tu sais, ça va être beau. Ouais, puis Slav, il y a l'air d'avoir le genre de gars qui joue sa première ou sa deuxième, ça dérange pas. Ce gars-là a tellement l'air, les backs. Mais tu vu de quoi qu'il avait de l'air au championnat du monde quand il intimidait les autres joueurs adverses? Ouais. Il était écœurant, là. C'est malade. Tu sais, mettons, il prenait un 2 puis il regardait le joueur, il faisait comme fuck you. C'est écœurant. Mais il a tellement pas de l'air stressé, ce gars-là. Il est tellement laid back. Il aime ça jouer, puis il veut gagner. Puis si Mathias dit vrai, qui connaît, que Dimitrov connaît déjà Slaff et Meschard. Meschard, on s'en crisse, il est imagine pas. Notre power. Trade alert. Je fais juste dire, si, mettons, Slaff connaît déjà Dimitrov. Il est bien tard d'être Chris. Parle, c'est le dernier. Let's go, tu comprends? Let's go. Le powerplay va être écœurant. Là, les Flyers veulent choisir. Ouais, ben, il y a eu le pick en 31e pour les Leafs qui ont pris Ben Danford. Et là. Je suis tellement pire. Puis Brian a encore ses cheveux séparés dans le milieu. Ah ouais. Les Oilers qui prennent le 32e pick des Flyers contre le premier pick 2025 ou 2026. Là, les Flyers, ça fait deux fois qu'ils acceptent de reculer. Pour lancer des dards dans les prochaines dards. Premier. Une tune de première ronde, 2025 et 2026. Premier. Ah ouais. Oh, shit. Donc, c'est les Oilers qui vont aller faire le dernier choix de la première ronde. Chris, on va s'entend. Donner un choix de première ronde en 2025, 2026. Il me semble que là, Chris, tu donnes pas ouais, mal. Mais on s'entend. Ça va être un choix genre 29e en 2025, ouais, 29e en 2026. On sait pas ça. C'est un S-Gamble. Mais les Oilers, on s'attend à ce qu'ils soient performants les deux prochaines années. Moi, je suis pas sûr. Drew Sutton, il est agent libre dans un an. Là. Il va on aller voir pour qui ont tradé ça. Wow. Quand même. Ah, puis en passant. Ça va là d'un gars qui aime le hockey, il s'amuse tellement. C'est un travailleur, oui, c'est le directeur. Ah ouais. On a un nasty de bon dude là, qu'il faut garder et qu'il faut protéger pendant longtemps. Slaff en saison, là, au début de la saison. Là, quand il est comme... Parce qu'il va peut-être signer un contrat de 8 ans là, dans pas long. Slaff, au début de saison, qui a scoré et qui regardait les autres, l'autre type et qui riait comme dans leur. Ah! Ce gars-là va être incroyable. C'est l'attitude que tu veux. Là. Ah, il me fait penser un petit peu baveux, c'est bon. Un Draco, mais gentil. Quoi, un Draco Malfoy? Non, Ivan Drago. Ivan Drago. Puis Ivan Drago. Moi, j'étais Harry Potter. Il était gentil, Ivan. Il était juste contrôlé par la machine. Sa crise de femme, là. Lex Stallone. Eh oui. Elle a joué dans Beverly Hills Cop 2, esti. Ah, vrai? Ouais, elle faisait une méchante. Les Oilers sont on the clock. Puis elle a joué dans le vidéoclip Make Me Mad de Korn. Ah, ça, je ne sais pas. Fun fact. Je me souviens de elle dans Cobra, puis elle crissait beaucoup trop de ketchup dans sa crise de frites, de poutine. Le Cobra. C'était dégueulasse. On est maintenant au dernier choix de la soirée, mesdames et messieurs, 32e pour... Qui? Les Oilers voulaient vraiment. Hey, en passant, ils perdent leur DG, Oilers. Hein? Puis c'est leur directeur, Ken Allen, leur nouveau directeur général, c'est leur propriétaire, vice-président. C'est comme si nous autres, on nommerait Jeff Molson comme directeur général. Yes. Hey boy. Qui qu'on repêche ça, c'est inquiétant. Hey, bravo, 32e choisi. Je ne sais pas si on l'a manqué. On va le voir. Les Jets ont aucun pic, hein? Non, parce qu'il appartenait à Montréal. Sam O'Reilly. Hey, good job, Sam. Tu fais partie de la première ronde du draft 2024. Tu fais partie. Good job. Beaucoup de femmes qui pleurent dans beaucoup la vie. Beaucoup de femmes qui pleurent. Il y a beaucoup de femmes dans sa vie, puis c'est important pour dire que c'est des jumelles. Je tiens à souligner. Le père est là. Il y a un père. Ce gars-là n'était même pas sous ma liste en première ronde. Dom est un peu moins attristé ou sympathisant pour le jeune parce qu'il y a un père. Hey, le père, il en a fait du char et des runs au Tim Horton, lui aussi. Ben, les gars, on a fait le tour de la première ronde au complet de repêche. On est presque 4 heures de podcast. Là. Écoute, il est rendu presque 11 heures. Il y a Blastman qui est là. Je ne sais pas si tout le monde va se rendre jusqu'à la fin. Je ne sais pas qui va écouter ça aussi à par après. Là, tu écoutes ça en plusieurs parties. Ouais. En faisant la vaisselle ou en faisant l'amour. Là. Exact. Ou les deux en même temps. Ouais, mais... Oui. La vaisselle nue. Ouais, ben oui, toujours. Bon, écoute, je pense que le whisky a aidé un peu parce que je commence à être un petit peu feeling. Il y en a encore. De boire toutes ces bières-là avec peu d'alcool dedans. Ouais. C'est comme de l'eau forte. C'est qu'un marathon. Un marathon, c'est un marathon, Dom. Là, il reste beaucoup de wings, mais que si je continue d'en manger, je vais avoir des brûlements d'estomac. Tu n'as pas congelé ça de la manger en lunch? Ouais. Je ne congèlerai pas, mais réchauffer, moi, je mange ça demain. Certainement, tout ça. C'est un repas pour les deux prochains. Tout ça. Ah, parce que c'était bon, mais c'était comme tu dis, tu ne fais pas. Bon, il y avait c'était un petit peu trop. C'était copieux. Un petit peu trop. Je devais la gager. Le tatou du gars, c'est des anneaux autour du bras. J'ai entendu parler dernièrement que, mettons, dans la communauté du fisting, tu te fais faire des c'est anneaux où tu te rends, c'est quoi? Jusqu'où tu te rends. Ah. C'est la prochaine fois que vous voyez ces affaires-là, pensez à ça. Je vais savoir à quoi demander. Sérieux, c'est mes employés qui m'ont dit ça. Sacrément. Fait que il y en a que c'est autour du poignet, il y en a que c'est plus loin. Donc c'est ça là, c'est celui qui l'a ici en haut. It's a thing, it's a thing. Retro MTL, source de fun fact. Exact. It's a fisting. Hey, deux là, c'est-tu la famille d'un certain un autre O'Reilly qui non, avait avec pas, Avalanche, c'est ça? Non, c'est mais pas, non, pas rend, Ryan O'Reilly. Ryan non. O'Reilly est rendu à Nashville. Oui, il est à Nashville. Il a fait toutes les équipes. Ça peut être son jeune frère, là, je sais pas quoi. Là, Astor, Esti, tout le monde, c'est les enfants de tout le monde. Il l'a nié. Fait que sur ce, merci. On va conclure le podcast là-dessus. Là. Trevor Conley, merci. Je suis content que ça finisse avec des notes de fisting un peu. Ben oui. C'est comme ça un canapé pour ça ceux-là qui se rendent à la fin. Ah, c'est ça. 3h30 de show. C'est le petit bonus de la fin. Là. Ah, tu vois, je viens de tomber sur l'entrevue de Kent Hughes qui confirme que la plus belle entrevue qu'il a entendue de sa vie, c'était celle avec Ivan Demidov hier. De sa vie. Pourquoi donc? J'ai pas écouté l'audio. Il était fin, il répondait bien. Oui, il était impressionné par la manière qu'il répondait. Merci Blastman d'avoir été présent. Merci pour tous tes commentaires et informations qu'on n'avait pas nous autres pendant qu'on mangeait des wings yes. et qu'on buvait de la bière. Ben oui, merci beaucoup Blastman. Bonne soirée à toi aussi. D'avoir été là jusqu'à la fin. Yeah. Fait que les gars, où est-ce qu'on peut vous rejoindre sur le net? Ben Dom, toi et moi, on podcast aux deux semaines encore une fois. Absolument, le podcast de Papa Cassette. Chez Papa Cassette. Chez Papa Cassette la semaine prochaine. Ouais. Et puis Facebook et tous les médias sociaux qui existent. Là, Rétro MTL pour tous vos besoins en jeux vidéo rétro. Et Arcade MTL pour tous vos plaisirs, désirs de vouloir aller jouer à des arcades originales. En buvant de la bière. En buvant de la bière ou des cocktails thématiques au cœur du quartier latin à Montréal. Pour les plaisirs vidéoludiques, faites Rétro MTL quelque chose ou Arcade MTL quelque chose. Exactement. Puis si vous voulez avoir voilà. un petit potin, l'idée de Céline Dion, ça venait de Charles Cédon-Courtois, le bas droit de Chantal Maccabé. C'est elle qui a appelé Céline pour lui dire « Veux-tu venir? » Puis elle a dit « Oui, tout de suite. » Quel bon flash. Le bras droit. Moi, ça, pour vrai, là, quel beau move. T'sais, quelle fierté. Quelle crise de bon. C'était nous autres, Céline. Oui, il faut être fier de ça. Ouais. C'est la Ligue qui avait demandé au club, j'imagine récemment, là, pour dire si vous pouvez être créatif et qu'il donne un show, faites-le. Absolument. Puis l'idée est venue de là avec le bras droit. Charles Cédon-Courtois qui travaille pour Chantal Maccabée. C'est tellement un bon move du CH aussi d'avoir placé Chantal de même sur le marketing. Là. Je pense que c'est le meilleur move possible. En fait, les relations un petit peu plus. Relations avec les gars là. Aussi. Oh, ouais. Ben avec les gars dans la chambre aussi, tu sais. Puis tout ça, Chantal, j'adore. C'est là. Une belle. Tout le monde adore Chantal. Puis ces jeunes là, peut-être qui est Demidov, ils arrivent de la Russie, c'est comme Dave Mbouk Chantal. What the fuck, Chantal, c'est qui ça? Il va apprendre à la connaître, puis elle va savoir comment le prendre. Tout ça est parfait. Oui. Chantal est fantastique. T'sais, t'sais, quel excellent mot. Tu sais, Félix et Norton, mon petit Yvan. Comment dis-tu? Ça existe encore, ça, je pense. Ben pas. Oui, tu peux en commander. Il y en a des vegans aussi. Il y en a même à l'épicerie. Il y a un food truck dans le vieux port. Ouais, tu peux en acheter. Monsieur Félix, Félix et Mr. Norton, des biscuits. Là. Ouais. Écoute, okay. À l'épicerie, là, dans la section gâteau, là, où est-ce que c'est congelé, là, tu peux en acheter des sacs. La boulangerie. Dans le four, là. Il y a juste Bras qui demande notre highlight de la soirée, Demidov. Tabarnak. Tu vas capoter. Moi, mon highlight de la soirée, c'est. C'est genre deux biscuits, boule de crème glacée à vanille. On va finir. Tu manges ça comme une sandwich, c'est incroyable. Moi, c'est le racisme tout au long du podcast. Noté pour mon plus jeune aussi. Le racisme systémique. Le racisme systémique est un highlight. Mon highlight, c'est le commentaire sur les blonds à Dom plus tôt dans la soirée. Les blonds? Ah oui, mes stats de blond, en effet. L'odeur. Moi, Demidov, c'était quelque chose, mais j'étais. J'avoue que Connolly, ça maintenait une certaine hype. Qui va avoir le raciste? Genre, qu'est-ce qui va se passer? Qui va le prendre? Puis pour vrai, si Montréal avait pu le prendre. Le petit nazi. Oh my God. On aurait oublié chose, toutes ces histoires de nazis en dedans de 6 mois. On l'aurait accueilli. Puis on a eu un talent. Checkez-le aller, man. Vous un talent de bon raciste. Un esti de raciste talentueux. Qui va torcher la ligue. On aurait pu l'avoir. Écoute, est-ce que les bananes sur la glace vont revenir à mode dans les bananes? Les bananes sur la glace. Ah, mais oui, tellement. Depuis, hey, je pense que le dernier fois que ce soit Vegas qui le pogne. Exact. Les bananes sur la glace. Oui, il est parti s'appuyer les bananes. Ah, non, mais oui, oui, ça c'est complètement dégueulasse. Ouais, j'avais oublié ça. Là. Ouais, mais il y a du monde. Subban s'était pas fait insulter en se faisant traiter de monkey? Ouais, qu'à la finale, c'était en série contre Boston, justement, quand il a dit la Nick Ryder. Ouais. Puis c'est pas l'année que Lucic a serré à la main à Chris à. Emeline. Dale Weiss, non, qu'est-ce qu'elle a Dale Weiss. Des Louise. Thank you. Good luck. Bravo, Des Louise. Des Louise. Il était cool, lui, pareil. Juste pour dire Des Louise. Il était cool. C'était le Deutsch Gretzky, right? Oh, oui. Il était tellement laid. C'est qu'il était laid. Ah, on a échangé ça contre Raphaël Diaz, que je prends tout le monde aujourd'hui, qui sort avec une lofteuse. Il est marié avec. Bon. Attends, répète ça. Raphaël Diaz est marié avec une lofteuse. Ah, OK. Love Story. Ouais. Le show ou le 25e? En 2005. Écoute, ben, ça a arrêté quand? C'était dans la dernière année avec Arcadio. OK. Puis l'autre, le Sneaky, là, Sneaky Arcadio. Écoute, il avait l'air d'avoir trois personnalités, là. Trois? Sneaky Arcadio. Il y avait les cheveux longs frisés. Il avait l'air d'un Je sais pas qui tu parles. C'est quoi son nom? Il était fucké, man. Il y avait aussi Mathieu Le Baron qui a mené de la 20e idée. Ah, oh, ben oui. Mais... Ne manquez pas les lives de Mallette qui va revoir tous les... Mallette Enquête, Love Story Edition. Il va faire la critique de toutes les Love Story de 1 à 6 cet été. Mon père écoutait ça parce qu'il aimait ça quand il allait dans le jacuzzi à la fin de l'émission. Le jacuzzi. Sinon, parlant de vieilles affaires, c'était-tu Mena Suvari, ça, dans Twisters? Ah, j'imagine. Tu te rappelles-tu? Ben oui. Non. On se souvient. Dans American Beauty, la petite blonde. Là. Oh! J'ai une catch. Qui couche avec... Avec Kevin Spacey. Elle couche pas avec, mais elle le veut. Mais ouais, le pédophile. Ouais, il y a broyé en entrevue. Oui. Ouais, il dit qu'il n'y a plus d'argent. J'ai plus de crise de scène. J'ai plus d'argent pour payer ma maison de 18 millions. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quand même hot quand 5 minutes, c'est rendu une jasette. Ouais, ben oui, c'est ça la jasette. C'est ça la jasette. D'habitude, c'est ça. Un jour, ça va revenir peut-être. Là. Mais ouais, sinon, pour la soirée du podcast, on va recommencer la saison fin septembre, début octobre là, pour la saison régulière. Donc. Allez-vous commencer à temps pour le camp de recrutement du CH, peut-être? C'est dans deux semaines. Pour voir Dimidov. C'est dans deux semaines? Ouais. Parfait. Après ça, on fait dans deux semaines, on va recommencer ça, les gars. Dans deux semaines, on va être à Vegas dans la sphère. Fait que je vais voir ça, là, mais bientôt. On va suivre de près les nouvelles acquisitions qui vont se passer. On commence toujours avant que la saison commence, au moins un épisode là, pour faire une petite mise à jour puis voir où est-ce qu'on s'en va pour le CH. La date limite des échanges, c'est quand? En fait, c'est au mois de probablement début mars, quelque chose de même. La date limite des échanges. Les échanges, c'est terminé. C'est le 1er juillet. Les joueurs autonomes, 1er juillet. C'est ça lundi. Okay. Le lundi. C'est d'ici lundi qu'il peut se passer des affaires encore. Après ça, il va y avoir plein d'émissions qui vont couvrir pendant 12 heures de temps. Rien du tout. Rien. Notamment, Germain Cylindré va commenter. Germain Cylindré va commenter des échanges. C'est une mauvaise traduction, man. Le gars des 12 travaux, le gars avec la petite barbichette. Ah, OK. Hey, c'est-tu beau, ça? Ben, c'est ça. Regarde, son père est décédé l'année passée. Et toi, il regarde en sa haut. Mère, regarde sa mère. Elle a un iPhone elle, en or. Elle est veuve, à la, là. Hey, toi, là. Hein? La mère, elle a rentré. Les mères travaillent fort. Toi, là. Diane Lavallée. La veuve, là. Tu l'as spoté en espèce. C'est une nette à des gens, des nettes régulières. Ces femmes-là travaillent fort. On finit avec JF qui dit que la mère de je sais pas qui ressemble au Diane Lavallée. Hey, check ça! OK, c'est le highlight de mère qui capote avec raison. Elle a capoté parce que quand Morel les fans de Dimidov, ça. Ouais, avec des petites moustaches molles. Ah ouais. Chris, il a même pas enlevé son. Tu sais, la pin quand la casquette était accrochée dans la tablette. 25, il a même pas enlevé sa pin. Il avait même pas enlevé ses étoiles starter en arrière de la casquette pour avoir une casquette. Ça. C'était même pas c'était vrai. C'était pas vrai. Non, ça, c'est de la je me suis envoyé chier. Il est là, Il est là, Germain Cylindré, le deuxième à gauche. C'est lui qui va mettre à l'écran pour le moment. Germain. Vous avez gagné! Elle a retiré hier! A gagné big à soir. Hey, Eston. Ouais, Montréal. J'ai hâte de voir Dimidov dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Il va être beau en bleu, blanc, rouge. Et ouais. Voilà. Bon. Ben ouais, moi, tout est dit. Tout a été dit, puis il est rendu 11h. On a fait, des on a fait un podcast de 4h aujourd'hui. Là. C'est incroyable. Les drafts. Merci tout le monde d'avoir. On fait rire. Le draft. Non, mais merci d'avoir été là, tout le monde, puis on se revoit bientôt pour un autre épisode de la soirée du podcast. Ciao! Salut!